Salut les bourrinos et bienvenue pour ce troisième numéro de VHS et Canapé. Et oui, il était temps, on a mis un petit peu de temps à préparer cette nouvelle émission, mais vous allez voir, ça valait le coup. Et je vais saluer mon camarade, mon comparse, le fan absolu de Chuck Norris. Salut Bilou, comment vas-tu? Salut Creeper, c'est bien, écoute, ça va bien, je suis content d'être retour là après l'été. Hein, on a pu bien se détendre. Ouais. On est peut-être un peu trop détendu. On s'est un petit peu trop détendu, je pense, depuis la dernière émission. Mais ouais, non, content d'être là. En plus, c'est un bon sujet pour commencer cette nouvelle année, on va dire, entre guillemets. Ouais, cette nouvelle saison. Ouais. Voilà, oui. Ouais. Et ouais, non, je suis content. Je pense qu'on va bien parler. J'espère que les gens ont un peu de temps devant eux, là, à mon avis, parce qu'on a un bon sujet bien costaud. Bah, en plus, tu vois, alors je pense que c'est une des raisons qui fait qu'on n'a pas rebondi tout de suite, parce qu'on avait déjà fait, on pensait vraiment le pinacle du cinéma. On avait Exactement. Parlé de Commando, hein, ouais. Quand t'as fait l'épisode la précédent. Commando, bah, c'est compliqué après, de qu'est-ce rebondir. Que tu fais d'autre après, quoi. Bon. Donc, du coup, on garde un petit pied dans la canon pour quelques films, vous allez le voir. Allez, on déflorera le sujet un petit peu plus tard, mais pour l'instant, on va déjà vous remercier, parce qu'effectivement, on a fait, hein, donc le dernier podcast, c'était sur Commando, on avait fait la canon, et on a eu pas mal de messages plutôt sympathique, notamment sur Twitter, parce qu'on n'a pas encore créé de compte Twitter pour VHS et Canapé, parce que je suis un gros feignant. Donc on a eu pas mal de petits messages très sympas pour nous féliciter du travail sur VHS et Canapé, et donc sur notre émission sur le meilleur film du monde, Commando. Donc encore merci. Merci beaucoup de nous soutenir, de partager et d'être, de plus en plus nombreux. On a fait que deux émissions, c'est pas non plus, hein, on n'est pas non plus, on n'est pas non plus des vedettes et des stars, mais le peu de personnes qui prennent le temps de venir nous parler, de nous dire qu'ils apprécient un petit peu ce qu'on fait, notamment l'ambiance de l'émission qui est très détendue. On est bien, hein, Bilou. Ah oui, on est très bien. On est plutôt détendu. Bah voilà, ça fait plaisir. Je sais pas si t'as un petit truc à rajouter, Bilou. Non, bah comme toi, hein, c'est vrai que j'ai pu voir aussi quelques messages, ça fait toujours plaisir de voir ça, de voir que c'est apprécié, parce que bon, ça reste des films, on parle de choses généralement assez mondialement connues, on va dire, mais à différents niveaux, on va dire. Mais ça fait quand même plaisir de voir des gens qui partagent un peu la même vision un peu, et puis le fait de pouvoir en apprendre quelques trucs aux gens et tout, si c'est le cas, bah tant mieux. Hein. Ça fait plaisir. On peut faire découvrir Commando aux gens, franchement. Rien que pour ça, on peut dire que c'est la classe, quoi. Ah oui, leur faire découvrir que c'est pas si nul qu'ils ne le pensaient au départ. Oui, tout à fait, c'est pas si nul, c'est le meilleur film du monde. Il faut Avec le rappeler la régulièrement. Moustache. Exactement, la meilleure moustache de Bennett. Je vais en profiter pour faire un méga coucou à l'équipe de 80s le podcast qui nous soutiennent depuis le début, et aussi parce que bah voilà, depuis une émission maintenant pour le début de leur nouvelle saison, et bah, je les ai rejoints un petit peu. Et notamment sur une première émission sur Top Gun, je me suis vraiment vraiment beaucoup amusé. Donc il y a un rapprochement qui se fait de manière naturelle avec l'équipe de 80s le podcast. On essaiera peut-être même parfois, on est en train de réfléchir à des petites choses qu'on pourrait faire en commun. Donc voilà, on garde un petit peu des surprises, mais on vous tiendra au fur et à mesure. Mais ça peut donner quelque chose, je pense, de plutôt intéressant. Allez Bilou, je pense qu'il est temps d'arrêter de tourner autour du pot. Il est temps d'attaquer notre gros sujet du jour. Qu'est-ce que tu en penses? Ah oui, je pense qu'il est temps que les gens soient au courant du superbe titre que tu as donné à ce podcast. Alors déjà, on va mettre les choses dans leur contexte, Bilou. Il a été moqué. Il a été montré du doigt. Il a été sali. Oui, mesdames et messieurs du jury, Jean-Claude Van Damme fait partie de ces acteurs mal aimés dont la carrière est regardée de travers par une majorité du public. Et nous, Bilou et Creepers, avocats de VHS et Canapé, on ne pouvait plus laisser passer ça. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à une pierre angulaire de la culture cinématographique de beaucoup d'entre vous, même si vous ne l'assumez pas. Eh oui, ça on le sait, c'est compliqué, mais aujourd'hui, nous allons vous montrer que celui qui a marqué votre jeunesse à grands coups de latte et de grand écart facial mérite bien mieux qu'un passage moqueur dans le zapping à la con de D17 ou chez ces bobos des enfants de la télé, dont la plupart des invités enchaînent bien plus de navets cyniques que notre client. VHS et Canapé pour sa rentrée s'engage à réhabiliter Jean-Claude Van Damme, car Jean-Claude Van Damme est Tower et contre tous. Bilou, envoie la cassette et appuie sur play. Alors maintenant qu'on a balancé le sujet, comme d'habitude, on va commencer par nos premiers contacts avec le sujet du jour, donc Jean-Claude Van Damme, notre ami, notre amour, notre copain. Alors Bilou, c'était quoi le premier film que tu as vu avec Jean-Claude? Alors je suis pas sûr que ça soit le premier, mais en tout cas c'est celui qui m'a le plus marqué, c'est Universal Soldier. Ah que j'avais dû enregistrer donc un soir et que bah, à l'époque j'enregistrais et je regardais après les lendemains dans la journée où je posé pouvais. Tranquille ouais, voilà, dans le ouais. canapé. Exactement, tout à fait. VHS et canapé, c'était, exact. C'était une le sacrée combo époque. Idéal. Et donc oui, c'est ce film a marqué. J'ai l'impression que j'ai encore des souvenirs de la première fois que je l'ai vu. Je me souviens encore de cette histoire de grosse picouche géante, d'aboliseur. Enfin, quand des trucs qui nous marquent plus que d'autres. Hein. Et c'est pour ça que j'avais plus de souvenirs de Tonton Dolph avec son collier d'oreilles. Ouais, c'est marquant ça quand même. Ouais, quand même. Et de la manière dont il finit, que de Jean-Claude, même si bon, j'ai quand même quelques souvenirs. C'est d'ailleurs un souvenir aussi que j'ai, que je me suis dit, putain, Jean-Claude, il est pas grand. Bah, en fait, je crois qu'il fait, quoi ? Il fait 1m70, 75. Ouais, pas je si pense grand que ça, c'est un hein. peu comme Tom Cruise. En gros, exact. C'est des acteurs, tu te rends compte, tu dis, mais en fait, il est pas super grand. Et surtout que Dolph est quand même assez balèze. Mais c'est pour ça qu'il arrête pas de sauter pour mettre des coups de pied. Oui, après aussi. Jean-Claude. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il doit être aussi balèze au final. Mais c'est vrai qu'il est. Je sais que quand tu le dis, c'est vrai que je trouve que du coup, le rôle de Dolph en plus est beaucoup plus impressionnant que le rôle bah de oui. Jean-Claude qui est plus lisse au final. C'est vrai. Et ouais. Cette espèce de colonel taré avec ses colliers d'oreilles. Enfin, ouais, il est complètement maboule. Tu vois qu'il est complètement halluciné dedans. Ouais, il est pas mal, mais c'est vrai que je trouve que Dolph, il s'est quand même amélioré sur le côté Barjo. Oui. Parce que je trouve qu'il fait largement mieux maintenant qu'à l'époque où on voyait que bon, il était un peu. Un peu voilà, limité. Ouais, on ressentait que c'était un peu le début. Bon, mais en tout cas, un bon souvenir, un bon film, toujours maintenant. On en reparlera oui. plus tard. Ouais, mais ça reste cool. Ça reste très bon avec des petits coucous d'acteurs qu'on a pu connaître avant ou après, qu'on a sûrement beaucoup déjà vu. Et non, c'est un bon souvenir. Je me souviens même avoir aussi acheté le jeu Game Boy, hein, qui était très moche, un jeu de Acclaim. Et tu m'as envoyé là, je t'ai racheté un colis de jeux rétro oui, et il était dedans. Il était dedans. C'est un des jeux que je jouais pas mal sur Game Boy, un jeu en scrolling vertical avec des armes à récupérer, plein de trucs. Je crois que le jeu n'avait aucun rapport avec le film. Je sais ouais, plus. Comme souvent à l'époque. Oui, parce qu'en même temps, c'est un peu compliqué. Mais ouais, je me souviens que j'y ai joué pas mal. Ça a participé aussi à mes souvenirs un peu du truc. C'était un jeu récupéré typiquement comme à l'époque dans un bac, hein, les bacs à jeux Game Boy à 3 francs 5 sous. Mais ça participe un peu au truc, et donc je pense que c'est mon premier souvenir, je suis quasiment persuadé que c'est mon premier Jean-Claude, ou presque persuadé, en tout cas, c'est mon souvenir le plus vivace, en tout cas. Ça a commencé plutôt bien, on va dire. Oui, voilà, ça c'est va, pas oui. Le plus, voilà, c'est non, pas non. Le pire. Bon, au début, il y avait peu de chances de tomber sur un truc horrible, bon, oui, c'est vrai. Par peut-être Cyborg, mais encore, ah, je suis pas sûr. On en parlera, Cyborg, ouais. Cyborg, c'est cool. alors quant à moi, bah c'est le classique, hein. Moi, c'est Bloodsport, forcément Bloodsport avec la VHS enregistrée par mon papa. Donc on en a déjà parlé, donc on sera obligé d'en reparler plus tard parce que c'est un peu la pierre angulaire, ouais. le top départ hein, de la carrière de Jean-Claude Van Damme, qui a commencé on va dire sous les chapeaux de roue grâce à ce film-là. Mais voilà, ça fait vraiment partie de mes souvenirs de petit bambin fan de films d'action. Parce qu'il y a à peu près tout ce qui peut plaire à un gosse, hein. C'est violent, il y a du coup de latte, voilà, Jean-Claude en fait des caisses, mais bon, on va pas non plus commencer à bloquer complètement sur Bloodsport, parce que comme je l'ai dit, ça fait vraiment partie des choses importantes, et on va rentrer un petit peu plus dans le détail tout à l'heure. Et justement, donc forcément, Jean-Claude Van Damme, vous le savez, n'est pas américain. Non. Hein, c'est le Monsieur Muscle belge, c'est The Muscle from Belgium. Et donc forcément, on fait une émission sur Jean-Claude Van Damme, on est obligé de parler de ses origines. Alors Bilou, d'où vient notre copain Jean-Claude Van Varenberg ? Eh oui, parce que c'est son vrai nom, hein, des fois que des gens ne seraient pas au courant, il ne s'appelle pas vraiment Van Damme. D'abord, il a pris le nom Van Damme en l'honneur d'un de ses mentors, sûrement de karaté. C'est grâce à ça qu'il a choisi ce nom. Mais sinon, au départ, donc Jean-Claude est le fils donc d'Eugène et d'Eliana Van Varenberg. Il est né le 18 octobre 1960, ce qui fait qu'il a, je crois, 50 et des je sais plus 56 combien. Ans, monsieur. 56, 55, quoi, ouais, je me disais ça. Non, non, j'avais 55 dans l'idée, mais je me suis dit, on n'est pas une année qui se finit en 5, donc j'étais en train de douter si je n'ai pas confondu avec un autre. Mais ouais, 55, c'est vrai qu'il n'est pas si vieux que ça au final, hein, il est quand même beaucoup plus jeune que Stallone, Schwarzy, c'est pas la même époque. Hein, exactement. Il est quand même arrivé plus tard. Et Et donc, c'est vrai que quand il est petit, Jean-Claude l'a déjà expliqué déjà lui-même, hein, c'est pas quelque chose qu'il cache ni rien, il était très chétif. Ouais, c'était un maigrichon. Ouais, il était petit, bon, il est resté un peu, pas très grand, enfin. Oui, il est resté un peu petit, Ouais. mais moins maigrichon. Voilà, moi, maigrichon, ça s'éclaire toujours. Parce que si à 56 ans, on est encore bâti comme lui, moi, j'y respecte quand Ouais, même. là, ouais, ça c'est vrai. Mais donc, à l'époque, il était petit, avec ses lunettes, on peut facilement trouver une photo sur le net. C'était pas ça à l'époque, hein. Il était très timide. Et donc, son père, bon, il est un peu embêté, justement, pour son fils qui soit aussi timide. Il essaye de le bousculer un peu, il décide qu'il s'initie au karaté et à la danse classique. Alors, bon, c'est vrai que. Vu comme ça, karaté danse classique, c'est un peu antinomique, mais Surtout quand on le pourquoi voit pas. danser dans la plupart des films, il Oui, danse pas forcément. je pense que la danse classique, il a dû arrêter très rapidement. Mais en fait, non, parce qu'il faut savoir, parce que j'ai revu une interview il y a peu de temps avec sa prof de danse, et en fait, il a failli rentrer, je crois, à l'école de ballet, enfin une école très connue à Paris. D'accord. Et donc, il était Ça ne se voit vraiment. pas du Ah tout. non, ça ne se voit pas du tout. Il cache bien chose. Et donc, il était très, très, très doué pour la danse. Et en fait, il y a un moment, la prof raconte, c'est qu'à un moment, donc, c'est forcément avec la danse classique, tu sais pas où tu gagnes le plus, enfin, le mieux ta vie, quoi, on va dire. Non. Et donc, je crois qu'elle lui a posé une question à un moment, elle dit, qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu veux gagner de l'argent ou être danseur de ballet, etc. Et ben, il a dit, moi, je préfère l'argent. Donc, du coup, je crois qu'il a arrêté de danser à cause de ça. Et c'est à peu près à cette époque-là où il a décidé. Je crois que c'est l'Opéra de Paris, hein, qui devait carrément aller. Ce qui C'est possible, oui, est parce qu'à part ça, ici en France. assez impressionnant. Et donc il va arrêter l'école à 16 ans justement pour se mettre à fond dans les karatés, quoi. Quel merveilleux danseur tu ferais. Et on va dire, ah, non, moi je veux gagner beaucoup d'argent. Ah, je dis alors surtout pas la danse, hein, mon ami. Il paraît que vous avez failli devenir danseur chez Maurice Béjart. C'est vrai ça, ce qu'on m'a Oui. raconté? Ben, il avait tout pour. Il À avait ce tout pour point-là, être oui. danseur. Ah oui, il aurait. D'ailleurs, Maurice, t'aurais tellement aimé, mon petit cher. Et alors j'ai fait donc un chemin dans le karaté, karaté cinéma. Il va même ouvrir sa propre salle de fitness, Ouais. bien des années après, qui s'appelle California Gym. Ah, déjà le rêve de l'Amérique. Voilà. Ouais. Et le monde du cinéma va le rattraper, en fait, parce qu'il est un peu par hasard, j'avais vu, mais je ne sais plus exactement les circonstances, où il y a un casting, et bon, il essaye d'y aller, voilà, comme ça, un peu. Pas forcément par hasard, mais juste comme ça. Et au final, il y a une révélation. Hein, c'était pour le film Rue Barbare de Gilles Bréa. Il a une révélation. Il décide de partir faire fortune à Hollywood. Et donc, il s'en va comme ça avec 2000 dollars en poche, rien d'autre. Et sans savoir parler anglais en Ouais, plus. ce qui est culotté quand même. Oui. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est commun des fois à beaucoup de gens qui ont quand même pas mal réussi. Tu te rends compte que c'était pas vraiment préparé, quoi. Ah, c'est le fameux rêve américain. Voilà, il y en a qui y sont allés et puis avec de la gouache, avec de la chance, ils ont réussi à percer et c'est le cas de Jean-Claude. Parce que le fait de pas savoir anglais et de partir aux États-Unis, quand même, c'est pas mal. Et il a expliqué dans une interview qu'il a un peu appris à parler anglais avec le dessin animé Les Pierres à Feu qui passait là-bas. C'est incroyable. Oui, alors donc. Dire Jean-Claude est parti avec 3 francs 5 sous et il a appris l'anglais avec les pierres à feu. Et tu sais ce qui est fou, c'est que tu parlais là rapidement donc, du passage où il a failli jouer, parce qu'il a failli, il a même pas joué dans Rue Barbare. Hein. C'est que en fait, il est pris au casting et il arrive le lendemain où il devait arriver. Il arrivait un jour trop tard. Il racontait D'accord. ça à une interview. Donc, il devait jouer dans Rue Barbare de Gilles Bréa. Et au final, le mec, bah, il arrivait complètement en retard. Et donc, il s'est retrouvé comme ça sur le tournage à pas comprendre pourquoi personne venait le voir. Et en fait, il avait complètement zappé qu'il devait jouer juste avant. Donc, il a complètement foiré, son passage dans ce film-là. Mais il a quand même eu, comme tu l'as dit, vraiment la révélation pour le cinéma. Et là, il s'est dit, allez hop, l'endroit où je peux faire fortune, l'endroit où on veut faire des films, bah, c'est à Hollywood, quoi. Et donc, il est parti, effectivement, avec son nouveau pseudo, Jean-Claude Van Damme. Donc, tu l'as dit, hommage à un ancien mentor. Et là, bah, on va dire, il a énormément galéré, quoi. Il a énormément galéré, il a fait plein de petits jobs, il a fait chauffeur de limousine. Il a fait livreur de pizza. Donc, il a fait plein, plein, plein de boulots complètement pourris. Et rappelez-vous, je crois qu'on en a parlé très rapidement, mais je suis même pas sûr qu'on l'ait cité dans le podcast sur la Canon. Donc, il fait une apparition dans Breaking. Oui, en dansant d'ailleurs, et très Et mal très très aussi. mal. Et Très mal dans le tu le vois fond, avec ouais. un espèce de maillot de bain, enfin, je sais pas, un maillot de corps comme il y avait dans les années 80, justement. Et donc, pendant que les héros du film font des chorégraphies de ouf en premier plan, bah, on voit un mec complètement taré, avec l'arrêt sur le côté, en train de s'agiter dans tous les sens en tapant dans les mains. Oui, d'ailleurs, il l'a expliqué, hein, s'il faisait ça, c'était pas pour rien, c'était pour se faire voir, en fait. Ah bah oui, bah là, ça a pas loupé. C'était pas prévu, hein, c'est vraiment, il disait, je vais sauter partout et on va me voir au fond et on va me repérer, c'est pour me faire voir, en fait. C'était pour ça. Chorégraphie de malade, hein, c'est hyper impressionnant. On sent vraiment le côté Opéra de Paris. Hein, c'est dommage, j'aurais pu trouver un truc pour l'Opéra de Paris, hein, ça aurait été magnifique. C'est sûr. Et son film suivant aussi, hein, dans lequel il est apparu, c'est très Opéra de Paris aussi, je trouve, hein. Parce que. Mais tu sais que j'en avais entendu parler. Alors, du coup, comme on s'est vraiment intéressé au personnage, que voilà, c'est un personnage qu'on aime beaucoup. Mais il y a des choses forcément qu'on n'avait pas vues ou qu'on s'en foutait un petit peu, quoi, de son début de carrière qui était un peu pourri. Mais c'est vrai que. Donc, j'ai revu le passage de Monaco Forever. Et c'est assez truculent. Je crois qu'il y a dans pas sa petite de, voiture décapotable. Ouais, mais il est surréaliste ce passage. Oui, quand même, oui. Oui, je pense qu'on n'imagine pas. Mais en fait, on n'imagine pas à une époque, mais en le voyant ce qu'il fait maintenant, au final. Tu vois qu'il était prêt à tout. C'est. Oui, oui, ça surprend pas, et, en fait. Et donc, bah, attendez, on va vous passer le. Ouais, on va passer un extrait, et puis on en reparle tout de suite après. Le ciel, qu'est-ce qu'il est formidable. Oui, combien c'est bon. Tu es un athlète, dis. Comment? Non, je disais, tu as un corps bien musclé. Un athlète, quoi. Oui, j'ai fait beaucoup de sport. C'est évident. Hein. Tes jambes sont bien musclées. Ah bah donc, vous l'aurez peut-être compris, mais donc Jean-Claude... dans ce film-là, est un karatéka homosexuel. Oui, voilà, donc dans l'extrait, parce que... Et encore, il n'y a pas l'image. Ouais, il n'y a pas l'image, et il y a le petit Marcel très sympa, et donc il met la main sur la cuisse du mec, et donc il essaye complètement de le pervertir, et donc ce qui est complètement fou, c'est que donc il est en train de lui tâter la cuisse, et je pense qu'il essaye de tâter un petit peu plus, et donc là, le héros dit, écoutez, arrêtez-vous, et puis bah voilà, je vais vous apprendre les bonnes manières, et donc il va essayer de lui casser la gueule, et forcément, Jean-Claude, qui est karatéka... Bah, il arrive à lui faire peur et le mec se barre et t'as Jean-Claude qui du coup laisse tomber. Je crois que il apparaît que quelques minutes dans le film, hein, donc oui, c'est vraiment une mais petite bon, apparition. C'est énorme, ce passage-là est énorme. Je l'ai regardé, j'étais mort de rire. Et notre copain, et ben ensuite va faire un film où il aura un petit peu plus de présence. C'est Karate Tiger. Karate Tiger, donc qui est réalisé par Corey Yuen. Alors c'est peut-être un nom que vous connaissez si vous êtes un petit peu fan de films d'action. Et ce qui est rigolo, c'est qu'encore une fois, moi j'avais vu son nom associé à... Alors c'était principalement au Transporteur. Le premier Transporteur qu'il a co-réalisé avec Louis Leterrier. Donc je me disais que le mec c'était une pointure, tu vois, au niveau du cinéma chinois et tout. Bah en fait non. Non, pas du tout. Généralement quand on fait 33 films en tant que réal et qu'on n'est pas super connu, c'est Anguille Souroche, hein, généralement. Ouais, non, il y a beaucoup de... Alors je crois qu'il a quand même fait un ou deux Jet Li dans le lot de tout ça. Peut-être mais pas c'est les clair meilleurs que... Non, je pense pas que ça soit les meilleurs, mais ouais, quand j'ai regardé de près sa filmo, c'est assez pourri. Hein. Je vois qu'on parle de The One, Dead or Alive. Ouais, Dead or Alive, ouais. Bah, donc l'adaptation Dead or Alive de jeux vidéo, hein, pas le film de Takeshi Miike, c'est vraiment l'adaptation de jeux vidéo Dead or Alive. Et donc The One avec Jet Li, il a été, je crois, assistant réalisateur et aussi beaucoup donc coordinateur de cascade sur quelques films. Et donc voilà, le mec a pas une on va dire une filmographie de ouf, et donc il a fait Karate Tiger, alors qui est le film, on va dire, typique de ces années-là, hein, années 80, où t'as le héros très gentil qui va, je crois qu'il joue un russe dedans, Jean-Claude, donc c'est le méchant de l'histoire. Ouais, c'est voilà, méchant russe. C'est le méchant de l'histoire. Alors, un russe joué par un type qui a un accent français, ça doit être extraordinaire. Et puis c'est vrai qu'il joue extrêmement mal dedans. Mm-hmm. Donc il y a quand même, alors moi j'ai regardé du coup, parce que je ne l'avais pas vu jusqu'à là, j'ai regardé la moitié du film, et notamment là où il apparaît, hein, donc il apparaît 30 minutes, à peu près 20 minutes, 30 minutes dans le film, bah, pour la fin, où il y a une espèce de tournoi, alors c'est le tournoi tout cheap, hein, dans une espèce de vieille salle des sports du lycée du coin, et donc il savate, alors j'ai jamais vu un tournoi comme ça, dire qu'il les enchaîne les uns après les autres, donc il casse la gueule à tout le groupe d'Américains, puis bah, bien sûr il y a le héros super gentil qui en a marre de voir tout ça, puis il vient puis il lui casse la gueule quoi. Donc ça fait du mal hein, de voir Jean-Claude se faire casser la gueule quand même. Oui, surtout que c'est quand même assez rare, mais ça arrive un peu. Et donc il y a un point commun dans tous les films où je joue les méchants, et ben il a les cheveux plaqués en arrière. Wonder, let your spirit find the way. Reach for the power from c'est vrai que le film est, voilà, le film est pas fou. Hein. Je sais pas si tu l'as vu, toi. Non, non, non. C'est très cheap. Hein. Franchement, c'est, là, c'est compliqué. Mais j'aimerais bien le voir en VO pour voir si, si c'est lui-même qui fait la voix ou s'il a été. Non, doublé. C'est sa voix. Que je, ouais, c'est j'ai sa vu voix, le passage en que, VO, c'est sa voix. Ouais. Parce que, ouais, faire du russe avec son accent. C'est vrai qu'un Belge qui fait l'accent russe, ça doit pas être évident quand même. Non, surtout si en plus il doit le faire sur de l'américain qui connaît plus ou moins, je ne sais plus à quelle époque c'était, mais bon, ça va être assez particulier. Mais bon, il dit deux phrases hein, de toute façon, donc c'est oui. Quand il arrive sur scène, je crois qu'il balance une phrase genre I'm the best ou un truc comme ça. Et il y a un truc bah, toujours très rigolo parce qu'il aime montrer qu'il sait faire le grand écart. Bah forcément, dans son premier film entre guillemets où il a un rôle de plus de 10 minutes, et bah il fait le grand écart sur les cordes. Oui. Et en croisant les bras, il y a des gifs, vous pouvez trouver des gifs un peu partout. Moi, j'utilise régulièrement ce truc là parce que je le trouve avec, il fait une grosse grimace genre je suis super méchant, donc il cabotine au taquet, fait vraiment le mec vénère en faisant des grosses grimaces et donc il refera encore une fois le méchant dans un autre film par contre que je n'ai pas vu du tout, j'ai juste vu un montage avec toutes les bastons, c'est Black Eagle. Alors pareil hein, c'est un truc que moi je n'avais pas vu, alors je l'ai en DVD en plus parce qu'il y a une époque où je voulais me faire tous les films de Jean-Claude, les avoir en DVD. Et donc dans un bac à soldes à 1€, je l'ai pris, mais pareil, hein, c'est assez mauvais, puis je joue encore une fois un méchant, quoi. Ah, vaut mieux faire ça sur la filmo de Jean-Claude que de Steven. Ouais, c'est clair, parce que là, au niveau film, le mec, Steven, il est partout, hein, c'est, il y a quasiment les deux films par mois, je sais pas comment il fait, le mec. Mais il y en a un qui est sorti et qui a l'air sympa, je sais plus comment il s'appelle, fait un truc genre Justice, je sais pas, où il joue un sniper. Et où il marche au ralenti. Ouais, où il apparaît plus souvent dans la lumière que dans tous ses 20 derniers films. Ouais, il a dû perdre un petit peu de poids, il s'est dit c'est bon, je reviens, je suis dans le game, quoi. Tu vois, il a dit c'est bon, je suis au top de ma forme. Puis j'adore voir les. Bon, on est déjà en train de dériver, mais j'adore voir les. Parce qu'il fait des espèces de cours, là. Tu sais, tu le vois, il est entouré par des mecs, il fait des fausses chorégraphies où les mecs s'envolent tout seuls. Il fait des petits mouvements de bras et t'as tous les karatékas qui s'envolent, qui font des roulades avant partout. Enfin, c'est assez rigolo. Et c'est que des gens à lui, hein, attention. Si j'ai interdit que ça soit pas quelqu'un qui fasse partie de son équipe qui vienne. Ah bah non, sinon. Parce qu'il était déjà venu en France pour faire une démonstration de taekwondo et on pouvait pas l'approcher. C'est tout un. Bon, tu vois que c'est tout un cinéma, ce qu'elle veut dire. Ah bah c'est du gros cinéma. De toute façon, maintenant le mec il peut plus rien faire. Hein. S'il bouge trois bras, ouais, il est foutu, il est crevé, il transpire. Enfin voilà, c'est une catastrophe. Ouais. Mais bon, on l'aime aussi, Steven. Un jour tu auras une émission, rassure-toi. Et truc assez dingue, là je vais te laisser raconter parce que bah, si vous avez vu Predator, il faut savoir que Jean-Claude Van Damme, bah, il est aussi associé à ça. Ouais, c'est une légende de. Enfin, c'est pas vraiment une légende puisque c'est avéré, mais c'est assez connu. Jean-Claude a été casté au départ pour être le Predator. Voilà, le Predator, type qui est dans le costume. C'était quand même un rôle assez dur. C'était vraiment quand même quelque chose dans la jungle. Alors, déjà, les conditions. Si vous les connaissiez de Predator, de tournage, ouais, c'était fou, hein. Vachement dur. Pour vous dire, hein, si vous vous rappelez de, par exemple, ce qui est la fameuse caméra thermique, la vision thermique du Predator, elle ne fonctionnait pas lors du tournage parce qu'il faisait tellement chaud qu'en fait, tout était orange. Ouais, c'était pas du tout du studio ni rien, c'était du vrai tournage hardcore. Ils étaient vraiment là-bas, donc c'était vraiment, vraiment très compliqué. Et donc, je sais pas si ça a joué là-dedans, mais en tout cas, c'est vrai que les conditions étaient vachement dures, surtout pour être dans une combi totale, quoi. Mais apparemment, ce qui n'a pas plu à Jean-Claude, c'était qu'il n'était pas au générique. Ah bah oui. C'est vrai que venant d'un mec qui fait des chorégraphies cheloues en sautant en fin fond d'un truc pendant le repère, c'est sûr que pas être au générique, ça va pas lui perdre des masses. Donc, il a laissé tomber. Et apparemment, c'est de lui-même hein, qui a quitté. Alors, il y a différentes versions, il me semble. Des fois, on dit qu'on l'a viré. Des fois, c'est lui qui est parti. Donc, bon, c'est comme tout. Hein. Il y a tout et n'importe quoi. Bah, surtout dans la vie de Jean-Claude. Hein. Des fois, il y a plusieurs versions différentes de certaines histoires. Donc, c'est vrai que moi, globalement, j'avais entendu la version où ouais, il voulait pas, il faisait pas partie du, entre guillemets, du vrai casting. Et donc, il serait parti. Par contre, il semblerait que dans certains passages où on le voit en camouflage optique, il y ait quelques mouvements qu'il aurait fait qui auraient été gardés. Mais bon, voilà, c'est pas non plus super fou. Puis comment tu veux remarquer ça? C'est pas possible. Mais oui, c'est impossible. C'est très, très caractéristique d'une époque où les personnages qui étaient en costume, eh ben, on s'en foutait, quoi. Vraiment, le type qui avait dedans, on s'en foutait. Ouais. Je veux dire, la preuve, je veux dire, le Dark Vador, à une époque, le fait que c'était David Prowse, rien à foutre, quoi. Alors que de nos jours, ça passerait plus, quoi. Je veux dire, c'est super important maintenant. Ils sont tous en train de devenir fous à savoir qui est-ce qui pourrait jouer Boba Fett dans un film Boba Fett. Alors qu'au final, si on regarde la tête du mec qui jouait Boba Fett dans les Star Wars originales, ça a tout niqué. Non, c'est pas possible. Il faut pas la chercher, il faut pas la regarder parce qu'on est sur une sorte de type qui sort de j'ai perdu le mot. Hein, tu sais, les espèces de cirques ambulants. Là. Non, enfin ouais, moi j'avais plutôt dans l'idée les boîtes, la boîte, les entreprises des messages. Ah, caractère informatique. Oui, la Cogip. Voilà, le type, il a vraiment une tête de gars de la Cogip. Le bureaucrate. Avec sa petite moustache, les grosses lunettes. Enfin, c'est horrible. Donc à l'époque, vraiment, on s'en foutait. Hein, donc, sûrement qu'ils ont pris Jean-Claude parce qu'il était athlétique. Voilà, il pouvait bouger avec un costume, c'était peut-être plus simple pour lui. C'est vrai qu'à maintenant, le moindre rôle, maintenant, t'es obligé d'avoir une vedette, même s'il est caché voilà. Tout le long. Quoi. C'est même incroyable. Si on le voit pas. Alors, des fois, c'est un intérêt. Hein. On va prendre pour Vendetta, le fait que on ait pris Hugo Weaving, c'est la voix, il y a quand même un intérêt parce que la voix ne parle pas. Oui, la voix d'Hugo Weaving, vraiment très bien. En VF d'ailleurs aussi très bien. Oui, c'est formidable. Vrai. Ça marche vraiment. Bien. Ouais. Un boulot extraordinaire. Mais bon, voilà, à l'époque, je pense que c'était vraiment juste Jean-Claude parce qu'il était athlétique, il pouvait bouger très bien avec le costume dans des conditions très compliquées. Donc c'est pour ça, je pense qu'il a été casté et pas pour ses talents d'acteur, quoi. Et donc Jean-Claude laisse tomber Predator parce qu'on ne pouvait pas le reconnaître. Et un jour, donc là encore une fois, histoire, on va raconter les deux versions de l'histoire, parce que maintenant je sais qu'il y a deux versions de cette histoire-là. Jean-Claude va croiser le chemin de Menahem Golan, notre ami hein, du premier podcast sur la canon. Alors je vais te laisser raconter la première version de la rencontre avec Menahem, l'un des chefs de la canon, celui qui va l'aider à devenir une star. Alors qu'est-ce qui s'est passé dans la version entre guillemets la plus officielle ? Bah, si on a des auditeurs qui sont de qualité, ils nous auront déjà écouté au premier épisode. Exact. Normalement, ils sauront déjà l'histoire. Donc, on va la faire hein, pour les cancres du fond qui n'étaient pas là au début. Salaud. Voilà, exactement. c'est que, en fait, donc Jean-Claude, prêt à tout, hein, parce qu'on l'a déjà vu, c'est quand même vachement prêt à tout, pour être connu, pour avoir un film où il est au premier plan. Il va chercher à rencontrer donc Menahem, et en fait, apparemment, donc il était serveur dans un restaurant. Alors même cette version aussi, le fait qu'il était serveur ou est-ce juste qu'il s'est pointé, bon voilà, c'est pas forcément super sûr. C'est flou, c'est un peu ouais, flou. Ouais, c'est flou, c'est très flou. Toujours est-il qu'apparemment, il se serait pointé et il aurait fait, comment tu appelles déjà ça Alors je crois que c'est un mawashi. Ouais, sur la tête à Menahem. Pour l'impressionner, et il aurait été très impressionné, il aurait dit de venir à son bureau et pour lui filer, lui trouver quelque chose, enfin bref. Il y a une histoire d'un plat de soupe aussi, normalement, apparemment. C'est parce que dans la version où il est serveur, apparemment, je crois qu'il avait un plat de soupe dans les mains. Enfin bon, vous voyez un peu les légendes, voilà, d'Hollywood, des trucs, du bouche-à-oreille fait que ça part complètement n'importe comment. Donc il y a cette version-là, et il y a une autre version qui est beaucoup plus humble, mais aussi qui a été raconté de la bouche par même de Jean-Claude. Ouais, par Jean-Claude lui-même. Donc j'ai vu une interview qui est assez récente, où justement, bah, comme d'habitude, hein, on lui parle de la rencontre avec Menahem Golan, qui lui a permis de faire Bloodsport, etc. Et donc là, alors, c'est vraiment la version violon. Hein. Donc il va dans le bureau de Menahem, et là, bah, il prend deux chaises, et il fait le grand écart entre les deux, voilà, sur les deux chaises, comme il sait faire un peu dans tous ses films quasiment. Et là, Menahem lui dit, écoute mon garçon, il y a des gens qui font le grand écart, voilà, il y en a tous les jours, quoi. Et là, Jean-Claude, il le dit, il revoit ses années de galère, il voit les livraisons de pizza, il se revoit en train de faire chauffeur, etc. Et là, il craque et il pleure, quoi. Voilà, Jean-Claude, il pleure. Touché par ce pauvre Jean-Claude, Menahem donc, lui fait amener des cookies et du lait. comme le Père Noël, tu sais. Et donc, il lui donne des cookies et il dit, mais écoute, arrête de pleurer. Et là, il appelle son assistante et lui dit, ramène-moi le script de Bloodsport. Et donc là, bah, il lui aurait dit, voilà, je vais faire de toi une star, et donc il lui file le script de Bloodsport. Voilà. Donc c'est beau, c'est très très beau. Et avant de parler de ce chef-d'œuvre absolu du film d'arts martiaux, on va forcément s'écouter un petit extrait. Cet homme est censé représenter le clan Tanaka. Tu ne ressembles pas à un Tanaka. Shidoshi Tanaka est mon maître. Où est le problème ? Il dit que Senzo Tanaka est son Shidoshi. Et même si c'est Bruce Springsteen son maître, qu'est-ce que ça changerait ? Si Senzo Tanaka est son Shidoshi, alors qu'il nous montre le Dimmak. Tu sais ce que c'est, toi, un Dimmak ? Sa spécialité. Là, tu me tiens ça ? Victor, choisis une brique. Si tu veux. Allons-y pour celle-là. Non! La première en partant du bas. Encore une fois, un peu une redite. Ça fait toujours du bien d'écouter le passage avec le Dig Mac. Je sais pas ce que t'en penses. Oui, non, c'est quelque chose, on peut pas s'en lasser. C'est quand même la classe. Et donc, Bloodsport, nous sommes en 1988. Jean-Claude devient la vedette. Alors, c'est pareil, hein, il semblerait que ça soit l'adaptation de la vie de Frank Dux, mais ça n'a pas l'air oui, super... Alors, ce type-là, je pense que son niveau de mythomanie, c'est pareil ou supérieur à Simon Seagal. Ouais, ça semble d'être un sacré gros mytho. Ouais. Et donc, le film raconte l'histoire de Frank Dux, soldat américain qui va partir à Hong Kong pour participer au Kumite, le fameux tournoi clandestin où les meilleurs combattants de la planète se retrouvent, un scénario complètement fou, où forcément tous les coups sont permis. Alors, donc c'est le film qui fait basculer Jean-Claude, hein. C'est le moment où il va devenir connu, enfin. Pourtant, ouais. C'est un tout petit film. Qui a coûté un budget de 1,5 million de dollars. Je crois qu'on avait parlé dans le podcast avec quelqu'un, qui, je ne sais plus combien il avait rapporté, mais c'était assez faramineux ouais, hein, par rapport au budget. Par rapport au budget, je crois que c'est un truc genre peut-être 60 millions ou 30 millions, 60 millions dans le monde et peut-être ouais. 33 millions aux États-Unis. Enfin bref, c'est le film de base hein, des fans de Jean-Claude Van Damme. C'est encore un film qui passe très bien, je trouve. Mmh. Donc c'est réalisé par Newt Arnold. Alors j'ai regardé un petit peu ce qu'a fait ce monsieur. Il a fait que 3 réalisations, 2 films avant Bloodsport et Bloodsport. Voilà, et après, fini. Et après, en fait, il a fait énormément de réalisations de seconde équipe. Il a notamment travaillé sur Blade Runner. Il a travaillé sur les Goonies. Enfin, ouais, y a pas mal de films qu'on a vus étant aussi plus jeune et il y a sa petite patte quand même dessus. Mm-hmm. Donc, voilà. Mais par contre, voilà, son film, le pinacle de sa carrière, c'est Bloodsport. C'est quand même la classe. Oui, quand même. Donc on a le fameux Dean Mac, on a parlé, donc le fameux coup sur la pierre où il explose la pierre en dessous. Il y a aussi Forest Whitaker qui débute, mm-hmm. super acteur hein, d'ailleurs, vu notamment dans Ghost Dog, et aussi dans Battlefield Earth. Oh, c'est filin, ça. Ah, c'est un coup, ouais, je suis pas très gentil, c'est vrai. Est-ce que tu l'as déjà vu ou pas? Non, j'ai jamais eu la chance. Écoute, j'ai vu pas mal de bouts, de trucs, de machins. Non, mais il y a un truc très bizarre avec ce film, c'est qu'il est filmé de travers. Je te jure, c'est complètement chelou. Et à un moment, je suis tombé dessus forcément sur RTL9. Il y a que RTL9 qui passe ça en première partie de soirée. Oui, et heureusement. Et j'ai regardé, Bardia, t'es halluciné parce qu'ils ont tous un look improbable. Donc c'est le fameux film de la Scientologie. Mmh. Et tout avec est filmé, mais il est vraiment filmé de traviole. Mais quand je te dis de traviole, c'est genre la caméra, tu sens qu'elle est posée, je sais pas, elle est inclinée et tout le long du film, c'est posé de traviole, quoi. C'était donc, un effet. Hein. Ouais, c'est un effet de style, je pense. Hein. C'est le mec, il avait un torticolis. Il manquait une petite roue à la caméra. Je pense que c'est ça. Ils sont dit, allez hop, je suis dedans et ça se verra pas. Mais bon, revenons à notre Bloodsport. Donc moi, c'est bon, je pense que c'est un des plus connus de JC avec Kickboxer. Et pour l'anecdote, je crois qu'on l'a peut-être déjà raconté encore une fois, mais donc le film, il a failli ne pas sortir ou directement en vidéo parce que Golan n'était pas satisfait. Et du coup, Jean-Claude, il l'a supplié, il a dit, écoute, je m'occupe du montage, il a refait le montage en une nuit, et donc il a refait, il le dit, hein, le cut, c'est important le cut, il faut que quand tu mets un coup de savate, le cut, il n'y ait pas un coup de machin, donc il a tout refait le montage. Et donc, c'est d'ailleurs quelque chose aussi qui est très important pour Jackie Chan. Oui, il c'est normal. Il a déjà expliqué que le montage, lors des coups, en fait, si un film fonctionne de combat, c'est justement parce que le montage ne masque pas le coup. Alors que si tu regardes la plupart des films lambda, on va dire, où il y a des combats à main nue, le cut est fait sur le coup. Bah, et t'as un cut sur le type qui se prend le coup, le contre-plan, en fait. C'est une des raisons qui fait que t'as énormément de films d'action, de films de baston américains qui fonctionnent pas du tout. Voilà, exactement. Parce que les mecs comprennent rien au montage, et du coup, c'est un peu comme dans un Beat'em All si tu loupes le son. Si oui. dans un beat'em all, dans un jeu vidéo, tu ne ressens pas la violence du coup au moment où tu frappes tes ennemis, ton jeu, il a pas de souffle. C'est, tu n'arrives pas à jouer. Et sur un film, quand tu loupes le montage d'une scène d'action, bah forcément, ça n'a pas d'impact. Et si tu coupes en plein milieu, que tu fais une shaky cam, que tu bouges dans tous les sens, forcément, bah tu sais pas forcément où va le coup et ça coupe complètement l'impact. Et donc, il a refait le montage. Et là, ça fonctionne. Manahem est content, le film sort et là, bah, c'est carton, quoi. Forcément. Mmh. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi ? On avait dit vite fait, mais pour ceux qui n'ont pas écouté le podcast sur la Canon, est-ce que tu aimes Bloodsport ? Ouais, non, je suis pas très film de combat comme ça. C'est pas forcément ma tasse de thé. Hein. Moi, je suis plutôt communisme, mitraillette et Chuck Norris. Le cocktail détonant. On va dire que c'est plus de l'époque, tu vois, de l'époque VHS, ça va être plus être mon dada, mais l'efficacité est indéniable. Pour moi, ça reste un des meilleurs avec aussi Kickboxer. Enfin, pour moi, c'est vraiment la haute pierre un peu du film d'action qui mélange autant l'efficacité du combat que le reste, enfin l'histoire. C'est bon, l'histoire a été grosse guillemets, hein, parce que bon, ouais, ça, voilà, voilà. C'est basique. Parce que après, on a eu du film comme Hong Bak par exemple, qui est très efficace sur l'action, mais sur tout ce qui est jeu d'acteur et trucs et tout, c'est une catastrophe. Puis, c'est une endive. Oui. Franchement, ouais, comment il s'appelle déjà? Tony Jaa. Tony Jaa, c'est une endive. Hein. Oui, le mec est super doué, mais c'est bien la preuve que tout le monde peut pas jouer, quoi. Ah bah, tu peux être athlétique et avoir le charisme d'une endive. Hein. Voilà, c'est dans le film où il veut sauver son éléphant, il se balade avec son écharpe tout le long. Enfin, c'est ridicule, quoi. Enfin, faut arrêter de déconner. Mais là, ouais, là, je pense que c'est un peu tout. Et puis, je trouve que quand même Jean-Claude est quand même sacrément beau gosse à l'époque. Mais et tu sens qu'il est top qu'il est au taquet. Ouais, c'est vraiment il est vraiment bon dans le truc et on voit ses fesses. Oui, quand il enfile son superbe slip. Ça le dérange pas des masses aussi des fois, hein, de se mettre dans des situations. Je crois que dans quasiment tous ses films, t'as un moment où il met un slip. Je sais pas, c'est. Oui, et puis même il a fait des photos, hein, un peu de mode où il était en Marcel en slip avec des coiffures bizarres. Enfin, bref, elle est très connue aussi celle-là. Mais moi, je pense que Jean-Claude est pas extrêmement pudique à mon avis. Non, vraiment, c'est vraiment le. Pour moi, c'est ce qui reste encore. Je sais pas si on a encore fait mieux en film de combat, on va dire. Bon, si, en grattant un peu, t'as quand même énormément. Bah, déjà, si tu regardes un petit peu justement les Jackie Chan, ouais, les Jet Li, tous ces trucs-là. Oh, tu parles en film de tournoi, c'est à part parce que ils sont forcément au-dessus. Mais en termes de production hollywoodienne, je sais pas si on a déjà pu réussir à faire quelque chose de plus efficace et qui aurait autant marché, tu vois. Je suis pas sûr. Bah, disons que c'est le il y a pas mal de choses que j'aime bien dans ce film là. Bah, il pue les années 80 de toute façon. Ah oui, ça, oui. C'est à tous les niveaux, la musique déjà. Mm. J'ai plus le nom du compositeur là. Ce serait bien que limite que je fasse une recherche pendant le podcast, qu'il a refait aussi les musiques de Kickboxer. Je trouve que les musiques sont sympas. Il y a le côté rock FM avec les montages, hein, forcément. Il y a un moment, il y a un passage un peu triste. Montage entraînement. Il y a le montage. Non, il n'y a pas d'entraînement. Je crois que là, c'est dans Kickboxer, tu as le montage entraînement. Par contre, dans Bloodsport, tu as le montage avec la musique triste parce que son copain s'est blessé. Et donc il est dans le bus, tu vois, il est assez triste, puis t'as une petite musique un peu rock, un peu triste, donc t'as vraiment des petits montages comme ça. Et puis bon, bah t'as la baston, t'as Bolo Young, qui est le boss de fin, hein, donc t'as Bolo Young qui fait la gueule quasiment tout le temps, il est toujours en train de faire la tronche, où il lui dit le fameux « la brique ne rend pas les coups », etc., etc. Enfin bref, voilà, c'est vraiment le film d'une époque, et je pense que même si, parce que c'est pas le plus grand film du monde, hein, voilà, faut pas non plus se voiler la face, mais ça fait partie des films, quand tu le vois à l'époque, quand t'es assez jeune, c'est un film qui marque, quoi. Et comme tu le dis, Jean-Claude, ouais, il est beau gosse, il est au taquet, il joue. Franchement, je trouve qu'il joue plutôt bien pour ce type de personnage. Et voilà, moi, je trouve que c'est un film qui est assez cool et qui reste relativement efficace encore maintenant, où t'as pas de surdécoupage pendant les scènes d'action, etc. Justement, et ça, voilà, ça fonctionne, quoi. Alors notre ami Jean-Claude va continuer avec la Canon. Et là, alors, c'est un autre genre. Alors moi, c'est un genre que j'apprécie tout particulièrement. Bah, c'est le post-apo. Mais voilà, on sait que t'es un grand fan de... Ah, j'adore le post-apo. C'est mon... J'adore notamment le post-apo italien. Il faudra en faire une émission complète parce que c'est juste magnifique, quoi. Le post-apo italien, c'est la classe absolue. Et donc, on a Cyborg. Mm. Alors, Cyborg de Albert Pyun, donc qui est un réalisateur qui... Un peu un... Alors, Yes Man, lui et non, mais c'est un peu un faiseur de série B. Il a fait énormément de série B, notamment dans les années 80, assez efficace. On lui doit notamment Captain America. Le fameux, oui, de la cadence aussi. En slip chaussette, je sais plus quoi, là. Enfin, voilà, ça. Donc le pauvre, on l'appelait un petit peu, dès qu'il y avait un budget de 20 francs pour faire un film, il devait faire un petit peu ce qu'il pouvait. Alors, je sais qu'il y a énormément de monde qui déteste ce film, et notamment, il y a un podcast que j'ai découvert il y a pas longtemps, alors que j'aime bien écouter, même si je suis pas toujours d'accord avec eux, qui est... Super Ciné Battle, et c'était pendant un long moment pour eux le pire film des années 80. Bon, c'est chaud. Ouais, c'est quand même assez chaud parce que c'est pour moi. Alors c'est pas un grand film encore une fois. Surtout, on vient de parler de Captain America ouais, aussi. Ouais, ouais, exactement. Voilà, t'as parfaitement raison. Merci Bilou, t'as résumé ma pensée. Et je trouve que Cyborg. Alors déjà, je trouve qu'il y a une photo qui est pas vilaine. Mm-hmm. Il y a des scènes d'action que je trouve plutôt sympa. Voilà, une ambiance. Bon, c'est vrai que le bad guy est un peu bizarre. Et notamment sur le combat final où il bugle, je pense qu'on peut pas dire autre chose. Il passe son temps à bugler pendant 25 minutes, parce que le combat est quand même assez long. La musique est aussi un petit peu cheap, hein, c'est vraiment du bon tant pis. Hein, donc c'est du tu tu tu tu tu tu tu tu. Bah, c'est pas... ils ont fait ce qu'ils pouvaient, mais moi je trouve pas. Mais en plus, au niveau bad guy, c'est là que tout le monde ne peut pas être Bennett. Exact. Parce que Bennett, il gueule, mais il gueule efficacement. Quoi. Voilà, il gueule avec classe. Voilà, ouais. Voilà, voilà. Il met tout dans quand il gueule. Que là, le mec, il est vraiment en mode je bugle. Quoi. Je sais pas jouer, je bugle. Voilà. Donc, le mec, il va au taquet dans le buglement. Vraiment, c'est le gros bovin. Et moi, je sais pas, j'ai une petite tendresse pour ce film. Moi, je trouve que ça fonctionne bien. En plus, il y a un moment, il joue un peu Jésus, il accroche à une croix comme ça. Donc, c'est un peu le Jean-Claude Van Damme sauveur Jésus de l'humanité. Mm. Bon, je trouve que ça passe, voilà. C'est pas complètement fou, mais voilà, c'est Cyborg, si vous aimez un peu les post-apo et que vous avez une heure et demie à tuer et que vous avez RTL9, vous inquiétez pas, vous finirez par tomber dessus un moment ou un autre. Enfin, moi j'aime bien Cyborg, voilà, c'est mon petit péché mignon, voilà, dans la filmo de JC qui est assez fourni quand même en péché mignon, on va dire. Oui, quand même. Jean-Claude Van Damme mène le combat du bien contre le mal. Le combat est fini. Jean-Claude Van Damme, le premier héros du 21e siècle. Cyborg. Et donc on est en 1989 et Bilou, il y a un autre film culte dans la carrière de Jean-Claude qui va débarquer. C'est Kickboxer, mais toujours un peu le maître étalon, on va dire, du film de baston, hein, de l'époque. Et c'est presque en fait une redite de Bloodsport, un peu. Un petit peu, ouais. Oui, un peu le même équipe, un peu. Le réalisateur de Bloodsport avait produit le premier. Ouais, Marc Dissal, ouais, qui a produit quelques films de Jean-Claude, effectivement. Mm. On est dans un même compositeur aussi, comme tu avais dit même tout compo. À l'heure. Et toujours Jean-Claude hein, qui tatane à tour de bras pour venger la mort de son frère. Pas la mort, ah, non. Il s'est retrouvé en fauteuil roulant. Il est handicapé. Voilà. J'ai confondu avec Rocky, j'ai fait un gros mix du truc. Alors une présentation du méchant qui est assez folle. Oui, fameux ouais, le fameux Tongpo qui tabasse bah, à pylône. Oui. Voilà. Donc il savate un pylône avec ses tibias. Donc il tape, oui. Il tape sur le pylône. Tranquille, hein, tranquille pépère le mec. Hein, il est là, il tabasse le pylône, puis il se retourne vers Jean-Claude et lui fait une grosse grimace. Et d'ailleurs, petite anecdote, Tongpo en fait s'appelle Michel Kissi et il est marocain. Tout de suite, c'est à voilà. Moi de... il est marocain et donc bah, il joue un thaïlandais, ce qui n'est pas évident. Et il a passé oui. En fait des heures et des heures et des heures en maquillage pour avoir la tête de Tongpo. Mais donc c'est un ami de longue date de Jean-Claude. Et ça, je l'ai appris vraiment en faisant les recherches là-dedans. Il a aussi un petit peu participé, je crois qu'il a participé à Full Contact un petit peu. Il a aussi fait son entraîneur sur quelques films. Mais voilà, c'est un pote à Jean-Claude sur Kickboxer. Et dans ce Kickboxer, il y a aussi une scène que tu adores, hein, c'est les montages d'entraînement. Ah là, il est beau. Hein. Là, c'est très beau. Oui, avec, vraiment aussi, ça respire, ça transpire les années 80. Hein. En plus, c'est une musique qui est très mystique, tu vois. C'est il y a le mélange dans Kickboxer un petit peu du mystique de supermarché. Mmh. Donc il y a le genre quand il est en train de s'entraîner devant les bah t'as le vraiment les décors de Thaïlande, on dirait c'est avec les espèces de ruines comme tu vois dans la plupart du temps dans les films. Postales, c'est pas, voilà, c'est, vraiment c'est, la carte postale de la Thaïlande. Et donc on voit Jean-Claude qui s'entraîne et forcément au fur et à mesure il devient de plus en plus balèze et il fait le grand écart, la machine à grand écart. Ça c'est culte. Quand tu le vois, il tire sur des grosses corps pour écarter les jambes de Jean-Claude, c'est complètement dingue. Il l'entraîne aussi avec un chien, il lui met de la viande dessus pour que le chien lui court derrière pour qu'il aille plus vite que le chien. Enfin voilà, c'est le film où t'as le jeune américain qui débarque et qui veut apprendre une technique de combat ancestrale, donc un peu bah, comme dans Bloodsport, hein, où le héros a appris en étant l'élève d'un grand maître chinois que tout le monde vénère, etc., etc. Et donc là, c'est pareil, hein, le maître chinois refuse d'entraîner des gens depuis perpète, mais il va être touché par l'histoire de cet américain-là, etc. Alors, est-ce qu'il s'est bien pleuré? Alors, il pleure pas, mais il est très convaincant, hein, donc, du coup, il arrive à se faire entraîner. Et bien sûr, alors le pire dans Kickboxer, c'est que vraiment le mec, en un mois, ça devient le champion total de kickboxing. Et il y a un petit peu d'ailleurs le côté un peu histoire de Jean-Claude, c'est-à-dire que quand tu vois l'histoire avec son frère, c'est que lui, c'est un petit peu l'intello, etc. Et que du coup, il entraîne son frère, mais c'est pas forcément le plus fort. Et ça finit par devenir le best of the best. C'est un peu le best. Par contre, je l'ai revu sur Netflix il y a pas longtemps, sur une copie qui est assez propre. Et un truc qui m'a choqué un petit peu. Et c'est là où je me dis que quand même Bloodsport, je le préfère à Kickboxer, bah c'est qu'il n'y a pas tant de baston que ça. C'est possible, parce que je me demande si je m'étais pas aussi fait la réflexion. Il y a beaucoup d'à côté, il y a beaucoup de... Il y a de l'amour. Oui, il y a une histoire. Vraiment, Bloodsport, c'est... on se met sur la gueule. Bah c'est un tournoi, hein, t'as l'action tout le long. Mais là, ouais, il y a des choses à côté. On sent qu'il y a un peu plus... c'est un peu plus calibré, grand public. Il y a de l'acting. Oui, de l'acting dans Kickboxer. Et c'est vrai que donc tu as les fameuses phases d'entraînement, donc il n'y a aucune baston. Tu as la baston du début où son frère se fait paralyser, tu as la phase donc, où son frère est à l'hôpital, il y a l'entraînement, donc, où tu vois qu'il est assez efficace, il y a la fameuse scène de danse, mec. Oui, d'ailleurs une anecdote. Ouais, anecdote de fou ça par contre. Alors, j'ai plus les noms sous la main parce que j'ai pas les commentaires là, tu pourras sûrement aiguiller nos auditeurs. Mais cette fameuse danse que tout le monde rigole et tout le monde se fout de la gueule, elle a inspiré une vraie danse en fait. Une danse qu'un type a créée. Elle a un nom et elle a une page Wikipédia. Il y a plein d'infos dessus. Et en fait, le mec s'est inspiré des mouvements de Jean-Claude en les accélérant, je crois. En fait, il les a un peu accélérés et il a pris ça comme base pour sa danse. Elle est devenue assez célèbre. Je voilà. Trouve ça fou. Alors vous vous foutez de la gueule de Jean-Claude, mais il a failli faire l'Opéra de Paris et on a inventé une danse grâce à lui. Quand même. Alors, est-ce que vous avez inventé une danse, vous vous foutez de sa gueule, mais lui il a inventé une danse les gars. Voilà. Voilà, c'est quand même le mec qui a inventé une danse. Quand tu vois la tronche de la danse, c'est un peu c'est comme la technique de combat de l'homme sous. Oui. Sauf que lui, il danse bourré. En fait, c'est un peu. En fait, je trouve, il danse vraiment comme moi. En fait, moi, j'essaye même pas. Tu vois, je vais même pas essayer. Une danse de merde. Mais de savoir qu'ils ont créé une vraie danse à partir de ce truc-là, c'est quand même assez improbable, quoi. Et je sais plus ce qu'il dit, enfin voilà, il dit je leur ai dit que tu avais dit que leur femme voulait baiser une chèvre ou je sais pas quoi, enfin bref. Et donc il y a une scène de baston où il est bourré pour essayer de prouver que grâce à l'entraînement il était devenu encore plus balèze, donc il y a la fameuse scène de danse. Il y a donc une histoire d'amour avec Miley. Il y a aussi Tang Po qui a une histoire d'amour avec Miley, parce qu'avec Miley bonne baise, hein, je crois que c'est la seule phrase que dit Tang Po dedans. Et donc la seule baston qu'il y a, c'est il y a une scène de baston au milieu parce qu'ils veulent prouver à Tang Po que lui est fort, donc pour organiser un tournoi. Et donc il y a le combat de fin qui est devenu, alors que tout le monde retient parce que il y a le côté ancestral avec les mains dans le verre pilé. Alors moi cette scène en fait m'a plus marqué dans Hot Shot 2. Ah bah oui. Non, 1. Bah ouais. 2. Non, 2. Ouais, 2. C'est le 2. Ouais, c'est l'ouverture qui copie un mélange de Rambo 3 et Rambo 2 ou Rambo 3. Oui. Non, quand ils vont le chercher dans le temps, c'est Rambo 3, je crois. De Rambo 3 et donc de Kickboxer. Avec le caramel mou et les haribots. Voilà, avec les petits nounours dedans. Et donc c'est une scène qui est assez cool visuellement, parce que du coup t'as un vrai cachet. Mais par contre cette baston, elle est un peu nulle, parce qu'en fait, donc il y a le frère de Jean-Claude qui se fait enlever, et donc il se laisse savater. Oui. Donc il se prend des coups tout le long. C'est un gros cliché. Alors je sais pas si c'est un cliché parce que c'est parti de là et on nous l'a ressorti à toutes les sauces derrière, ou si déjà ça existait avant. Parce que c'est vrai que c'est ça qui est gênant aussi quand on regarde des anciens films, on va se dire, maintenant si on les découvre maintenant, on va se dire, oh c'est cliché, machin, voilà. Alors qu'en fait... C'est un problème. Oui, ouais, c'est ça la base. Au final, tu vas te dire c'est cliché, mais oui, pourquoi c'est cliché? Parce que c'était lui au départ et que donc au départ, quand on te l'a fait, et ben non, c'était pour les gens qui l'ont vu au départ. C'était la première fois, quoi. Mais donc je sais pas si c'est le cas avec celui-là ou pas. Dès que son frère est libéré, et bah hop, là il devient super balèze et il peut défoncer ton pot. Mais quand je dis le défonce, ton pot ne le touche plus du tout. Oui. Donc toi, il y a pas une sensation de progression dans la baston. Et en plus, ce qui est assez fou, c'est que alors pas les trois quarts, mais une bonne partie des premiers films de Jean-Claude Van Damme, les combats de fin sont toujours basés sur la même chose. C'est-à-dire que tu as, notamment dans Full Contact, à la fin, Jean-Claude, il est blessé, et l'autre, il le savate, et à un moment, il y a un gars avec qui il est, qui lui fait « j'ai pas voté, parié pour toi, j'ai parié sur l'autre, laisse tomber, on va ramasser du pognon », et là, Jean-Claude lui dit « bah, t'as eu tort », et lui casse la gueule. Alors qu'il est brisé en deux, hein, il est littéralement brisé en deux. Et dans beaucoup de films de Jean-Claude, c'est souvent comme ça, c'est qu'il est dans le combat de fin, il est entre guillemets, on pense qu'il va perdre. Et bien sûr, il a un regain de vitalité de ouf et il casse la gueule à tout le monde. C'est quelque chose qui est aussi commun un peu à beaucoup. Hein, si on regarde les Rocky, c'est pareil. Hein, Rocky se fait démonter et puis il arrive à trouver le courage parce que voilà, c'est le dépassement de soi, c'est la marque du héros. Ouais, mais tu vois, dans Rocky, c'est moins marqué, je trouve. C'est moins flagrant. Parce que bon, bien sûr, ce qui était cool dans Rocky 1, c'est que il gagnait pas. Ça, c'était assez sympa. Mais ouais. C'est vrai que je trouve que ça fait moins manichéen. Oui. Le combat, il reste rythmé parce que même si Rocky, entre guillemets, t'as des moments où il a un petit peu mal, il met quand même des nions dans la gueule des autres. Que là, Jean-Claude, généralement, il se fait défoncer pendant les. Juste tout court. Ouais. T'as l'impression que tu dis, mais en fait, il sait se battre. Ouais, c'est ça. Et d'un seul coup, il nous a menti. Et d'un seul coup, le mec, c'est comme dans un jeu, il récupère un power-up. Et puis, l'étoile d'invincibilité. C'est exactement ça. Puis il défonce le mec avec des coups, genre hyper que tu fais là, en. Parce qu'il a aussi des bruits bizarres quand tu fais des coups, Jean-Claude. Frappe l'arbre. Ah non, j'en ai assez. Prends ton sac et quitte ma maison. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Tu refuses de travailler. Hey, vous voulez que je me casse la jambe? Ton frère, tu te souviens? Comme ça? Comme ça? Et donc voilà, dans Kickboxer, voilà, je l'ai revu, ça m'a un petit peu moins marqué, les musiques sont plutôt chouettes, il y a une ambiance qui est plutôt sympa, mais c'est vrai qu'au niveau action, c'est pas le film le plus impressionnant de notre ami Jean-Claude Van Damme, qui enchaîne, hein, il enchaîne. Et là, est-ce que tu as vu Full Contact? Je l'ai vu, il y a sûrement très longtemps, mais pas récemment, mais oui, je l'ai vu, ça c'est Cœur de Lion. Oui, toujours des noms, voilà, des noms improbables. Et donc là, il joue Cœur de Lion, qui est un. Alors encore une fois, histoire de ouf, hein, Bilou. C'est un légionnaire. Voilà, un ancien, oui. Donc c'est son frère de mémoire qui se fait tuer par des drogués. Il se fait flamber par des dealers. Et donc là, Cœur de Lion, il peut pas accepter ça. Il s'appelle vraiment Lion. Oui. Lionheart. Et voilà, donc c'est la version américaine, ça s'appelle Lionheart. Donc là, c'est Full Contact. Et donc notre ami joue un légionnaire qui n'accepte pas la mort de son frère. On refuse le fait qu'il puisse revenir sur, en Amérique, mais lui, il s'en fout. Donc, mmh. il revient comme ça en déserteur et il va essayer d'infiltrer des trucs et il va faire des combats clandestins. C'est plutôt rigolo. Voilà, c'est oui. pas... Donc, je crois que c'est celui-là, hein, c'est avec des combats de SDF. Non oui, alors, au début, il commence très très bas, hein, parce qu'il fait des combats un peu clandestins dans des parkings, etc. Et il finit par être repéré par quelqu'un qui va le faire aller dans une espèce de grosse société où il va être épaulé par un mec, ils vont faire des combats de plus en plus importants. Et bien sûr, à la fin, bah, il va affronter le big boss, le big méchant que tu vois juste à la fin, hein, comme d'habitude. Mm-hmm. Et bien sûr, les gens sont pas gentils avec lui, mais lui, c'est un mec qui est plein d'amour pour sa famille. Et donc justement, le clodo... à l'époque était un combattant de rue aussi, mais qui a été blessé par la vie. Enfin bref, voilà. Donc Jean-Claude est toujours le mec qui sauve un petit peu la face et qui sauve la veuve et l'orphelin. Mmh. Et puis ben voilà, il va enchaîner les bastons. Voilà, les combats sont plutôt sympas. C'est vraiment le film d'arts martiaux de base. Mmh. C'est enchaîne les bastons. Par contre là, c'est vraiment le tournoi comme d'habitude et enchaîne les bastons. C'est un petit peu cucu. C'est pas un grand film. Mais c'est réalisé par Sheldon Lettich. Il va réaliser plein de Jean-Claude pendant la période année 2000 qui est un petit peu compliquée pour lui. Mmh. Il va en refaire quelques-uns. Donc après on va passer un petit peu parce que coup pour coup c'est pas fou. Mmh. Non. Donc voilà, ça fait partie c'est des petites séries B improbables qui se passent en prison. Je crois qu'il y a une espèce de mec qui est possédé par le diable. Enfin, il se croit possédé par le diable et puis je crois que c'est un flic infiltré, je crois, dans le film. Voilà, c'est pas foufou. Il y a le débilos. Il est rigolo. Oui. Double impact. Ouais, voilà. De Jean-Claude pour le prix d'un. Voilà. Voilà. Donc c'est. Alors, je demande le pas. Voilà, je crois que c'est de nouveau de Sheldon Lettich. Peut-être que je dis une connerie parce que là j'ai plus mes notes devant moi. Mais donc double impact. On a donc Jean-Claude, encore une fois, quand il est en version bad guy, il a les cheveux gominés en arrière. Mmh. Et la version un petit peu propre sur lui, donc le côté beau gosse qui était parti, qui a réussi sa vie ailleurs pendant que son frère était un mec un petit peu foufou. Voilà, c'est de la série B vraiment de tatane modeste et c'est ce qui fait un petit peu le début de carrière de Jean-Claude Van Damme. Mmh. Jusqu'en 92, parce qu'il y a un film qui va changer un petit peu aussi sa carrière et il va passer un niveau au-dessus. Et c'est un film que tu as revu récemment, on l'a dit tout à l'heure. Oui. Et donc c'est Universal Soldier. Donc là, c'est vraiment, on arrive un petit peu au top de sa carrière. Ah oui, déjà c'est un film de Roland Emmerich. Ouais. Alors Roland Emmerich, hein, pour ceux qui connaissent pas, c'était aussi le fameux Godzilla, il me semble. Oh, putain. Ah ouais, t'enchaînes par le gros dossier, quoi. Mais là, on va dire que c'est quand même du on va dire dans le sens où c'était quand même du réalisateur qui pesait à l'époque, quoi. Ah bah, mais il essaie de peser maintenant, mais le film, bon, c'est nul. Independence Day. Ouais, putain. Et puis après... Il a fait oui, voilà. 2012, voilà, c'est Monsieur Je Pète la Planète, quoi, en gros. Oui, c'est vraiment, ouais. Voilà, c'est Monsieur je rentre dans le tas, c'est pas du Michael Bay, mais on va dire que c'est du lourd, quoi, hein. C'est quand même des trucs assez massifs. Mais là encore, ça reste un film, c'est du classique, hein, c'est pas encore du Roland Emmerich, du la fin des années 90, tout ça. Et c'est un film que j'aime bien. Ouais, moi aussi. Vraiment, j'avais de bons souvenirs. Je l'ai revu, alors c'est vrai que je l'ai revu là et je l'avais pas vu, mais depuis très très longtemps, à mon avis, la dernière fois que je l'ai vu, ça devait être une époque où on passait encore ce genre de film à la télé. Ah ouais, donc ça, il y a un petit moment quand même. Enfin, ça devait faire un moment. Et donc je me dis pas plus mal, comme ça je le revois un peu avec un regard un peu neuf, un peu plus objectif. Et au final, c'est plutôt bien, c'est efficace. Le casting est plutôt sympa avec notre ami Dolph Lundgren, hein. Ouais, qui sortait de la gloire de Rocky 4. Il avait fait aussi le Scorpion Rouge, etc. Donc il commençait à être aussi un autre héros de film d'action, quoi. Ouais. On a voulu mettre les deux en opposition. Il s'en sort plutôt bien, même si, comme je disais, je pense qu'il aurait pu encore être encore d'un autre niveau si Dolph avait plus d'expérience comme celle qu'il a maintenant, quoi. Mais il est plutôt bien, plutôt bien efficace. Donc il joue dans le film, hein, tous les deux. Donc en gros dans l'histoire, ce sont donc des soldats au Vietnam au départ qui finissent par s'entretuer parce que Dolph pète complètement les plombs et massacre tout le monde. Alors aussi bien des Vietcong que ses soldats à lui, en disant que ce sont des traîtres, enfin bref. Et donc les deux finissent par s'entretuer et sont en fait conservés pour une expérience ultra secrète de l'armée et maintenus en fait en vie plus ou moins, enfin disons qu'ils sont morts, mais ils les ont ramenés à la vie, et ils ne vieillissent plus, en fait, ils arrivent à les garder de manière pratiquement, ce sont des deux, pratiquement devenus invincibles. Ah, c'est le projet Unisol. Voilà, Universal Soldier, jusqu'aux années 90, où on arrive là, et on commence à les utiliser dans les années 90, hein, dans le film, on explique, c'est la mission qu'ils accomplissent, la première mission qu'ils accomplissent dans le film, ça se passe, c'est la troisième, je crois qu'ils disent, c'est la troisième mission qu'ils utilisent, donc on se demande ce qu'ils ont foutu pendant environ 30 ans, c'est pas grave. Ils ont formé le programme. Voilà, ouais. Ils les ont gardés dans la glace pendant tout ce temps-là. Et donc, évidemment, ça commence à tourner mal parce que des éléments déclencheurs font revenir des souvenirs à Jean-Claude et Adolphe. Alors, pourquoi pas les autres, on ne sait pas. Pourquoi c'est, oui, c'est ça, c'est les deux seuls, c'est, oui. C'est les deux seuls voilà. Qui arrivent à retrouver des morceaux de mémoire. Bon, c'est cliché, hein, c'est normal. Mais c'est plutôt sympa avec le rôle, le sempiternel rôle hein, de la femme un peu à sauver, Ali Walker, qu'on doit forcément connaître pour avoir eu le rôle titre dans Profiler. Ouais, tout à fait. Quelques années plus tard, que je me souvenais d'ailleurs absolument plus que c'était elle d'ailleurs. Ouais, qui est une journaliste. Voilà, ouais, exactement. Qui veut faire son scoop hein, évidemment et qui met le nez où il faut pas et qui se fait poursuivre et Jean-Claude à un moment retrouve donc un peu des brides de mémoire en se disant que Tonton Dol va encore péter les plombs et il faut se casser fissa. Ce qui ne manque pas d'arriver. Ouais, il y a des bonnes scènes d'action. Il y a notamment une qui m'a marqué. Il y a le mano à mano de fin, comme d'habitude, sous la pluie, etc. Mais il y a la poursuite en bus qui est assez cool, je trouve. Oui. Au niveau du canyon, qui est assez bien faite, assez bien filmée, qui est assez nerveuse. Ouais, il y a quand même tu sens qu'il y a du moyen. Ouais. C'est pas cheap, même maintenant, hein, franchement. Il n'y a pas tant d'effets spéciaux, disons, numériques. Non, c'est assez roots, hein. Parce ouais. que, en fait, voilà, c'est du film comme à l'époque, vraiment fait à la main, on va dire. Et, bah, c'est du blockbuster classique, mais oui. Encore classique à l'époque, c'était quand même un sujet qui était assez intéressant, quoi. Mais c'est relativement bien fichu. Voilà, Tonton Emmerich, alors je sais plus s'il sortait de Stargate, s'il avait déjà fait Stargate ou pas. Mais voilà, c'est super efficace. Et comme tu dis, le fait qu'il n'y ait pas 20 milliards de trucs numériques un petit peu chelous, bah on est vraiment dans le film d'action qui fonctionne, voilà. Qui est rondement mené, parce qu'on ne s'ennuie pas trop. Non, on ne s'ennuie pas, c'est plutôt bien fait, il y a des moments assez drôles, il y a des scènes assez cocasses. À la scène du bain, ouais, il y a un côté un peu décalage entre le mec qui ne se rend pas compte de ce qu'il fait, et puis justement la gonzesse, oui, il finit à poil. Quand il se balade à poil, quand il lui demande de le tâter partout pour trouver un truc qui n'est pas normal, en lui demandant si ça c'est normal. Enfin bref, il y a vraiment plein de trucs comme ça qui sont assez marrants. C'est plutôt efficace. Il y a quelques acteurs, comme on parlait au début, qui font des petits coucous à dire dans le film. Donc, une sorte de caméo en fait, une sorte de flashback du personnage de Jean-Claude qui se souvient quand il était enfant. Et ben en fait, l'enfant c'est son fils Christopher Van Varenberg qui joue son rôle et qui jouera aussi régulièrement avec son père soit dans des flashbacks pareil dans le même genre d'idée ou dans des rôles mineurs dans The Quest je crois qu'il joue aussi son fils je crois dans quelques flashbacks et bah, tu vois, il est très famille hein, Jean-Claude hein, ça on viendra dessus un petit peu plus tard mais c'est quelqu'un qui est très très famille et justement donc son fils comme tu le dis participe à pas mal dizaine, de productions hein, j'avais regardé une dizaine de films avec son père très peu de lui-même hein, de tout seul à côté c'est vraiment beaucoup avec son père et en parlant de fils, il y a aussi le fils de Topote. Eh oui, alors d'ailleurs, je l'avais posté sur Twitter et personne n'a trouvé. Je suis scandalisé. J'avais posté une petite photo. Et c'est vrai qu'il lui ressemble pas vraiment. Hein. Donc, il n'y a pas la barbe. Il n'y a pas la barbe, donc c'est compliqué. Oui. Et il y a un des Unisols qui est joué par Eric Norris, qui est le fils de Chuck, évidemment. Ouais. Alors c'est pas vraiment un acteur. Il a fait quelques rôles. Son père, mais... non. Ok. Oh, tout de suite. On va pas être amis, hein. Attention. Pardon, c'était plus fort que moi. Mais c'est vrai que bon, tu vas me mettre y en a qui dans ont un plus de chance que d'autres, hein, qui arrivent à s'en sortir malgré tout. Mais oui, donc c'est pas acteur en premier lieu, il est aussi cascadeur surtout. Il a fait pas mal de cascades sur pas mal de films. Il est devenu aussi pilote de NASCAR. Enfin bon, il a fait pas mal de choses. Mais il lui ressemble vraiment pas. Et on peut le voir pendant quelques plans. Alors je sais plus, c'est le GR86, je crois. Il finit carbonisé. Je vois. En déboulant. en déboulant comme des sauvageons dans la cahute, en tirant à travers tout comme des gros goliots, et donc il finit cramé. En autre unisol, il y a Tom Lister Jr., alors son nom ne vous parlera pas, mais vous l'avez sûrement déjà vu, et vous l'avez sûrement apprécié aussi si vous avez bon goût, parce que c'est lui qui jouait le président dans le cinquième élément. Ah, c'est, on a bon goût quand on aime le cinquième élément ? Tout à fait, exactement. Ah bon, Bruto, tant pour moi. Non, j'adore ce film, je sais. Voilà, c'est... Parce qu'il y a Luc Perry. Il y a Luc Perry dedans. Ouais, c'est le, il est, donc, c'est le mec de Beverly Hills, pour ceux qui ont pas saisi. Donc, il joue, bah, c'est lui qui est au tout début du film, avec quand ça se passe en Égypte. Ah oui, un des, oui, ouais. Un des deux, là, donc c'est Luc Perry. Exactement, oui. Non, non, oui, j'adore ce film. J'ai oublié son nom. Ah, je trouve Chris Tucker insupportable. Voilà, Chris Tucker, j'allais dire. Non, je l'adore. Ah, je le trouve insupportable. J'adore. Ah. C'est la, pour moi, c'est encore un des films à voir en VF. Oh. La voix VF est extraordinaire. Ah, c'est insupportable. Ah non, non, ah, non, je suis pas d'accord. Ah, il hurle tout le temps. C'est, on dirait limite. Oui, mais justement. C'est... Il aurait pu être joué par Christian Clavier, époque Jacouille la Fripouille. Non, c'est insupportable. C'est, après, moi, je sauverais toujours le design du film qui est quand même assez, assez sympa, même si je le trouve assez fluo. Mais ah non, rien que pour Chris Tucker, je ne peux pas, c'est impossible. Ah si, si, non, mais tout. Ah. Gary Oldman qui cabotine comme un taré, avec sa coupe de cheveux de Nicolas Cage, le président, mais le président est énorme, la mère, ah, la bah mère maintenant, de Corbin. Ah bah maintenant que tu le dis, je vois la tête du président avec sa grosse voix, oui, voilà, je vois qu'il oui, voilà, pas, oui, ouais. En VF, ils lui ont mis une voix de fou. Oui, parle comme ça. Oui, voilà, oui, avec la scène de fin, avec la mère de Corbin qui. On lui passe le président et elle dit ah, arrête d'imiter le président, il a une voix de débile. Enfin, bref, c'est vraiment. C'est, moi, j'adore ce on film, a déjà, je le regarde à chaque fois. On a déjà beaucoup trop parlé plaisir. Du cinquième élément. Ah, non, je pense qu'à un moment, je ferai un lobby pour faire une émission spéciale. Non, mais écoute, peut-être qu'un jour, on fera une émission spéciale Europa Corps, parce qu'il y a quand même une paire de. On va rester calme, on va dire, du bis pour être poli. Mais. Ah, je suis scandalisé, je pense que tout ça se réglera hors antenne. Ah, sans problème. On va faire un petit battle. Non, je suis pas un gros fan du cinquième élément. Non, non, moi, si, j'adore. Donc c'est pour ça, dès que je l'ai vu, je me suis dit, putain, il y a le président qui joue dans The Winter Soldier. Et sinon aussi, il y a donc Ralph Moller qui joue l'unisol qui reste quasiment jusqu'à la fin du film, ou presque, le seul qui arrive à survivre. Et qui a déjà joué avec JC dans Cyborg. Il est apparu. Ah bah, je ne m'en rappelle pas, tu vois. Ah, c'est que t'as pas dû voir les. Sa tête est très reconnaissable. Il a vraiment une tête d'allemand. Il est pas blond, hein, mais il a vraiment une tête d'allemand. Ouais, puis il a fait. Alors, je sais plus s'il a joué dans une espèce de. Peut-être la série. Pas Conan, mais. Je sais que c'est le genre de mec qui a joué dans des péplums, qu'il a vraiment oui, le physique péplum. Oui, c'est exactement ça. Donc, c'est forcément un acteur que quand on le voit, on se dit ah ouais, lui, je le connais. Et je l'ai déjà vu huiler quelque part. C'est fortement possible. Et une petite anecdote aussi sur Winter Soldier. Normalement, la fin qu'on connaît, c'était pas celle qui était prévue au départ. Il y avait une fin alternative qui, je trouve, est assez intéressante et qui, je pense, je trouve plus sympa que la fin finale, on va dire. La fin finale. Oui, voilà. Je me suis dit, fin finale, c'est un peu bizarre, mais oui, la fin définitive. Que la vraie fin, quoi. Voilà, la fin qu'on connaît tous. Après, s'il y a des gens qui peuvent la voir, je sais qu'elle a été mise sur les DVD, donc sur les versions bonus, donc à mon avis... Tu dois le voir sur YouTube, je pense. Ouais, ça doit pouvoir être trouvable. Donc s'il y en a qui veulent la regarder, elle est complètement différente, elle est moins cliché, je trouve, c'est moins cliché. Mais par contre, c'était une fin définitive, ça aurait été très compliqué de faire d'autres films après. Parce qu'on avait une petite voix off qui expliquait justement ce qui arrivait au personnage, qu'il a fini sa vie, tout ça, peinard, sans emmerde, alors que justement, l'issue d'Universal Soldier, c'est loin d'être sans emmerde pour Luc Devereaux, qui d'ailleurs a changé de nom. C'est un truc, dans le premier, il s'appelait Devereux, je crois, et ensuite c'est devenu Devereaux. Ils l'ont changé le nom, mais ouais, c'est une petite anecdote sur le film. Et donc ils l'ont vraiment tourné et tout ça, hein, puisque elle est trouvable, donc ils l'ont vraiment faite. Et puis bon, ils l'ont changé en cours de route. Quoi. D'ailleurs, ce qui avait changé aussi, c'est que à la base, ça devait être Andrew Davis, qui est un réalisateur qui était assez connu à l'époque, parce que maintenant, bon, il fait plus grand chose. Mais donc ça devait être Stallone qui devait participer au film. Et forcément, le film du coup devait coûter beaucoup trop cher. Et le film, le script de base s'appelait Crystal Knights, et donc ça a complètement changé, donc ça devait coûter trop cher, donc ils ont appelé notre bon tonton Emmerich, ils ont pris Jean-Claude parce qu'il n'était pas aussi bankable qu'un Sly, hein, à l'époque, donc du coup ils ont réussi à faire, hein, donc ils l'ont renommé Universal Soldier, et donc ce qui est intéressant, c'est que comme on aurait pu avoir donc un film sans suite, parce que c'est aussi une des rares franchises où Jean-Claude a fait des suites, parce qu'il y a eu deux téléfilms, parce que tu dis normalement un film comme Bloodsport ou Kickboxer, il y a eu des suites mais il n'était pas dedans, qui sont catastrophiques hein, d'ailleurs, hein. Les suites de Kickboxer, waouh, mmh. C'est vraiment du DTV pourri à l'image de ce qu'il fera peut-être plus tard, hein, voilà, on va être honnête aussi, mais c'est vraiment du DTV assez naze. Et donc le seul film qui, un peu plus tard, je crois que c'est un petit peu à l'époque justement où il avait envie d'essayer de revenir à peut-être des choses qui marchent, parce que voilà, ça a commencé un petit peu à partir en sucette. Mmh. Et en 99, il a fait Le Combat Absolu, qui est un film de Mike Rogers, qui est aussi un mec qui fait que des cascades, hein, généralement. Et bah, moi, j'aime bien. Voilà, alors, ce qui est marrant, que cette petite série B, c'est que toutes les musiques du film sont des musiques de gros hard rock. T'as pas de composition, et ça fait un petit peu bizarre, parce que dès que t'as une scène d'action qui commence, t'as une musique hard rock qui commence, donc c'est un petit peu chelou. Et dans ce film-là, il affronte Michael J. White, qui est une montagne de muscles, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu les films du monsieur, c'est un mec hyper balèze, qui est hyper technique, qui est assez fort justement en tout ce qui est arts martiaux. Et il va faire aussi notamment des films avec Scott Adkins. Il a fait, tu sais, Un seul deviendra invincible. Il a fait les suites qui sont juste mortelles avec Scott Adkins, donc c'est un acteur de films d'action que j'aime beaucoup. Et donc, après cette suite assez inattendue, il a fait encore d'autres Universal Soldier, et notamment donc Régénération, qui est fait par le fils de Peter Yams, on parlera de lui un petit peu plus tard. Et surtout, alors attention, je vais peser mes mots, mais ce film Adolf, est juste revient. Mortel. Universal Soldier, le jour du jugement. Alors justement avec Scott Adkins, encore une fois réalisé par John Iams. Alors c'est un petit miracle, parce que franchement, ce film, il est complètement dingue. Il est complètement dingue. Alors dedans, Jean-Claude, il reprend son rôle. Par contre, il le fait un petit peu à la Apocalypse Now. C'est-à-dire Colonel Kurtz qui pète un câble. Il a formé une espèce de secte avec des unisols. Donc voilà, ils font des espèces de trucs un petit peu chelous. Et donc Scott Adkins, à un moment, il y a les unisols qui débarquent chez lui. Il y a une scène qui est mortelle, qui est filmée dans les yeux de Scott Adkins, où il se fait défoncer la gueule et où il voit sa famille se faire tuer, massacrer. Donc tu vois vraiment la petite fille, la femme se faire défoncer. Et c'est un film qui est assez perturbant parce qu'il est déjà ultra violent, donc ça n'a vraiment rien à voir avec vraiment les films qui sont... Le premier surtout, qui est un blockbuster qui avait quelques éclats de violence, mais qui était assez classique. Et là, on est dans une espèce de série B d'action cauchemardesque, avec des passages assez dingues, où t'as Jean-Claude qui apparaît comme ça par flash. Enfin, c'est un film qui est vraiment surprenant et que je ne peux que vous conseiller, parce que moi, je le conseille à tout le monde, parce que bien sûr, généralement, tu vois Universal Soldier, t'y crois pas trop. Et là, je pense que le mec, il a eu un petit peu, voilà, ils lui ont dit, tu fais un DTV, tu fais un petit peu ce que tu veux, et il a le budget assez confortable, et tu vois que confortable, attention. Hein. Oui. Pour un DTV. Voilà, à hauteur, voilà, pour un DTV. Mais je trouve que le réal a fait un travail vraiment incroyable, c'est sorti en 2009, donc si vous voulez voir un Jean-Claude complètement halluciné dans un rôle, encore une fois, de bad guy et dans un film ultra violent, c'est pas lui le héros, donc c'est vraiment le Scott Adkins dedans. Et il y a aussi Dolph qui est complètement taré hein, dedans. Il y a un combat, je crois que c'est à la hache ou au couteau, enfin complètement fou. Mais voilà, moi je conseille Universal Soldier, le jour du jugement, ça me permet d'en parler en détail on va laisser un petit peu après, mais regardez ce film si vous aimez Jean-Claude. C'était mon film préféré de 2009, tout simplement, honnêtement. Hein. Non, 2012, pardon. 2009, c'était oui, c'est récent. De 2012, c'était mon film moi, préféré. Moi, j'ai pas trop... c'était trop sombre, trop... C'est vraiment trop malsain, en fait. Voilà. Pour moi, c'est trop... C'est glauque, trop malsain, hein. Trop glauque pour moi. J'ai pas... La scène d'ouverture, elle est dingue. J'ai pas du tout accroché. Je pense que je préfère toujours le cinquième élément. Ah bah c'est moins fluo que Chris Tucker qui hurle avec sa perruque chelou. Hein. C'est clair que c'est un autre monde. On se rapproche un peu de post-apo, tu vois, ça m'étonne pas que tu vois que tu kiffes un peu parce qu'il y a un petit côté, je trouve, un peu. Ouais, bah il y a un petit côté post-apo, il y a un côté halluciné. Ah oui, non, c'est très très crade la fin dans l'espèce de sous-sol. Bon, il y a un plan séquence, il y a une scène en plan séquence d'action qui est assez folle aussi. Enfin voilà, le mec, il a expérimenté pas mal de choses et moi je trouve que ça fonctionne à fond les ballons. Et vraiment, Jean-Claude, il est, je trouve, impeccable dedans. Mais c'est vraiment du Apocalypse Now. Hein. Il a joué un petit peu vraiment à la Marlon Brando. Enfin, bon, c'est pas aussi bien joué que Marlon Brando. C'est pas Apocalypse Now, mais c'est pour moi vraiment un grand film. Et j'ai passé un moment mais hallucinant, j'ai déjà vu trois fois parce que vraiment j'adore ce film, donc je vous conseille Universal Soldier, le jour du jugement, c'est de la boulette. Il y a 20 ans, ils sont morts pour leur pays. Aujourd'hui, on leur a rendu la vie. On a créé une nouvelle espèce de soldat. Administrez-lui les sérums. Conçu pour une force maximum et une obéissance totale. Mais qui sont-ils ? Mais tout ne se passe pas comme prévu. GR-44 ! Arrêtez, c'est d'un ordre. Jean-Claude Van Damme. Dolph Lundgren, Universal Soldier. La guerre est terminée. Sûrement pas. Elle ne fait que commencer. Mais notre ami Jean-Claude, on va refaire un bond dans le passé, puisqu'on n'a pas encore... Alors, c'est un peu du name-dropping, on passe d'un film à l'autre, mais oui. C'est des films qui sont relativement importants, parce que là, notre ami Jean-Claude va faire venir John Woo. Eh oui, il va faire venir aux États-Unis. Il va importer l'Asie. Alors, je ne sais pas si c'est lui qui lance un peu le mouvement, un peu... réel asiatique aux États-Unis. On l'a vu, il a joué avec Corée Yuen. Oui, c'est vrai, oui. Bon, c'est un autre... oui. Bon, c'est un peu comme niveau. Si tu demandais un plat japonais au chinois du coin. Bon, c'est un peu, voilà. Mais là, il fait du lourd. Là. Mais on va remettre dans le contexte. John Woo, il sort de The Killer, il sort du Syndicat du Crime, et il sort surtout de À Toute Épreuve, qui est pour moi peut-être un des meilleurs films d'action jamais réalisés. C'est 2 heures de film complètement taré, des gunfights d'anthologie, des personnages cultes, honnêtement, avec Chow Yun-fat notamment. Donc c'est un sacré putain de film. Et là, Jean-Claude, il arrive à faire venir John Woo aux États-Unis. Alors c'est un petit peu le ticket d'entrée, mais pourtant je crois, parce que c'est partout, on lit que c'est le premier film de John Woo aux États-Unis, mais de mémoire, il avait fait un film avec Dolph Lundgren. Où il joue un mec qui est albinos, je crois, où il voit plus forcément certaines couleurs, j'ai plus le nom en tête. Il avait fait aussi une espèce de série un peu chelou, je crois, John Woo aux États-Unis. Enfin bref, en tout cas, c'est soi-disant le premier film américain de John Woo, et donc c'est Chasse à l'homme. Alors toi, tu le surnommes le film au mulet. Oui, bah difficile de faire autrement. Hein. Et donc il a encore une fois un nom à coucher dehors, puisqu'il joue Chance Boudreau. Mais c'est là que tu sens en fait toute la détresse des scénaristes qui doivent justifier l'accent de Jean-Claude. Ah mais ouais, clairement. Donc il lui sort des noms des fois un peu franco, je sais pas quoi, bah, toujours on a, un voilà, peu avec un côté mystique. T'as Lyon Gauthier, Louis Burke. Il y a quoi ? Il y a Christophe Dubois aussi. Voilà, donc il a des noms un petit peu à coucher dehors. Et donc John Woo débarque pour faire son chasse à l'homme. Et c'est un peu compliqué. Donc il y a plusieurs versions du film. On va regarder déjà les bons points parce que moi j'aime bien le film, encore une fois. C'est une série B d'action bien rentre dedans. Voilà, donc c'est très violent. Oui. Ça dépend les versions du film. Il y a la version allemande, alors qui est hyper courte, qui fait 72 minutes, c'est assez fou. Ils ont dû virer tout ce qui... ils ont tout coupé, il n'y a plus rien. Quoi. S'il y a juste la scène où il met un coup de poing au serpent, tu gagnes un souvenir un petit peu chelou. Donc il y a Lance Erickson que j'aime beaucoup, qui joue notamment Bishop dans Aliens. Oui, bah, le pauvre, à chaque fois on doit lui sortir la même histoire. Ah bah voilà, forcément, mais c'est un acteur de série B, alors qui joue aussi, attention, c'est un scoop de fou, il joue aussi dans Mario Bros, il fait Koopa, non pas Koopa, il fait le roi champignon, qui se transforme en espèce de molar. Tout à l'heure on a eu Battlestar Galactica, mais non tu me sors ça, putain c'est dur là quand même. Ah non, Battlefield Earth. Et Lance Erickson donc, a joué voilà, le roi champignon dégueulasse dans Mario Bros, donc le pauvre, il a aussi joué dans Alien vs Predator, je sors que des grands films. Hein. Et donc Lance Erickson est aussi Arnold Vosloo qui joue dans La Momie et qui fait La Momie. Oui. Dans La Momie. Je crois que c'est le seul rôle un petit peu connu de Arnold Vosloo. Après il a fait des DTV un petit peu nul. Et donc John Woo, alors pareil, hein, il y a des versions un petit peu dans tous les sens de comment ça s'est passé sur le tournage, mais voilà, il a pas été super heureux de travailler avec Jean-Claude, parce que Jean-Claude, voilà, il essayait un petit peu de contrôler un petit peu tout ça. Il s'est dit, toi, tu viens de là-bas, je vais te montrer un petit peu comment on fait, des films aux États-Unis. Donc, c'est un peu le moment où il commençait à avoir le melon. Donc, le film a des scènes un petit peu particulières. Il y a notamment un moment où il met un coup de poing à un serpent, c'est net. Voilà, c'est assez rigolo, mais voilà, malgré les défauts du film, il y a aussi plusieurs scènes qu'on sent clairement repris, parce qu'ils devaient se dire quand même à l'époque, ils n'avaient pas tort, que personne n'avait vu les films de John Woo, notamment À Toute Épreuve, et il y a beaucoup de scènes reprises carrément, quasiment plan pour plan, à toute épreuve, notamment une cascade en moto, enfin voilà, quelques gunfights qui sont carrément repris. Donc moi, je garde un très bon souvenir de ce film-là, et c'est vrai qu'il a un petit peu la coupe au mulet, hein. Il joue un espèce de... Je crois qu'il joue un SDF. Alors forcément, c'est un SDF roi du kung-fu, hein, donc c'est assez particulier. Et donc, au début du film, il y a le père donc, de l'héroïne qui se fait tuer dans un espèce de jeu un peu morbide où le mec, on lui promet de l'argent s'il arrive à atteindre un certain point. Mmh. Et en fait, donc, dans cette espèce de jeu morbide, donc, Lance Erickson, il lance une espèce de chasse, donc une chasse à l'homme, comme le dit le nom du film à juste titre. Et donc, le mec est traqué par des mecs en moto et donc des mecs payent pour aller tuer des gens pour de vrai. Un peu comme une sorte de safari, mais avec des gens à tuer, quoi. Et donc, lui se fait tuer, sa fille veut essayer de comprendre pourquoi, du coup, elle engage Jean-Claude. Il va essayer de trouver ce qui se passe dans ce monde un peu pourri, quoi. Voilà. Donc elle engage un SDF. Bah oui, normal, quoi. c'est la base. Bah, c'est les plus faciles à payer. SDF, tu lui promets n'importe quoi, limite un bol de soupe, et puis il revient, quoi. Et donc Jean-Claude, il va casser des gueules, il va faire des scènes de gunfights, ce qui a été un petit peu rare quand même à l'époque. Et donc on a 1h95 minutes d'action, assez violent d'ailleurs, hein. Il y a vraiment des fulgurances violentes comme on avait dans les films de John Woo à l'époque, des colombes forcément. Oui, évidemment. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a une scène notamment où à la base John Woo voulait faire une poursuite en bateau, et Jean-Claude lui a dit non, en cheval c'est mieux. Donc du coup, il a fait une poursuite à cheval à la fin, et John Woo réutilisera la fameuse poursuite en bateau pour volte-face. Qui est pour moi peut-être la meilleure période de John Woo aux États-Unis, hein, Volte-face. Oui, mais je pense c'est un film qui est improbable au niveau de son histoire, mais par contre qui est hyper efficace avec un Travolta qui est quand même super cool, quoi. Et très bizarre, il y a eu un Chasse à l'homme 2 il y a un mois, je crois, qui est sorti comme ça à l'arrache avec justement Scott Adkins et aussi un mec qui joue dans Prison Break. Je me rappelle plus du nom, mais qui joue dans Prison Break. Donc c'est sorti un petit peu de nulle part, ça fait partie de ces suites qui sortent sur des vieux trucs de l'époque. Je ne sais pas pourquoi le mec a voulu faire Chasse à l'homme 2, mais en tout cas c'est sorti, ça a l'air un peu dégueulasse, donc je ne l'ai pas regardé pour l'instant. Oui, comme souvent, hein, quand ça sort comme ça un peu en catimini, souvent c'est bon, faut pas s'attendre à grand chose. Salut ma jolie. Laissez-moi tranquille. Donne-moi ça. Ça te dirait un petit extra, chérie. Prends son pied. J'ai un conseil à te donner, mon gars. Je crois que c'est toi qui as besoin d'un conseil. Ça va aller. J'ai dit, dégage. Écoute, tu prends ton canif, ton petit ami, et t'attrapes le premier bus qui passe. Mais c'est qu'il est drôle. Et ensuite, le plus gros succès de Jean-Claude, mec. Eh oui, c'est vrai que de base, on se dirait pas que c'est forcément le plus gros. Bon, parce que comme on en parlait avant de commencer, c'est pas forcément le film le meilleur. Ouais, c'est pas mon préféré. Ouais. Mais c'est quand même un film qui a marqué. Je pense que quand on demande à des gens, voilà, quel film on se souvient de la grande époque de Jean-Claude, c'est un des films qui a le plus marqué, c'est Time Cop. Donc c'est son plus gros succès commercial, c'est le deuxième après Universal Soldier à dépasser les 100 millions de dollars. Je crois qu'il a fait 102, 110, je ne sais plus, un peu dépassé Universal Soldier, et c'était que à 2 ans d'écart en fait, donc c'est quand même plutôt pas mal. C'est sa bonne période, là. Il enchaînait vraiment les succès, il est vraiment bankable. Ce qui aussi l'a fait monter un peu trop au niveau du ballon. Ouais. Donc Time Cop, qu'est-ce que c'est? Time Cop, c'est un film sur... un peu, on va dire, science-fiction, enfin, anticipation science-fiction. Ouais, c'est de la SF. Ouais. Donc c'est un scientifique qui a trouvé le moyen de voyager uniquement dans le passé, hein, pas dans le futur, puisque comme ils disent, le futur n'est pas écrit, donc on peut pas y aller. Je suis pas sûr qu'on puisse aller non plus dans le passé, bon, enfin. comme un scientifique a réussi ça, mais heureusement, il était américain, hein, il bossait pour les Américains. Ah bah, bien sûr, on les connaît. il décide de créer une agence de contrôle, contrôle du temps, donc qui s'appelle dans le film la Tech, je crois, TEC, parce qu'ils se sont dit, bah tiens, c'est cool le voyage dans le temps, on va pas l'interdire, on va pas empêcher de le faire, on va juste essayer de le contrôler, pourquoi pas. Bah, le contrôler pour éviter que bah, des gens mal intentionnés retournent dans le passé pour changer l'époque, changer des événements de l'époque, essayer de s'enrichir aussi avec la bourse, avec quoi que ce soit, hein, comme des exemples dans le film. Bah, c'est tentant. C'est ouais. Vrai que c'est tentant. Mais après, on se dit, donc si c'est si compliqué que ça de retourner dans le passé, en fait, c'est pas donné à tout le monde, donc pourquoi faire un truc qui contrôle ? Enfin, voilà. Pour moi, Time Cop, c'est un peu ça son problème, c'est que quand on réfléchit deux secondes, on se dit, il y a un problème. Enfin, il n'y en a pas qu'un. Ah, ça, quand tu vois la gueule de la machine, tu dis, tu l'as pas dans ton jardin. Non, c'est quoi. Ça. C'est pas évident. C'est un peu le problème du film. C'est vraiment ça. C'est dès qu'on se met à réfléchir, c'est pas bon, quoi. Donc, c'est typiquement le genre de film qu'il faut apprécier sans forcément se poser trop de questions, parce que c'est vrai qu'on a été habitué aussi à beaucoup de films derrière qui ont traité le voyage du temps, des fois de manière très originale, très intelligente, en réussissant à éviter les questions qui fâchent, alors que là, ça rentre en plein dedans, quoi. Bah, le problème du voyage dans le temps, c'est que ça peut directement ramener sur des problèmes de temporalité, justement, oui, des problèmes de cohérence, voilà, donc parce c'est que compliqué. Déjà, rien que la machine, comme tu le disais, la machine, en gros, c'est une sorte de super vaisseau, ils montent dedans, ça les projette à toute vitesse. En fait, ça ressemble, tu sais, au vaisseau qu'il y a dans Running Man. Voilà, exactement. Ça ressemble un petit peu. C'est exactement ça, sur des rails et tout. Ouais, c'est ça. Qui rentre dedans, ça part. Alors, ces cons-là se sont dit, au lieu de mettre un truc mou au bout, on va mettre un mur. Comme ça, quand ça foire, les mecs meurent. Bon, d'accord, si tu veux, pourquoi pas. Pourquoi pas mettre un système comme les avions, hein, qui les arrête derrière. Mais non, ce serait trop simple, on va mettre un mur. Et donc, ils se retrouvent, donc, ils partent avec un vaisseau, mais quand ils arrivent de l'autre côté du temps, ils arrivent à pied. Et quand ils repartent, oui, et ben ils remontent dans le vaisseau. C'est en fait, vrai que quand ils partent à pied et ils reviennent dans un vaisseau. Je me dis, mais c'est bizarre quand même. Enfin bref, voilà, c'est un peu ça. Mais bon, allez, on va dire qu'on va mettre ça de côté. Et c'est plutôt un film assez sympa. Donc notre Jean-Claude, hein, se retrouve évidemment flic, hein, dans cette brigade du temps. Il a été meurtri par la mort de sa femme. Ah oui, encore une fois. Oui, comme souvent, hein, avec Jean-Claude, ça reviendra c'est sa marque de fabrique, un peu comme Steven a toujours été un ancien de la CIA, ou combattre les méchants de la CIA, parce qu'on sent que Steven il a une dent contre les mecs de la CIA. Jean-Claude, souvent, c'est on touche à sa famille. C'est souvent comme ça. Voilà, c'est toujours sa famille. Sa femme, son fils, quelqu'un, un truc. Bon, voilà. Et ce qui gêne aussi un peu dans le film, qui m'a choqué en le revoyant là, en plus je l'ai revu en HD, on avise. Ah! Il y a des films comme ça, il faudrait mieux les voir sur un vieux lecteur VHS. Parce que... Ouais, il y a le charme, voilà. Qui reste avec les fonds verts piquent moins. Parce que là, les effets spéciaux... Alors, on parlait d'Universal Soldier, voilà, c'est ça un film qui... Les films qui visent le mieux, c'est les films comme lui. Parce que Time Cop, il y a de l'effet spécial numérique, mais on sent que le budget, à mon avis, il a dû aller en coke, mais alors pas que pour Jean-Claude. Ça a dû aller, c'est pour les scénaristes et tous les mecs qui ont inventé un peu des trucs du futur, parce que les mecs, ils ont inventé des caisses dégueulasses. C'est vrai que les voitures sont dégueulasses. C'est incroyable. On dirait, en fait, du Demolition Man, et Demolition Man qui date de cette époque-là, d'ailleurs, à mon avis, je crois qu'il est sorti un an avant Demolition Man, d'ailleurs, donc on a l'impression que les mecs ont un peu pompé l'idée de Demolition Man, du futur Demolition Man. Ils ont récupéré les maquettes, ouais, qu'ils ont été refusées, en fait. Ouais, les trucs cheapos, tu vois, qui ont été peints à la main, enfin... Parce que non, c'est juste en termes de design, c'est bien fait. Je veux dire, c'est propre. Par exemple, tout ce qui est un peu décor fait main, c'est bien fait. Mais c'est plus chipesque dans l'imagination qu'on se faisait du futur. Quoi. Vraiment, c'est une catastrophe. Bah, c'est vrai que c'est dans ces films-là, à l'époque, ils s'imaginaient toujours des voitures cheloues. Bah, mais tu vois, dans des genre, machines, tu vois, ça passe. Ouais, mais tu vois, ils ont quand même une tronche, oui, c'est un peu bizarre. Quoi. Ils sont quand même un peu arrondis. Ouais, mais, ça passe un peu. Mais là, dans celui-là, c'est juste dégueulasse. Quoi. C'est surréaliste. Et tu vois trop que c'est une bagnole normale sur qui on a mis une coque de merde. Quoi. Donc c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est un peu mal vieilli. Les effets spéciaux sont horribles. Donc comme c'est un film en voyage dans le temps, on imagine très bien qu'il y a des plans où il y a deux personnages de deux époques différentes qui sont sur le même plan. Et dès que c'est ça, on le sait, parce que d'un coup, l'image devient dégueulasse. Le contraste, ouais, c'est le ça, contraste ouais. Pète le plafond. Les noirs deviennent complètement noirs baveux, et les acteurs ne se regardent pas comme ils sont censés se regarder. Alors, parce que de nos jours, on a été habitués à ce genre de plan, parce que maintenant, c'est devenu beaucoup plus facile de faire ça. Et il y a des films qui arrivent très bien à le faire. On a vraiment l'impression que les deux acteurs se regardent vraiment et interagissent. Là, c'est une horreur. On voit très bien qu'il y en a un qui regarde dans le vide et que l'autre n'est pas du tout là où il est censé être. Enfin bref, c'est une vraie catastrophe. Ouais, je trouve ça mal vieilli aussi. Parce que le film, c'était un peu la même époque aussi que Terminator 2. Ah, ça fait la comparaison, et là, ça fait mal, de toute façon. Tu te dis, ouais. Terminator 2, tous les effets de fou qu'il y a dedans, le Témi, sa reconstruction, machin. Enfin, tu dis, voilà, c'est un peu dingue qu'on est dans la même époque et qu'on ait des plans comme ça complètement foireux, quoi. Mais bon, après, c'est vrai que si on met ça de côté, bon, ça fait beaucoup de choses à mettre de côté quand même. Il y a quand même beaucoup de choses. Après, ouais, ça reste efficace. Quoi. C'est vraiment qu'on est. Le film policier, oui. SF. On reste quand même accroché à l'histoire. On va essayer, on reste captivé un peu, savoir s'il va essayer de sauver l'ancienne petite amie de Ferris Bueller. Parce que, aussi, encore un film comme Winter Soldier, où je me souvenais absolument pas que l'actrice était connue aussi. C'est donc. Mia Sara, je crois, si je ne me trompe pas. Ah, je ne pourrais pas t'aider. Si, qui jouait donc dans Ferris Bueller, si, à l'époque, qui a fait différents trucs. Je ne me souviens absolument pas que c'était elle, alors ça m'a fait un souvenir, tiens, qu'est-ce qu'elle fout là. C'est ça aussi qui est assez marrant en voyant des anciens films comme ça, on retrouve des acteurs, on se dit, tiens, c'est vrai, ils étaient là, on s'en souvient absolument pas. Ouais, c'est vrai, ça m'arrive. En plus, il y a souvent des films que tu découvres sur le tard aussi, bah, parce oui. Que moi, Ferris Bueller, ou les films de John Hughes, je les ai découverts assez tard et je me dis, c'est des acteurs que je connaissais. Bah oui, fait, voilà. Donc s'ils assez, sont devenus cool. Connus, des fois, il y a une bonne raison en fait, au départ qu'on découvre des fois un peu plus tard. Mais, Et il y a le grand écart en caleçon. Oui, la fameuse scène dans la cuisine, voilà. Hein, le grand écart en caleçon. Le truc électrique. Avec des dialogues aussi qui sont assez savoureux. Oui, toujours un petit grand écart, mais là, ouais, le grand écart en caleçon de Jean-Claude au réveil en plus, hein, parce que Jean-Claude, même au réveil, il est assez chouette, ouais. C'est un beau grand écart, c'est parti des beaux grands écarts de sa carrière. C'est clair, donc voilà, c'est plutôt un film sympa, il faut juste. Moi, ça m'a choqué parce que je me souvenais absolument pas que les effets spéciaux avaient aussi mal vieilli. Donc, quand on le sait, après, on peut peut-être un peu plus apprécier le film, même malgré que finalement, j'ai pas eu l'impression de perdre mon temps. Mais ça reste correct, hein. Oui. Ça reste des trucs un peu bien troussés, donc comme Peter Yams, en fait c'est un bon faiseur, enfin c'était un bon faiseur, parce que maintenant ouais, il est quand même beaucoup moins doué, on sent qu'il est un peu fatigué le monsieur, mais ça fait partie voilà, des réals qui faisaient correctement leur job, voilà. Il avait fait notamment, alors c'est pareil, c'est un film que j'ai revu récemment et qui a super mal vieilli, qui était déjà vraiment pas terrible à l'époque, mais j'étais jeune, La fin des temps avec ouais. Schwarzy. C'est lui, voilà, c'est lui qui a fait ça. Donc c'est un peu voilà le mec, pareil, c'est du Yes Man. Hein, donc, mais bon, voilà, c'est un film qui est correct. Voilà, Time Cop, c'est plutôt correct. Il y a eu une suite que je n'ai pas vue, donc qui a rien à voir avec Jean-Claude, etc., ouais, qui est sorti il y a une paire d'années, qui est avec Jason Lee, je crois. Enfin voilà, ça a pas l'air foufou, mais bon, si vous voulez regarder, pourquoi pas, quoi, si vous êtes fan de l'histoire de Time Cop. Vous vous entraînez dans des salles comme ça, plusieurs heures par jour, tous les jours? J'ai une salle superbe. The door! Close the fucking door! Yeah! C'est un film qui a beaucoup plus d'intelligence que tous mes autres films. Le budget est beaucoup plus élevé. C'est un film qui est très rapide. On parle beaucoup de la violence en ce moment au cinéma, notamment depuis le film d'Oliver Stone. Comment est-ce que vous réagissez quand on vous dit que vous faites des films violents? La race humaine adore se battre. Avant que le film business was existing, des gens comme Alexandre le Grand, des gens comme beaucoup de dictateurs ont fait des guerres il y a des centaines d'années, et je crois que c'est dans notre sang d'être agressif. Et il ne faut pas prendre les films comme excuse pour excuser notre violence. Alors je me rends compte qu'on a oublié un film, mais en même temps c'est pareil, c'est pas génial, c'est Cavale sans issue, hein, qui est sorti en 93 de Robert Armand. Donc voilà, c'est pas un grand film, donc je pense que c'est une raison pour laquelle on a même pas fait attention de le louper. Et parce qu'on va arriver dans une période compliquée, alors qui va être ponctuée de choses un peu bizarres en fait dans sa carrière, mais là on va dire que c'est vraiment le film qui montre qu'on a atteint un point où Jean-Claude fait tout et n'importe quoi. Est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il fait? Je pense qu'il s'en rend compte encore un petit peu, mais voilà, bah, c'est Street Fighter. c'est Street Fighter. Qu'est-ce que tu veux dire de plus? Ah, pauvre de Suzanne, et putain, donc, je pense que Jean-Claude est un peu au summum de la hype. Ses films cartonnent. Il peut faire un petit peu ce qu'il veut. Et donc, bah là, il fait Street Fighter, quoi. Et Street Fighter de Steven De Souza, le pauvre. Donc, il a fait qu'un seul film. C'est celui-là. Et je pense qu'il s'est dit, plus jamais. Il s'est dit plus jamais. Et donc, dedans, Jean-Claude, il fait le colonel Guile. Et donc, c'est lui le héros du film. Et ouais, c'est Street Fighter, quoi. Mais voilà, non, c'est, je crois qu'il n'y a, rien à dire. Il suffit de regarder le film avec ce pauvre Raoul Julia. Ah ouais, mais qui est au bout de sa vie, d'ailleurs. C'est son dernier film. Et je reprends souvent ce que disait justement le Réal, c'est que c'était une catastrophe, le tournage. Parce que non seulement il devait gérer Jean-Claude qui était surcocaïné, qui avait le nez dans la poudre quasiment tout le temps, qui se tapait Kylie Minogue dans un coin, etc. Et d'un côté, de l'autre côté, t'avais Raoul Julia qui était presque mort. Et il lui filait des cachets, enfin voilà, parce qu'il était, je crois qu'il avait un cancer, il est mort d'un cancer, je crois. Et tu vois que physiquement il est diminué, pourtant bah, il doit jouer un super méchant, enfin voilà, ouais, il a les joues creusées, tout ce que tu veux. Et ouais, c'est compliqué quoi, parce que déjà il y a aucun personnage qui respecte le jeu, aucun. Je veux dire, t'as Honda, c'est un caméraman, t'as Balrog qui est normalement un boxeur, bah, qui est aussi dans la, qui est aussi journaliste avec Chun-Li. Ken et Ryu, bah, c'est des bandits. C'est des pauvres bandits du dimanche qui finissent en kimono, ils savent pas trop pourquoi, à la fin du film. Le seul truc rigolo dans ce film, c'est Zangief, qui à la fin fait un combat avec Honda, genre Godzilla, en marchant sur des maquettes géantes. Et il y a une scène qui est rigolote, qui sont en train de regarder un camion en train de débouler à la télé. Enfin, il y a un camion qui est en train de défoncer tout sur son passage, et du coup, ils regardent tous la télé, et d'un seul coup, t'as Zangief, il dit « Vite, changez de chaîne !» Ok, mec. Ok, les dialogues, ok, mais tu sens qu'il y a un côté, rien n'est sérieux, oui. Tout est pris par-dessus la jambe, il y a vraiment rien qui est respecté, genre Dalsim, c'est un scientifique qui finit juste brûlé, donc du coup il perd ses cheveux, il est indien, donc voilà. c'est vraiment ce fou, il y a du monde, c'est incroyable. Ah, mais on se fout, Blanca, c'est un pauvre mec tout chétif, tout vert, parce qu'ils lui ont fait une expérience dessus, enfin voilà, il y a rien qui est respecté, tout... Ouais, c'est nul, quoi. Enfin, je retiens vraiment que Raoul Julia dedans qui cabotine et qui fait plutôt marrer dans son rôle de sorte de méchant, ouais, puis t'as, cliché. T'as Jean-Claude qui en fait des tétratonnes. Donc t'as aussi, du coup, comme tu dis, Raoul Julia qui cabotine parce que voilà, il fait un méchant, il fait un peu ce qu'il peut et t'as une scène de combat, bah du coup, lui ne sait pas se battre. Donc t'as Jean-Claude qui fait son fameux coup de pied à la Guile. C'est peut-être le seul truc qui ressemble un petit peu en coups spéciaux dans le film. Mais voilà, c'est pourtant tu sens qu'il y a du budget, parce qu'il y a plein de décors un peu dans tous les sens. Il y a le début du film commence, enfin ça commence un petit peu de manière sympathique, tu crois un minimum. Ça part vite en vrai. Et ça part complètement cacahuète. T'as un discours hallucinant à la fin de Jean-Claude pour motiver ses troupes, où il envoie chier tout le monde. Enfin, c'est juste la folie. Enfin, on est vraiment dans le délire absolu. C'est rien n'est assumé, tout est stupide, ça ne respecte personne. Et ouais, c'est nul. Honnêtement, j'ai même du mal à dire que c'est un nanar, parce que t'as quelques scènes qui me font rigoler, mais le film m'énerve plus. Et pourtant, Dieu sait que je suis quelqu'un de compréhensif quand on voit Jean-Claude Van Damme, et je l'ai vu au cinéma, je l'ai vu petit. Et déjà à l'époque, je disais, mais il n'y a pas de baston. Il y a aucune baston. Non, c'est qu'est-ce qui se passe? Tu fais Street Fighter, tu n'as aucune baston. Quand tu vois à côté qu'à cette époque-là, on faisait du Tortue Ninja. Mais ouais, qui était cool en plus, quoi, qui était hyper cool, et là ils te font un Street Fighter, ils arrivent à faire Street Fighter qui n'y a pas de baston. Et c'est assez incroyable, et pareil pour à l'époque, alors, je sais pas si Mortal Kombat est sorti beaucoup après, mais je préfère mille fois Mortal Kombat à Street Fighter, quoi. Enfin, c'est clair et net, hein, de ce bon Polo Anderson qui nous a amusé avec son Mortal Kombat, mais au moins voilà, il se prenait pas la tête, il a pris les persos, il a fait des finishim et tout, et puis c'est cool. Donc voilà, c'est non, Street Fighter, c'est non merci. Non merci, Jean-Claude, c'est... on sent que tu partais un petit peu en sucette. Quoi. Repos, colonel. Quelle surprise. Je vous souhaite la bienvenue au front. Vous arrivez juste à temps pour le coup. Je regrette, colonel. Le conseil de sécurité vient de voter. Nous avons décidé de négocier avec lui. Vous rigolez? Nous croyons pouvoir contenir votre général Bison. Vous avez ordre d'annuler l'assaut. Contactez Bison, demandez une extension de l'ultimatum, nous sommes disposés à payer la rançon. 20 milliards de dollars? Qu'est-ce qui va l'empêcher de prendre un autre paquet d'otages dans quelques semaines et d'en réclamer deux fois plus? Trois, quatre fois plus? Colonel, vous vous oubliez, je crois. Non. C'est vous qui avez oublié vos couilles. Colonel Gill, vous transmettrez ces ordres à vos troupes. Puis vous pourrez vous considérer comme étant révoqué. Soldats, j'ai reçu de nouveaux ordres. D'après nos supérieurs, la guerre est annulée. On doit rentrer à la maison. On arrose Bison pour ses crimes. Et tous nos amis qui sont morts ici, tous ces sacrifices ont été inutiles. Mais nous, on doit rentrer à la maison. Pendant ce temps-là, les idéaux de paix, de liberté et de justice, on les passe à la trappe. Mais nous, on rentre à la maison. Ben moi, à la maison, j'y rentre pas tout de suite. Je vais prendre mon bateau, je vais remonter le fleuve et je vais administrer à ce sale fumier de bison une déculottée si sévère que le prochain aspirant bison aura chaud aux fesses. Alors qui veut rentrer à la maison? Et qui veut venir avec moi? Mais pourtant, il lâche rien. Non. Il lâche rien, notre ami Jean-Claude, et là, il revient avec Peter Yams. Ouais, mort subite. Pas terrible, quoi. Mm. Franchement, mort subite, c'est pas terrible. Et il va faire son film. Ça y est. Jean-Claude se dit, il va retrousser les manches et il va faire son film à lui. Il va faire le grand tournoi. Alors, est-ce que tu peux nous parler du grand tournoi, Bilou? Bah oui, c'est un film qui lui tenait assez à cœur, hein, je crois, qu'il voulait absolument faire. C'est un film avec une... C'est plutôt correct, hein, au final. Je veux dire... C'est plutôt correct, je suis entièrement d'accord c'est, avec toi. C'est pas dégueulasse, ça a pas attiré les foules, ça a pas bien marché. Alors, faudrait se pencher un peu plus sur la question, savoir pourquoi. Si peut-être l'époque était plus vraiment peut-être au film de baston, je sais pas. Bon. Bah, je pense qu'effectivement, on avait tourné un petit peu la page de ces films-là. Et en fait, c'est clairement un remake de Bloodsport. Hein. Oui. Vas-y, je te laisse parler un petit peu. Bah, c'est d'ailleurs, oui, comme tu disais, avec le sang d'un mec de Bloodsport, il y a Frank Dux aussi hein, qui participe. l'escroc notoire qui participe un peu au film avec Roger Moore aussi qui est là tranquillous pénard. Ouais, c'est fou ça. Oui, quand même hein, parce que c'est vrai que c'est incroyable. A pas fait grand James chose Bond, dans des films à côté tout ça bon assez James Bond Roger Moore s'est plutôt fait assez discret et donc c'est son premier film en tant que réalisateur à Jean-Claude Enfin, je veux dire, ça se sent même pas rien. Vraiment, c'est quelque chose d'assez honnête. Non, pour un premier film, moi, je trouve que c'est relativement correct. Alors, il y a quelques plans un peu flous, bizarrement, par-ci, par-là. Mais les décors sont plutôt chouettes. Mmh. Franchement, tu sens qu'ils ont voyagé un petit peu partout, bah, notamment un petit peu la Thaïlande, etc. Et t'as des beaux décors, et t'as une musique qui est plutôt pas mal. J'aime beaucoup la musique du film. Alors, je vais essayer de retrouver le nom du compositeur, mais bien sûr, vous verrez que je ne le trouverai pas. Mais voilà, c'est un film que j'apprécie beaucoup. Donc, Randy Edelman, et je l'ai écouté pas mal pendant la préparation du podcast. Je trouve qu'il y a un côté un peu épique. Voilà, c'est plutôt bien fichu. Et forcément, t'as des scènes de baston, puisqu'on est sur une sorte de remake de Bloodsport, puisque le personnage, donc il finit, je crois, en esclave, et il est formé à la baston, et donc il va aller faire le fameux tournoi, parce que Roger Moore veut essayer de récupérer, je crois, un dragon d'or. Donc ils vont aller directement là-bas pour essayer de piquer le dragon d'or, et donc Jean-Claude va se bastonner un petit peu à mort. Et donc on a plusieurs styles de combat qui se mélangent, et ça passe. Moi, je trouve que les bastons sont bien filmés, le film se suit plutôt bien. Alors, le rythme est un petit peu en dents de scie, parce que c'est pas non plus tout le temps qu'il y a de la baston ou de l'action, mais ouais, c'est correct. Moi, j'ai du mal à dire du mal de ce film-là, parce que c'est assez humble, je trouve. Et Jean-Claude, même si on était dans une période un petit peu compliquée, parce que c'était le début de la fin au niveau santé, on va dire, pour notre ami, où il commençait un petit peu à se pourrir la vie, Mais je trouve que techniquement, le film tient la route, et c'est pas du tout hein, dans le style film d'arts martiaux, c'est pas une honte. Non, et d'ailleurs ça m'étonne aussi, hein, parce que quand tu vois quand même qu'il a réussi un peu à sauver, bon peut-être pas lui tout seul, le Bloodsport, en participant au montage, ce qu'il fait là, ça m'étonne quand même qu'il ait pas poussé plus loin. Alors est-ce qu'il en a pas eu l'occasion? Est-ce que le fait qu'il parte en vrille lui a un peu coupé aussi des possibilités? Mais je pense que s'il avait poussé peut-être un peu plus loin dans ce rayon-là, un peu la réal, tout ça, un peu tout ce qui est derrière la caméra, je pense qu'il s'en serait peut-être pas forcément mal senti. C'est pas bête ce que tu dis, parce qu'effectivement, si il a pris des fois la caméra, on va dire, bon, sans dire qu'il a le talent de John Woo, oui. Où on verra aussi avec Tuark un petit peu après, mais je veux dire, s'il avait complètement piraté le film Chasse à l'homme, le film aurait été dégueulasse, quoi. T'aurais vu des plans, ça se serait vu que le film avait été fait par un mec qui savait pas tenir une caméra, etc. Donc après, je sais pas dans quelle mesure il a filmé des trucs dans les films de Tuark ou de John Woo, mais on voit dans The Quest, qui est le nom américain du grand tournoi, qu'il n'est pas manchot. Il sait filmer des chorégraphies de baston, il sait filmer des personnages et des décors, donc voilà, c'est pas du tout honteux. Où est-ce que vous avez appris à vous battre? C'était il y a longtemps. Dubois! Il fuit la police. Fouillez le cargo! Il est quelque part! Là! Il est capturé par des trafiquants d'armes. Un clandestin qui va travailler pour nous. Mettez-lui les chaînes. Qui est ce type? Comment t'appelles-tu? Christophe Dubois. Mon nom est Dobbs. Lord Dobbs. Dépêchez-vous, allez! Il est vendu comme esclave. Chris Dubois, qui nous vient d'Amérique, le meilleur combattant qu'on ait jamais vu. Il faut être aux aguets à tout moment. Retiens cette leçon. Mais il n'abandonnera pas avant d'être parvenu à reconquérir son honneur. Les meilleurs combattants du monde s'affrontent en secret dans la cité perdue pour un dragon en or. Très bien, tu nous emmènes dans cette cité et je m'arrange pour que nous emportions le dragon d'or. De la cité perdue, nous accueillons nos plus grands héros. Allez, viens! Achève-le! Le grand tournoi. Et donc, après être passé derrière la caméra avec son The Quest, Jean-Claude va de nouveau appeler un réalisateur chinois, puisqu'il va appeler Ringo Lam. Alors moi, Ringo Lam, c'est un réal que j'aime bien. Alors j'ai découvert justement sur le tard, parce que à l'époque, Jean-Claude avait fait la promo de Réplicant, et c'est là où, bon, c'est carrément là où il a pété un câble, mais Ringo Lam, il a fait notamment Full Contact, alors qui n'a rien à voir avec le film de Jean-Claude, hein, avec Chow Yun-Fat, qui a un polar complètement taré. Il a fait aussi un film avec Jackie Chan, Twin Dragons, où il joue aussi donc, des jumeaux, donc comme quoi il aime bien, parce que dans Risque Maximum, bah, il y a des jumeaux aussi. Donc c'est un réel que j'aime bien, qui est assez... qui généralement fait des films un petit peu outranciers, ce que tu retrouves pas du tout dans Risque Maximum, qui est un polar, alors qui est pas honteux, mais ou encore qui est dans les normes et la moyenne, hein. Il reste dans les clous. Voilà, ça reste dans les clous. Jean-Claude, encore une fois, a un jumeau, donc à croire qu'il aime bien, encore une fois, la famille, les jumeaux, les trucs, voilà. C'est un petit peu son dada, on va dire. Et voilà, est-ce que tu l'avais vu à l'époque ou tu l'as vu récemment, toi? Je l'ai vu à l'époque, je ne l'ai pas revu depuis très longtemps. Je l'ai vu il y a très très longtemps aussi. Mais comme beaucoup de Jean-Claude, hein, c'est un truc, tu le vois, ça n'a pas forcément te marquer, mais tu n'as pas l'impression de perdre ton temps non plus, mais voilà, ça reste honnête. Ouais, tu passes un samedi soir tranquillement, voilà, tu as ton petit polar, hein, pas trop mal troussé, parce que voilà, au niveau de la réal, comme je l'ai dit, Ringo Lam, c'est pas un manchot. Alors ça se passe notamment en France, et donc il y a Jean-Hugues Anglade qui joue aussi dans le film. Voilà, c'est plutôt rigolo, donc si vous voulez, voilà, regarder un petit polar avec Jean-Claude, Risque Maximum, ça passe bien. Et donc notre ami Ringo, lui, je pense, a gardé un moins mauvais souvenir que les autres de Jean-Claude, puisqu'il va signer deux autres films avec lui, notamment Réplicant et In Hell. Donc Réplicant, encore une fois, avec un double, cette fois c'est avec un clown, etc. Donc encore une fois, deux Van Damme pour le prix d'un. Et donc In Hell qui va se passer en prison. Est-ce que tu en as vu, t'as vu l'un ou l'autre ou aucun des deux? Non, non, j'ai vu aucun des deux. J'ai beaucoup entendu parler de répliquants qui apparemment n'étaient pas si horribles que ça. Non, ça passe bien. Hein. Dans mes souvenirs. Même s'il ça a pas du tout marché. Hein, mais... Non, bah, c'est l'époque où tout se cassait la gueule hein, pour Jean-Claude. Mmh. Et on va voir, justement, on va en parler un petit peu après, parce qu'on va parler, on va finir bientôt le tour des films qu'on voulait vraiment traiter, avec les films de Ringo Lam, non, de Tuyark, pardon. Et Réplicants, c'est une série B qui est tout à fait potable, et il y a des scènes d'action assez sympathiques, mais c'est pas non plus, c'est pas rempli de scènes complètement ouf, il y a notamment Michael Rooker qui joue plutôt bien dedans, donc moi Réplicants j'aime bien, c'est vraiment une petite série B très bien troussée, voilà, c'est petit, c'est pas un gros film, mais c'est assez intéressant, et In Hell par contre lui est sorti forcément après, il est sorti en DTV, parce que ça commence à sentir un peu le roussi, et donc In Hell moi j'aime bien parce que, alors, même si c'est, il y a un côté poétique, un peu nanardo-poétique, parce que tous les côtés, le côté papillon, machin, enfin, il y a des espèces de, tu sais, de symboles un petit peu appuyés sur la religion, etc., mais il y a un côté sauvage que j'aime bien, parce que, du coup, t'as Jean-Claude qui est enfermé, qui devient un peu animal et tout, t'as notamment une scène où il saute sur un mec, il le mord à la joue, etc., enfin, là, c'est comme d'hab, chez Ringo Lam, c'est assez brutal, et on a un Jean-Claude qui se débrouille plutôt mal au niveau acting, comme il aime bien dire. Donc voilà, c'est vraiment deux films. Voilà, Ringo Lam, il a été plutôt cool avec Jean-Claude. Il lui a offert deux films, trois films même, plutôt sympa. Mais j'ai vraiment plus de tendresse pour Réplicant et In Hell que pour Risque Maximum, qui est plus classique. Voilà, donc c'était plutôt une période compliquée pour Jean-Claude qui va continuer à s'enfoncer. Et encore une fois, il appelle un réalisateur hongkongais, puisque on va voir qu'il va travailler avec, alors encore une fois, une grosse pointure, hein, c'est moi un réal que j'adore, que je surkiffe, bah, c'est Tuyark, qu'on connaît notamment pour la légende de Zhu, The Blade, Il était une fois en Chine, enfin voilà, le mec c'est vraiment une grosse pointure au niveau du cinéma chinois, qui est revenu d'ailleurs en Chine hein, depuis, et qui refait encore des films de dingue, voilà, c'est un putain de réalisateur. Et donc le mec, il nous fait double team, avec Dennis Rodman. Et comment je peux décrire double team? Ah, moi j'aurais bien un bruit, si tu veux, je vais dans mes toilettes, je vais tirer la chaise blanche. Ah, donc toi tu n'aimes pas double team? Non, c'est juste pas possible. Eh bah écoute, j'arrive pas à détester. Ouais. Non mais ouais, c'est pas possible. Comment, alors... C'est scandaleux. Mais en fait, tu sens que c'est pas sérieux. Alors, soit c'est sérieux, mais j'ai du mal à me dire on a fait double team en étant sérieux. Parce que non seulement tu vois, et là, on peut plus passer à côté, que le mec est défoncé. Jean-Claude, il est défoncé, de chez défoncé. Il a le regard vitreux. Il reste musclé et tout ce que tu veux, mais on sent qu'il est plus vraiment là, et c'est quand même le buddy movie le plus débile du monde, ça fonctionne pas. Bah, je veux dire, Dennis Rodman, il a une coiffure différente à chaque scène. Mais même, Dennis Rodman n'est pas un acteur. Ah, mais il est nul à chier, et il n'y a pas d'autre mot, et il a fait, après, je crois qu'il a fait un film en plus, Simon West. C'est tout pourri avec Philippe Nikovitch qui est mort. Je crois que c'est un des To Be Free qui est mort. Sorte de triple X, mais version cheapesque. Alors, par contre, on parlait de nanar, mais là, c'est le vrai nanar. Je sais même c'est pas. C'est du navet. Là, c'est du navet. C'est le truc où tu te fais chier. Quoi. À quel moment, quand tu vois Dennis Rodman dans Double Team, tu lui confies la tête d'affiche d'un film d'action avec un mélange de français, etc. Quoi. C'est improbable. Mais donc, Double Team. Ah, c'est les années 90, hein, c'est le mauvais goût de partout. Ouais, on pouvait faire n'importe quoi, je pense. Et donc Dennis Rodman qui fait Dennis Rodman en fait, c'est-à-dire il est là, il est fringué comme c'est pas possible, il a 40 piercings sur la tête, il a des cheveux de couleur à chaque plan, comme je l'ai dit tout à l'heure, il est habillé en cuir, en vinyle, enfin c'est le mec le que tu peux pas louper en gros, hein, c'est impossible de passer à côté. Oui, en peau de bête et tout, je pense aussi, mais j'ai des souvenirs vagues. Ouais, c'est ça. Ouais, il est habillé n'importe comment, et bien sûr l'histoire, bah c'est encore une fois Jean-Claude qui est un super agent mais qui foire une mission. Il est enfermé sur une espèce d'île et bien sûr donc il a fait dans une mission, il y a donc Mickey Rourke qui est le méchant, son fils se fait tuer et dans sa tête c'est Jean-Claude le responsable et il va prendre la femme de Jean-Claude en otage, je crois, si ma mémoire est bonne, Et donc forcément, Jean-Claude va essayer d'empêcher tout ça. Et s'ensuit un film hystérique. Mais quand je dis hystérique... Oui, hystérique, pas historique. Ah non, c'est pas du tout historique. C'est complètement... ouais, c'est d'un mauvais goût absolu. Et tu sens que personne ne contrôle rien, en fait. C'est que... Alors, Tuark fait ce qu'il peut, honnêtement, parce que... En plus, visuellement, le film est pas moche. C'est-à-dire, t'as une photographie qui est quand même de qualité. Il y a des plans qui sont relativement travaillés. Genre, les scènes d'action, quand ça bastonne, c'est pas filmé de traviole. Enfin, tu sens qu'il y a quand même du boulot. Mais, alors, de ce que j'ai compris, Jean-Claude a un petit peu profité du fait que Tsui ne parlait pas du tout anglais et l'a un peu roulé dans la farine. Donc, il s'appropriait des trucs en faisant croire que d'autres personnes disaient ça, etc., que c'était bien. Et il manipulait complètement Tsuyark. Et ça donne un film complètement autre, mais on s'ennuie pas. J'ai du mal à dire je m'ennuie en regardant Double Team. Il y a un combat taré, en plus t'as Mickey Rourke qui est en mode bodybuilding, il a pris du muscle au taquet, et bon, il revenait de... parce qu'il a fait de la boxe, pour ceux qui ne savent pas, Mickey Rourke, donc, était beau gosse hein, à l'époque, hein, le mec était ultra beau gosse, l'année du dragon, tout ça, et il est revenu, il a arrêté de jouer pendant un bon moment, et il est revenu avec une gueule défoncée, complètement refait avec la chirurgie esthétique, tout ce que tu veux. D'ailleurs, on voit dans Sin City, c'est à peine s'il fallait lui mettre un menton pour faire le personnage de j'ai perdu le nom. Mais il a la gueule complètement défoncée. Par contre, il est ultra balèze et dans les scènes d'action, voilà, il est pas ridicule. Mais il y a un final dans le Coliseum qui est pas du tout un Coliseum. Tu vois que c'est une espèce de salle des sports de je sais pas où là. Enfin bref. Mais moi, je sais pas, j'arrive pas à détester ce film. Qu'est-ce que tu lui reproches à ce film, bordel? Ça fait déjà un moment qu'on est là, donc si je commence à en parler, c'est... Non, mais tout est cheap, c'est mauvais goût, c'est bas de plafond, c'est cliché, c'est une horreur, les femmes sont traitées n'importe comment dans le truc, j'ai le souvenir, c'est une catastrophe. Rodman, autant sur un terrain de basket, il y a pas de problème, le mec, je l'engage tout de suite, mais dans un film, je sais pas qui a eu cette idée de merde. C'est vrai, c'est qui l'a casté, bordel. Je sais pas. Le directeur de casting, à mon avis, ça doit être un pseudonyme. Si le type il est pas con, il a pas donné son nom. Ouais, il a dû dire Michael Jordan joue avec les Toons. Pourquoi Dennis Rodman jouerait pas avec Jean-Claude, quoi. Bah oui, je sais pas si c'est un peu cette époque où on essayait de faire devenir des sportifs dans des trucs et tout, mais je l'ai vu il y a très longtemps. Hein. C'est un peu, tu vois, la location de cassette avec des amis. Ce film-là. Et puis t'es devant, et puis tu fais le face-palm sur face-palm, quoi. Bah écoute, sache qu'il y a une personne qui est d'accord avec toi, c'est Tsuyark. Oui, et ça m'étonne pas. Et il déteste ce film, il a détesté bosser avec Jean-Claude Van Damme, mais pourtant, il s'est dit la meilleure façon de se venger, c'est de faire piège à Hong Kong. et par contre, là, moi je m'éclate avec piège à Hong Kong. Mais il est cool. Il est cool, mais par contre, tu sens clairement qu'il est vénère contre Jean-Claude et il le ridiculise, mais du début à la fin, et il est encore plus cocaïné. Il a les yeux bouffis, il a le regard absent, et tu sens qu'il subit absolument tout le film. Et par contre, Suark, lui, il y va au taquet, quoi. Il y a une scène de ouf où il se fait fouetter avec une anguille, c'est complètement débile. Je me demande, il se retrouve pas encore en quel but, parce que je sais ouais, pas quoi. Il y a un moment où, du coup, rien que la scène là où tout est habillé avec de la. C'est un film où il y a beaucoup de contrefaçons. Il y a un moment où il court, du coup, pendant la scène là où ses pompes, elles explosent. En plus, tu rentres dans la pompe, je crois. Il fait des plans, mais de taré, tu vois. Donc, t'as un moment où tu rentres dans la pompe qui est en train de se disloquer. Il y a son jean aussi qui s'arrache. Enfin, je sais plus, il finit en slip. Ah oui, parce qu'il est en train de courir avec un pouce-pouce. Ouais, c'est en fait, ça. Il a une espèce de pouce-pouce. Il y a une course de pouce-pouce, mais il se fait salir, quoi. Là, il le salope complètement et le film il part dans tous les sens. Donc, je crois qu'il y a un trafic de bombes où les bombes ils sont mis dans les boutons de jeans, de trucs de contrefaçon, dans les jouets, etc. Et les explosions sont vertes, je crois. Je reconnais les explosions de ces trucs-là parce que les explosions sont vertes, c'est un espèce de mélange, je sais pas quoi. Mais c'est un film où Tsuyark fait des expérimentations visuelles de dingo. Le film est là aussi est hystérique, mais c'est ultra fun. Bon, par contre, il y a comment il s'appelle là, l'acteur comique là que je supporte pas. Le second rôle comique à chaque fois. Ouais, attends, je vais retrouver le nom pendant qu'on est en train d'en parler. Mais il est avec Rob Schneider. Rob Schneider qui est insupportable et le scénario est de Steven De Souza. Je sais pas, c'est Steven Seagal. Non, c'est Steven De Souza. Il s'est dit, écoute, je crois qu'ils voulaient tous se venger de Jean-Claude en fait. se disent, sont mis d'accord entre eux. On va le faire morfler. Il y a Tuer qui a dit, écoute, Steven, il t'a fait chier sur Street Fighter, écris-moi un rôle où je peux saloper Jean-Claude et on y va, quoi. Mm. Et c'est complètement ça, parce qu'il a l'air con du début à la fin. En gros, c'est vraiment le film où... C'est ce qui marche aussi dans le film, c'est parce que ça le ridiculise, alors qu'il est tellement mis sur un pédestal dans plein de films, que là, il passe vraiment pour un con. Il passe vraiment pour un con. C'est ce qui marche aussi, après pour nous, après je sais pas si le public lambda... Non, ça fait un gros bide. Mais moi quand je le revoyais avec les combats, avec les jeans, les trucs, c'est marrant. Enfin, t'as le côté un peu asiatique, c'est vraiment... Le côté fou. Second degré asiatique. Complètement fou. Tout en gardant un côté très années 90, film d'action, enfin... Voilà, c'est savoureux. Moi je trouve que c'est assez savoureux. On va passer très très rapidement sur les autres films parce qu'on en a déjà parlé sur certains. Donc il a fait Légionnaire. Je me souviens de l'affiche. C'est Légionnaire qui est pourtant par le réalisateur de Rambo 3. Mm-hmm. Que je pense que le mec aime bien le sable. Voilà. Donc Peter McDonald, et il joue Alain Lefebvre. Voilà, donc encore une fois, un nom très très français. Et ensuite, donc, il a fait, on a déjà parlé, Universal Soldier, le combat absolu. Et là, les gens des studios ont dit, écoute, Jean-Claude, on va limiter la casse. Et tes films, maintenant, ça va être du DTV, quoi. Et le premier qui va en faire les frais, ça va être Inferno, par le réal, pourtant, de Rocky 1 et de Karate Kid. Donc, je n'ai pas vu, celui-là. Autant dire qu'il est complètement passé sous le radar. J'ai regardé la bande-annonce et ça n'a pas l'air foufou. La bande-annonce est pourrie. Et justement, tu vas nous expliquer un peu ce qui fait que tout va mal. On a commencé un petit peu à défraîchir le terrain, justement, en parlant un peu de la fameuse poudre blanche. Et on est vraiment, surtout dans la période répliquant, dans un moment... très compliqué de la vie de Jean-Claude Van Damme, mais je vais te laisser entamer cette partie-là. Alors, il y a aussi des problèmes, vous avez eu des problèmes. Les problèmes, c'est bien, non ? Il y a eu la coke un peu, quoi. La coke, écoutez les mecs, la coke... Non, arrête tes conneries, dis-moi, putain, Jean-Claude, t'es lourd. Dis-moi, la coke, il n'y a pas plus merdique que je la coke, ok ? Je sais, j'ai arrêté d'en prendre il y a 15 ans. Ok, ouais. Ça arrête la tête, ça te fout tout en l'air. Je sais, ça. On ne sait pas ce qu'on dit, on ne sait pas ce qu'on fait. On est d'accord. Okay, ouais. Alors, on est très d'accord. La coke, il ne faut pas toucher, c'est de la merde. Voilà. J'ai essayé, moi, de la battre. On ne peut pas la battre. Alors, elle devient... quand on la connaît, elle devient un compagnon qu'on ne touche pas. Je suis allergique à la coke. C'est très simple. Et c'est pour ça que je sais parler maintenant, je suis en forme, j'ai peur de personne, je suis fort dans les yeux, parce que je n'ai pas de coke, tu vois. Bon, je parle un peu vite. C'est pas un problème, non, si je suis rapide. Je suis un mec qui est rapide, je suis speed, pourquoi Je mange que des légumes. Je suis en pleine forme, mais après, quoi, c'est pas... Mais je suis bien ici. T'as raison. Oui, parce qu'il a lui-même avoué. Hein. C'est ça qui est bien en fait avec Jean-Claude, c'est qu'pour lui, il a pas de problème d'en reparler en fait de tout ça. C'est pas forcément tabou pour lui. Et il a expliqué que milieu années 90. Donc je ne sais pas à quel film on se situe environ. Je pense qu'on est sur du Street Fighter, je crois. On approche Street Fighter, le grand tournoi. Donc je pense qu'il a commencé à apprendre au niveau de Street Fighter et que ça est devenu critique. Parce que 96. C'était en 95, il disait, ça a commencé. 96, il l'a dit, c'est jusqu'à 10 grammes de coke par jour. Alors, c'est énorme. Ce qui est quand même pas mal. Il dépensait 10 000 dollars par semaine pour avoir sa poudre. Et c'était vraiment les pires années pour lui où... où c'était vraiment point de vue drogue en tout cas. Il n'était pas encore sur la période qu'on connaît nous, voilà, la télé, tout ça. Quoi. Ouais, c'était pas encore là, mais pour le cinéma, c'était quand même assez flagrant. Et c'est en 98, on le diagnostique bipolaire. Alors bipolaire, c'est ce qu'on appelait aussi avant les maniaco-dépressifs. Écoute, je l'ai appris, c'est toi qui me l'as appris. J'ai jamais fait gaffe à ces anecdotes-là où il était effectivement bipolaire. C'est une maladie, c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment guérir, hein, parce que voilà, c'est une maladie mentale, on va dire. C'est quelque chose qu'on connaît encore très mal, qu'on a du mal encore à guérir, même à soigner aussi. C'est quelque chose avec lequel on vit toute sa vie, on est obligé d'être médicamenté toute sa vie. Il y a des trucs qui sont plus ou moins puissants, hein, parce que comme toutes les maladies mentales, il y a différents niveaux, des niveaux plus légers, plus lourds. Et donc Jean-Claude lui dit, lui, c'est quand même assez sévère, parce qu'il expliquait lui-même, hein, que lui, c'était assez sévère, et que même quand il était petit, déjà, c'était le cas. Il disait, il se levait le matin, et il était content, il était euphorique, et puis quand il allait sur le chemin de l'école, et bah, il déprimait, tout était sombre, tout était noir, et c'est un des symptômes, hein, de la bipolarité, c'est des changements d'humeur assez rapides, et aussi un des symptômes, c'est un peu dans tous les épisodes maniaques, c'est on va dire un côté, donc certains ça va être un côté théorie du complot, à imaginer qu'il y a des complots partout, qu'on veut leur faire du mal, etc. Et sinon il y a aussi des délires mystiques. C'est là qu'on voit que Jean-Claude, avec toute sa philosophie, tous ses 1 plus 1 égale 1, toutes ces histoires de selfish, de wear et tout ça, et bah quand on sait ça, on se dit finalement, peut-être que ouais, en effet, il y a une logique. Ouais, il y a une logique à ça. Et c'était vraiment 98, c'est ça, hein, c'était cette époque-là, l'époque du loft, où il a été déboulé sur place, où c'était une catastrophe, où tu regardais le truc, t'avais envie de les appeler en disant, mais coupez tout, quoi, c'est pas possible. Mais clairement, mais en plus c'était en direct, quoi. C'était un suicide. Hein, ah oui, c'était un suicide visuel, quoi, vraiment, c'était une catastrophe. Et c'est vrai que quand on sait ça après coup, on se dit que, bah, ça devait être l'époque où ça devait être le pire pour lui, où, justement, après, qu'il trouve une manière de se soigner, disons, peut-être plus efficace, ou vraiment où il est vraiment parti en vrille. Je pense que la drogue aussi a complètement... Je pense que ça aide pas. Hein, oui, non, ça n'a pas aidé. Hein. Je pense que tout ce que... Il parlait aussi de ce qui l'a amené à la drogue, c'est tout le stress, un peu, tout... Enfin bon, quand on sait que c'est commun à Hollywood, ce genre de choses, et à même à tous les travails très, très stressants, hein, comme tous les courtiers en bourse et tout, c'est quelque chose qu'on sait que vraiment, voilà, c'est des trucs... Quand il faut être au taquet tout le temps, partout en même temps, il faut faire bonne impression partout, il faut aller les soirées, il faut faire truc, il faut faire ci, ça finit souvent dans la drogue. Et je pense que oui, ça a complètement empiré son état psychologique et empirer sa maladie qui était déjà là avant, mais qui l'a empiré avec ses délires. C'est aussi les délires mégalomaniaques, avec son ego qui partait en cacahuète à une certaine époque, où il voulait prendre la place du réal, comme tu l'expliquais, avec tous les réals asiatiques, tout ça, tout ça fait partie des symptômes vraiment de la bipolarité, d'être maniaco-dépressif. Donc c'est quelque chose qu'on veut expliquer, et ça explique aussi pourquoi maintenant ça a disparu, pourquoi c'était une époque. Et pourquoi maintenant ça l'est beaucoup moins? Parce que je pense que oui, il a réussi à se soigner, il a réussi un peu à passer ça, mais c'est quelque chose avec lequel il vivra toute sa vie, quoi. Faut pas se dire c'est juste une période, voilà, quand on l'est, c'est tout le temps, quoi. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est la première chose, et je pense que c'est vraiment une... Et c'est pour ça qu'on est là à parler de Jean-Claude Van Damme, c'est que c'est quelqu'un d'assez vrai. Mmh. Et tu le ressens, en fait, même dans les moments où il pète un câble, tu sens qu'il y a le mec, entre guillemets, il y avait plus à cette époque-là de catalyseur, mais de filtre. Ouais. Tout sortait un petit peu comme ça traversait sa tête. Et c'est pas forcément des choses idiotes, en fait. Ah non, c'est perçu comme des trucs complètement tarés, parce que, en plus, c'est une mitraillette. C'est à l'époque où il balance. Et dès qu'il pense à un truc ou qu'on lui lance dans un sujet, en plus, bah, c'était le bon client, hein, du coup, hein, parce que dès qu'on l'invitait quelque part, c'était pour se foutre de sa gueule. Mais, il est revenu, justement, j'ai lu, donc du coup, j'ai regardé quand même pas mal d'interviews sur sa carrière, etc. Et c'est vrai que il y a eu une époque, il le dit, où bah forcément c'était un bourreau de travail. En fait, il est extrême dans tout. Mmh. Et donc quand il se lançait dans un truc, ou quand il voulait faire des films, il voulait être une star, etc. Donc il bossait. Et il a une remarque qui est particulièrement juste. Et là où beaucoup justement ne sont pas honnêtes avec ce type de position là, où à un moment t'es complètement écarté de la réalité. Mmh. C'est-à-dire tu as plein de pognon, tu fais des fêtes de dingue. Tu bosses, mais en même temps, tu n'es plus vraiment connecté aux gens, entre guillemets, aux gens normaux. Mmh. Et donc, tu vois passer des meufs, il le dit, il a vu des meufs passer, il commence à aller voir à gauche, à droite, à se taper tout ce qui passait. Puis, là, tu vois un truc, on te dit, vas-y, prends ça, tu verras, ça va te faire tenir et tout ce que tu veux. Puis, il a mis le nez dedans, je crois qu'il y a sa première femme, je crois qu'il l'a fait plonger, mais ça, c'est aussi une rumeur ou une légende de l'époque. Et donc, il a plongé complètement dedans. Donc, tu l'as dit, il est tombé complètement accro à ce truc-là dans les fins années 90. Mmh. Et le mec, non seulement il a un côté un petit peu speed et au taquet, et quand on a commencé à l'inviter, alors je sais plus pourquoi il avait été invité au Love Story, je crois qu'il y a un mec qui était fan, parce que j'ai regardé du coup un extrait de ce passage-là. Oui, c'était un type qui était super fan de lui, et donc on l'a fait venir pour ça et tout ça. On l'a fait venir, et c'est hallucinant le débit, les conneries, et en fait à quel point. Dans sa connerie, il essaye d'être le plus sincère possible, parce que tu sens que le mec, il a envie de faire passer quelque chose. Mmh. Et dans cette séquence-là, t'as un moment où, je sais plus de quoi il parle d'un truc super sérieux, et d'un seul coup, le public rigole et leur dit « Non, on n'est pas là pour rigoler, on n'est pas là pour le show business, on est là en train de parler d'un homme à un autre, etc. Mmh. » Enfin, tu sens que ça lui tient complètement à cœur et qu'il a envie de faire passer des messages, mais là, ouais, il n'y a plus un seul filtre. « J'ai fait des mistakes, des erreurs dans ma vie, hein, des grandes erreurs, tu vois. Mais attention, hein, personne n'est parfait, mais j'ai fait... Et ces erreurs, peut-être qu'aujourd'hui, ce soir, ces erreurs, elles sont ici. Ah, stop, arrêtez l'éclatement, merde, arrêtez cette histoire. » Je parle du cœur ici. On n'est pas du show business. Ok ? Je suis un homme qui parle à un homme maintenant. À un jeune garçon. Ok ? Encore un enfant. Je connais, je vois les yeux. Il est très fier, il est très arrogant. C'est ce qui se passe. On va réussir. Il a besoin de ses yeux de tigre. Mais après, il faut commencer à se calmer. Sinon, on se fait... Ok, c'est pas moi qui l'ai dit, ok ? Parce qu'il y a des enfants ici. Il y a des enfants ici. Ok, alors... Il est complètement déconnecté et le passage qui pour moi est le plus important dans son twist et dans la façon dont la télévision s'est appropriée le personnage, parce que là clairement on peut parler du personnage Jean-Claude Van Damme, mais là c'est pas du tout Jean-Claude Van Varimbert, c'est pendant qu'il fait la promo de Réplicant, là c'est open bar. Là, attention, c'est le moment où on commence à découvrir les fameuses phrases, l'interview de, je crois que c'est 120 minutes, une espèce de démission, je ne me rappelle plus du nom. Et pour être très honnête, quand j'ai découvert ça plus jeune, j'étais mort de rire. Il y a une scène, une interview, cette interview, elle est carrément surréaliste, où à un moment, donc il parle, c'est le fameux moment où il parle de aware, il y a des gens qui n'ont pas réussi parce qu'ils ne sont pas aware, ils ne sont pas au courant, etc. Donc le fameux awareness des gens. Avec l'oxygène, la pectine, je sais plus quoi. Ça, c'est encore un autre truc. Ah, c'est encore et cette interview-là, donc il y a un moment, il parle de aware des gens qui font pas attention à ce qui se passe autour, et à un moment il dit tu te mouches, puis il fait le bruit du mec qui renifle un coup, et là il dit tu vas mouchoir, et là il s'arrête et fait tu vois là je suis aware, donc il parle écoute mais je m'écroulais de rire à chaque fois que je tombais sur cette scène-là, mais et du coup tout le monde l'invitait. T'as régulièrement, maintenant tu peux voir la plupart du temps des zappings où les gens rigolent de ces conneries, etc. Et donc du coup on l'invitait pour se foutre de sa gueule, pour poser les mêmes questions, pour parler des trucs et le lancer sur des sujets à la con, quoi. Mmh. Et donc t'as eu le fameux 1 plus 1 égale 1, mais non, ça fait 1 plus 1, non, 1 plus 1 égale 2, mais non, ça fait 1, et pourquoi pas 11, et ça c'est beau. Et si jamais 1 plus 1 égale 1, et là on devient selfish, on prend du pognon, patati patata. Mais en fait c'est des vrais sujets entre guillemets, quoi, parce que parce que c'est vrai que quand tu regardes plus loin ou quand tu lis entre les lignes, tu sens qu'il y a quelque chose qui, c'est ça, c'est qu'il veut faire passer un message, c'est qu'il y a quelque chose derrière qu'il essaye de faire, mais comme si en fait les idées étaient complètement brouillées, ou parce que après c'est parce qu'on parlait aussi de la médicamentation en fait de cette maladie, c'est que les médicaments aussi peuvent avoir des effets secondaires et provoquer des états où le patient il est plus forcément lui-même, il faut trouver le bon dosage, il faut trouver les bons médocs, c'était quand même il y a un bout de temps, c'était même encore maintenant on galère encore maintenant, je veux dire il y a des gens qu'on n'arrive pas à sauver, parce que faut quand même être clair que la bipolarité c'est on peut en mourir, c'est on peut finir par se suicider. Moi j'ai un ami qui l'avait, il a fini par se tuer parce qu'il a arrêté de les prendre. D'accord. Et c'est vraiment quelque chose, c'est ça, c'est quand même quelque chose d'assez grave, et je trouve dingue que complètement fou que Jean-Claude ait survécu, vraiment. Parce que si t'ajoutes la drogue, au point où il est... L'alcool aussi, semblerait. Oui, parce qu'il a été aussi arrêté en état d'ivresse aussi, avant qu'il aille en cure, qu'il l'a pas fait vraiment et tout. T'ajoutes donc la drogue, l'alcool, la maladie, plus les médocs, parce que les médocs aussi sont... Ah, c'est plus puissant ce que tu disais. C'est je trouve c'est incroyable que le type ait réussi à survivre. Je suis absolument soit il a une chance incroyable, soit il a un ange gardien extraordinaire, ou alors il a des gens autour de lui qui ont réussi à le contenir, je ne sais pas. Ses parents qui ont été très très très présents et bah, il les a toujours gardés auprès de lui hein, c'est pas il est toujours proche. C'est ça aussi qu'il fait aussi revenir un peu à la Belgique, garder un peu quelque chose avec ses racines, c'est quand même quelque chose qui est important pour lui quoi. Bah, surtout que ses parents, bah, encore une fois, dans une interview que j'ai lue, enfin, tu vois, à quel point il accroche à ses parents, où il dit qu'il redoute quasiment tous les jours le moment où ses parents vont mourir. Et tu le sens, mais en fait, tu le sens, mais tellement sincère. Alors, attention, peut-être que vous allez nous juger et dire qu'on est des fans, des fans pigeons, de base, qu'on est en train de. Mais en fait, moi, je trouve que ce mec, il pue la sincérité. Et c'est pour ça, parce qu'on a vu, on a fait le tour un petit peu de ses, entre guillemets, de ses meilleurs films, et c'est pas des, il n'y a pas beaucoup de grands films, mais moi c'est vraiment le personnage qui me touche particulièrement, parce que tu vois qu'au-delà de toutes les phrases et de tous ces trucs-là, c'est peut-être le seul acteur, entre guillemets, qui se livre complètement, où le mec est transparent complètement. C'est-à-dire que quand on lui parle de la drogue, bah, il va en parler ouvertement, et va dire qu'à cette période-là, quand il est en plus posé au calme et qu'on lui pose les bonnes questions, le mec arrive à parler de sa carrière de manière assez franche et ouverte, et il a, entre guillemets, il a honte de rien, il assume, comme on l'a déjà dit, parfaitement ses choix de vie, et ses frasques et ses problèmes, etc. Là, nous en avons même d'ailleurs fait un film. Et moi, je trouve que ça fait absolument tout, et c'est pour ça que j'aime bien regarder les films de Jean-Claude, parce que c'est pas forcément quelque chose d'énorme, et on verra aussi, pour conclure l'émission, à quel point maintenant il arrive à jouer avec ce personnage qui a été créé par la télévision, parce qu'il le dit, les médias sont emparés et sont foutus de sa gueule ouvertement, et lui s'en rendait pas forcément compte tout de suite, parce qu'il y a eu par exemple l'interview aussi chez Ardisson, à l'époque où il dit que quand il arrivait dans l'émission, bah, il la connaissait pas. Donc il faisait le tour pour répliquant, etc. Et il s'est retrouvé chez Ardisson, entouré, comme d'habitude, t'avais Baffy, etc. Et même Ardisson le dit qu'il l'avait invité clairement pour se foutre de sa gueule. Et ils ont découvert un mec, parce qu'il se fout pas tant de sa gueule que ça, en fait, dans l'émission. Et même Baffy est assez léger dans ses attaques par rapport à d'autres, où clairement il va les faire morfler. Et tu sens qu'ils ont découvert, je pense, un mec qui est beaucoup plus simple que ce qu'ils pouvaient laisser paraître à la base, quoi. Et je pense que c'est vraiment une c'est pour moi c'est pareil, tu vois, c'est assez marrant, c'est tu t'arrives pas à lui en vouloir, en non fait. Clairement tu peux pas lui en vouloir, tu peux pas dire putain t'as fait des films de merde, t'as pris le pognon, tu t'es barré, tu vois. C'est pas un type aussi détestable, on va encore parler de lui, hein, que Seagal, par exemple. Ah non, clairement pas. Seagal, tu vois, bon, voilà, je regarde ses films parce qu'il me fait marrer. C'est plus une sorte de moquerie un peu, voilà, parce que le type, il est un peu détestable. Il est cynique, c'est ça. Le gars, il est pas fréquentable. Enfin, voilà, t'as plein de choses qui ressortent. Tu dis, le type, en vrai, peut-être à cette époque-là, peut-être moins maintenant. Ah non, tu sens que c'est un salaud, quoi. Honnêtement, je pense qu'il a toujours gardé puis même tout ce côté un peu sur sa vie, on sera jamais sûrement la vérité. Il a dit il y a pas longtemps d'ailleurs qu'il va faire une biographie. Oh putain, ça va être beau. Oui, j'ai hâte de mettre la main dessus, clairement. Parce que je pense que ça va être formidable. Mais voilà, c'est pas comme ça, en fait. Il est juste ouvert et tu peux pas lui en vouloir d'avoir fait des merdes à un moment. Voilà, c'est juste de dommage qu'il soit tombé là-dedans, mais bon, voilà, c'est comme ça. Mais c'est vraiment quelqu'un, tu le vois, alors oui, à l'époque, tu rigoles, mais enfin, même à l'époque, il y avait quand même une certaine peine de le voir comme ça, et tu dis, putain, surtout quand tu te rends compte, quand tu t'arrêtes pas juste, oh, c'est drôle, oh, il trouve pas ses mots en français, alors que le type, normalement, il parle français au départ, voilà. Et quand tu lis entre les lignes, quand tu vois un peu le personnage qui a l'air lui-même un peu perdu, qui a l'air lui-même de se dire, putain, je suis obligé de chercher ce que je dois dire. Ouais, putain, il y a un côté naïf que j'aime bien, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Vraiment une certaine naïveté comme certains disaient, en fait, il dit des choses comme un enfant de 4 ans les découvrirait, en fait. Ouais, en fait, il balance comme ça lui vient dans la tête. Ouais, voilà, la même manière, la même explication, très métaphorique. C'est le type, tu peux pas le détester, quoi. Tu peux peut-être le trouver ridicule, mais quand tu sais ce qu'il y a derrière, quand tu sais pourquoi, tu dis, bah finalement, ouais, voilà, il y a des choses qui s'expliquent. Et quand tu le vois maintenant, surtout, en fait, c'est ça, en fait, ça sort de rédemption, entre guillemets, on va dire. Ouais, il y a un côté un peu rédemption. Ouais. Qui l'a entamé avec JCVD, avec le film JCVD, je dirais. Chemin de croix. Voilà. Alors qu'il n'avait pas forcément tant de choses que ça à se faire pardonner. C'est pas vraiment qu'il avait des choses à se faire pardonner. C'est vraiment que, on va dire, plus, voilà, comment il l'a vécu, tu vois, un peu de l'autre côté du miroir. Après, c'est super compliqué de nettoyer une image publique, hein. Ah oui. Parce que quand surtout, tu vois. Surtout comme ça. Surtout quand tu vois, comme je t'ai dit tout à l'heure, dans l'intro, c'est très facile pour des gens qui se réunissent autour d'Arthur, qui se frottent tous comme ça entre eux, parce qu'ils font des bouses qui ramènent 20 millions de téléspectateurs, mais des bouses, enfin, désolé, mais des bouses quand même. Et on dénonce. Non, mais moi, c'est toujours des émissions qui m'ont dérangé parce qu'ils sont, une bande de potes qui se réunissent pour montrer leurs photos de vacances. C'est un dîner de cons. Quand ils étaient petits et les enfants de la télé, la plupart ont fait des films de merde. J'ai vraiment, tu vois, Jean Reno aux enfants de la télé, mais regarde ta carrière, mec. Enfin, je sais pas, à un moment, regarde tes films. Moi, je suis pas un grand fan de Jean Reno, désolé. Mais je trouve qu'il joue comme une savate. T'as Christian Clavier, je pense pas qu'il ait une carrière mirobolante. Et ils ont fait énormément de nanars chacun. C'est vrai que du coup, se foutre de la gueule de Jean-Claude Van Damme parce qu'il fait des conneries, se le passant en boucle. Moi, c'est des trucs qui m'ont un petit peu dérangé. Mais après, on est là, on défend le monsieur. Mais il y a eu dans les périodes, vraiment dans les phrases et les déclarations les plus cheloues, il y a quand même le fameux avec la peptine. Où il dit quand même, moi Adam et Ève, le serpent tout ça, moi j'y crois pas, je suis trop malin pour ça. Il dit un serpent c'est gentil, et d'une pomme ça contient la peptine, ça peut pas être méchant. Enfin voilà, donc il y a eu quand même des moments où il était au taquet, où il disait qu'il se baissait les lions de l'air et il est obligé de se baisser, puis les baleines c'est plus intelligent dans l'eau que sur terre, etc. Donc voilà, il y a des trucs un petit peu bizarres, mais si on met de côté entre guillemets tout ça. Ouais, moi, ça fait vraiment partie des acteurs que j'apprécie parce que, je sais pas, je le trouve touchant, je le trouve humble et vrai. Et dans le cynisme actuel, moi, je trouve ça plutôt bien, plutôt sain, quoi, en fait. Tu es très près de la descente, de cette dépression terrible. Et quand tu es une personne qui est élevée dans une famille catholique, tu vois, tu as un certain guilt, une culpabilité. Et je suis très dur envers moi-même. Quand je m'entraîne, je m'entraîne. Quand je travaille, je travaille. Et quand je fais des conneries, je fais des conneries. À cause de ça, à cause des voyages, des films, c'était le tournage de 7h du matin à 10h du soir, l'entraînement de 10h à minuit dans des gyms privés où je m'entraîne, donc je vois personne. Tu vas de voiture en trailer, de trailer en hôtel, tu vis comme sur une plateforme au-dessus de la ville. Ouais, bah c'est clairement ce qui ressort quand on voit son monologue de JCVD qui m'a absolument scotché. Ouais, c'est très fort. Son monologue de 6 minutes du film. Alors bon, comme on a parlé avant, c'est vrai que le JCVD, je suis assez mitigé. Bah, il est moche. Ça, il est moche. Je veux dire, en termes de photos, c'est une catastrophe. Ce filtre dégueulasse sur l'image, c'est pas possible. Hein. La Belgique, c'est déjà assez moche comme ça. C'est pas besoin d'en rajouter par-dessus pour trouver un moyen de faire encore plus gris, plus vert de gris. C'est ça, c'est une sorte de vert ouais, de gris. C'est très très moche. Vraiment, vraiment dégueulasse. Visuellement, le film est très laid. Les acteurs, tout ça, sont bien, à part certains, ceux qui ont l'accent belge, généralement, j'arrive pas à les encadrer. Mais tu préfères les Russes, toi. Ouais, voilà. Mon accent russe, c'est quand même mieux qu'un accent belge. Mais Jean-Claude m'a vraiment touché dedans, sur plein de choses. La manière dont il jouait aussi. La manière dont il pouvait s'énerver pour certains trucs. Enfin, même si ça reste une fiction quand même, t'as une sorte de part de vérité où tu sens que voilà, c'est comme quand des fois on fait des blagues en même temps pour dire la vérité. Là, ça reste une fiction, mais en même temps pour faire passer un message. Et ça reprend, hein, ceux qui ne l'ont pas vu et qui sont quand même intéressés dans le personnage de Jean-Claude devraient le voir au moins pour ça, parce que c'est là que tu te sens mal à l'aise au final d'avoir peut-être rigolé de toutes les blagues à l'époque. Du coup j'étais mal à l'aise parce qu'il y a vraiment des moments où à l'époque j'avais quand même rigolé, parce que t'es quand même obligé de rigoler sur certains trucs parce que ça allait super loin, mais JCVD effectivement arrive à te mettre mal à l'aise au moment du monologue où il arrive à remercier les gens qui l'ont toujours soutenu, etc., mais où il le dit clairement, enfin, il y a un moment, c'était un petit peu compliqué pour lui, quoi. Mais ouais, non, ce monologue est plutôt pas mal. Alors, même s'il y a une part du monologue qui fait référence au film, à la fiction, tout ça, tu sens qu'il y a quand même un message qui passe, et de 6 minutes, d'une seule prise, hein, quand même. Ah ouais. Déjà, quand même pas mal. Et vraiment, ça m'a beaucoup touché, et c'est là que tu sens aussi le bonhomme derrière. Mais en plus, le monologue, tu sens encore comme dans le personnage, que ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, c'est ça qui... Il part sur plein de sujets, donc c'est vraiment 8 minutes où ils ont... Je sais que le réel l'avait dit à l'époque, il a laissé tourner la caméra, il a laissé open bar, et tu sens que le mec veut balancer plein de choses, il a plein de choses dans sa tête qu'il veut balancer, et ça reste ultra généreux, un peu bordélique, mais quand même très touchant. Oui, c'est là qu'on voit aussi qu'il arrive aussi à faire une sorte de recul hein, par rapport à sa carrière, par rapport à des choses qu'il a fait. Et voilà, je pense que ce film doit exister déjà, au moins rien que pour ça. Il a le mérite d'exister pour ça. Je pense qu'il faut au moins le voir pour tout cet aspect-là, cet aspect de rechercher la rédemption. Et surtout, il est cash par rapport au fait qu'il faisait de la merde, quoi. Il se met en scène en train d'accepter des films de merde pour du pognon. Alors peut-être que lui, il ne l'a pas forcément fait pour l'argent, parce que je pense pas qu'il ait été ruiné à un moment. Je pense quand même que... Je pense qu'il a dû perdre du pognon avec la drogue, à mon avis. Parce que JCVD, entre-temps, parce qu'on va pas parler de tous les films de cette époque-là, mais quand tu fais L'Ultime Menace, The Hard Cops, Trafic Mortel, etc., voilà, je pense que tu fais ces films-là uniquement parce que il faut payer les impôts, le choix. Quoi. Voilà, non, c'est comme beaucoup. T'as les impôts c'était à payer, traverser du désert. Hein. Mais après, je pense pas que, comme dans le film, parce que dans le film, le personnage est vraiment aux abois. Il a vraiment plus un rond, il va au distributeur, il a plus d'argent, c'est vraiment la dèche, quoi. Donc je pense pas qu'il soit retrouvé à ce point-là, du moins, en tout cas, on ne le sait pas. Mais tu sens quand même que, voilà, il assume, en fait, un peu tout ce côté-là, pour lui, il n'y a pas de problème, c'est pas forcément honteux, voilà, parce qu'au final, on se rend compte qu'il y a plein d'acteurs qui passent par là, quoi. Ouais, qui ne l'assument pas. Hein. Oui, il y en a plein qui le... Voilà. Alors après, il y en a qui l'assument pour le pognon. On va encore parler de Steven. Hein. Lui, Steven, il n'y a pas de souci. Ouais, Steven, Wesley Snipes... C'est industriel. C'est industriel, quoi, vraiment. Ouais, c'est un métier. C'est, voilà, ouais. On sort leur truc. Il y a des gens qui l'achètent en DVD encore. Second key, parce que, putain, il faut y aller. Mais voilà, ça marche, et voilà. Mais lui, c'est ça qui est bien, c'est qu'à partir de ce film-là, aussi, il cherche à faire autre chose. Et il va réussir aussi un petit peu. Alors, je pense qu'il est malin quand même, plus malin qu'il n'y paraît sur certains. Il va quand même aussi jouer avec ça. Mais avant JCVD, est-ce que tu avais vu Narco ? Le film français avec oui, voilà. Je l'ai vu en partie. Je sais qu'il apparaît dedans. Voilà, il avait déjà fait un petit pas vers ça où, en fait, dedans, Benoît Poulvord, son personnage, est professeur de karaté. Mmh. Et c'est un fan absolu de Jean-Claude Van Damme, et donc il fait des petites apparitions assez sympas, où justement donc il joue son propre rôle, et donc il avait déjà fait on sent que le mec a toujours eu un côté un peu second degré sur lui-même, et Narco, voilà, c'est pas la meilleure comédie du monde, mais je trouvais que le film déjà était plutôt sympathique, et donc le rôle qu'il a dedans, ça passe bien, voilà. L'apparition qu'il fait sur son... Il y a un recul sur son personnage, sur son jeu, sur ses films, etc., qui est plutôt sympathique. Et donc, comme je l'ai dit, on va pas passer sur toutes les grosses crottes, parce que là, c'est quand même de la daube, hein, honnêtement. Même si toi, tu avais vu... Attends, tu m'avais dit, t'avais vu... Non, pas L'Ultime Menace. Non, j'ai vu donc L'Empreinte de la Mort, donc, que j'avais pas vu à l'époque, hein, qui sont de cette... Alors, c'est le film où il pleure. Voilà, c'est j'avais vu l'interview à l'époque, le mec qui a fait, donc c'est Philippe Martinez, et qui a fait le film là, et donc il a dit à Jean-Claude, si tu ne pleures pas dans cette scène, on arrête le film, je me casse. Donc t'as la fameuse scène, encore une fois, où je crois que sa famille qui se fait tuer, il est là, il trouve le corps, oui. Et il pleure, voilà, il pleure, Jean-Claude pleure. Non, non, voilà. Ce film, non, c'est pas terrible, enfin, c'est, non. Bon, voilà, j'ai passé des passages en accéléré, parce que je me dis, bon voilà, il y a des trucs qu'il fallait que je voie un peu de différentes périodes, hein, en revoir certains, comme on disait au début, on n'a pas eu depuis longtemps, puis en découvrir tout court certains, et donc ça c'était pas terrible. Après, il y a eu Jusqu'à la mort, que je trouvais plutôt pas mal, qui a eu une bonne réception quand il est sorti, mais qui finit en autre boudin, parce que comme c'est un film de Jean-Claude, faut forcément qu'il y ait les clichés habituels des films de Jean-Claude, avec des bastons, des gunfights, des trucs, des machins, enfin des trucs qui finissent par n'avoir ni queue ni tête, alors que le reste du film est pas si mal, hein, où il joue un flic pas forcément corrompu, mais un peu pourri. Tu sens que voilà, c'est un gros salopard avec tout le monde, ses collègues, sa femme, enfin bref, c'est pas terrible. Et donc il finit à l'article de la mort, et quand il revient, voilà, il a une seconde chance, il essaie d'améliorer un peu ce qu'il a fait, et je trouvais ça plutôt pas mal. Donc comme je disais, par la conclusion du film, les dernières demi-heures du film, ça part vraiment en vrille. J'ai aucun souvenir. Je crois que je l'ai vu, mais j'en ai tous ces films de l'époque-là. J'en ai bah, quasiment moi, je trouve aucun qu'il souvenir. Il se démarquait quand même un petit peu, on va dire, un petit peu quand même du reste. Tu sentais qu'il y avait un petit peu plus de budget. C'est pas un film bulgo, romano, croate. Enfin bref, voilà, c'est aux États-Unis. Bon, tu sens qu'il y a un peu plus de budget. Ça va. Genre, c'est pas horrible. C'est juste dommage. Tu me dis, bon, c'est dommage quoi, que ça finisse un peu comme ça. Et puis sinon, bah après l'époque post JCVD. J'avoue que j'ai quand même bien kiffé Enemy Closer. Alors Enemy Closer, donc celui avec qui joue le méchant, le méchant canadien écolo. C'est un téléfilm, hein, le film dure 1h20. Mais vraiment, je le conseille parce que pour moi, j'apprécie d'autant plus Jean-Claude quand il joue un rôle de méchant. Alors certains font dire qu'il cabotine. Oh, mais c'est plus du cabotinage, attends, t'es fou. Oui, quoi. Mais moi j'adore ça. Franchement, je trouve ça m'éclate parce que juste voilà, je trouve qu'il est énorme dedans. On le voit pas forcément. Enfin, si, on le voit quand même pas mal. Il est quand même peut-être une moitié du film, on va dire. Et avec son costume rouge, là, costume de garde, canadien. Je ne sais plus comment il se gagne la garde. Garde montée, ou je sais plus exactement c'est quoi le nom, mais et en plus moi il faut le voir en VO, hein, par contre il faut le voir en VO parce que il a une tronche pas possible, c'est savoureux avec tous les passages en français, parce que donc tous ces hommes à lui sont censés tous être des Français. Alors, il y en a certains, tu sens qu'ils parlent plus ou moins bien français, bon, mais c'est plutôt pas mal, c'est plutôt marrant. Le héros, c'est un héros qui se fait casser la gueule à tout bout de champ. Au final, il arrive jamais à s'en sortir tout seul. C'est assez marrant d'ailleurs, il y a toujours un type qui arrive à l'aider. Il arrive toujours à s'en sortir par des moyens tordus. Non, franchement, j'ai passé un bon moment, ça dure assez vite, hein, au final, au moins le générique, je pense, ça doit durer 1h10. Mais c'était sympa. Franchement, de tous les films post-2000 de Jean-Claude, j'avoue que celui-là, il m'a quand même bien fait kiffer. Après, j'ai pas tout regardé aussi. Hein, Et donc, dedans, il y a Christopher Van Varenberg, encore une fois, qui joue François. Oui, je pense que c'est le brun. D'ailleurs, c'est sûrement un des derniers à mourir. C'est celui qu'on a un peu le plus des hommes de main. Ça m'étonne pas d'ailleurs aussi. Il se bat aussi dedans. Je trouvais d'ailleurs que le type se battait. Je me disais d'ailleurs en voyant le film, ce type-là est un peu mis en avant. Et c'est vrai que le fait que tu me dis ça et après que j'ai été voir sa tête, ça m'est revenu là d'un coup. Et ouais, c'est normal qu'on le voie autant alors, ce personnage-là. Moi, sur les films, alors, je dois avouer que quand il a fait JCVD, je me suis dit une nouvelle carrière s'offre à lui. Mm-hmm. Et ça fait partie des grosses déceptions quand même, parce que il a pas su rebondir. Bah, je sais pas si c'est lui ou si on l'a pas donné l'occasion aussi après. Hein. Parce que je me suis dit, allez, c'est parti, mm-hmm. il s'est acheté entre guillemets une rédemption, il a prouvé entre guillemets qu'il savait jouer autre chose que le mec qui met des coups de latte. Ouais. Et il a enchaîné encore une fois. Bon, même s'il a fait encore, moi j'aime bien donc les fameux Universal Soldier quand il a repris, parce que donc il y avait eu les téléfilms, donc il a fait, comme j'ai dit tout à l'heure, le Régénération puis l'autre. Mais il est directement retombé quand même sur les films de série B qui sortent directement en vidéo. Il a quand même fait le doublage dans Kung Fu Panda 2, mm-hmm. donc il joue Maître Croc, je crois, puis il le fera aussi dans le 3. Et bah, il enchaîne encore une fois les séries B. Moi, je les ai quasiment tous vus. Il a fait Assassination Games, pourtant avec Scott Adkins, qui est assez chiant. Il a fait The Eagle Path, que je n'ai pas vu. Et donc c'est son deuxième film en tant que réalisateur. Mmh. Et il semblerait que ça soit un truc assez assez taré, assez perché. Alors il y a des avis assez contrastés dessus. Je crois qu'il a eu des problèmes de montage, remontage, où il a refait des trucs, etc. Il a été fait en 2011, mais il est sorti en 2012 dans certains pays uniquement, etc. Donc c'est assez bizarre l'histoire de The Eagle Pass, mais voilà, j'ai bien envie de le voir par contre. Dragonite, c'est un peu une arnaque parce qu'il est là, c'est pas vraiment le vrai héros du film, un peu comme Steven, il fait souvent, il apparaît sur l'affiche en gros, mais tu le vois 20 minutes. Et encore 20 minutes, c'est large, hein, c'est qu'à le dire d'ailleurs. Et on a même pas parlé, mais j'ai zappé, mais Expandables 2. Oui, bah ouais, c'est un des trucs qu'il a fait aussi un peu revenir. Jean après. Vilain. Jean Vilain, il est très bon, encore une fois, en méchant, Vraiment, je trouve que quand il est méchant, c'est là qu'il peut. Il est pas cliché. Il est pas dans son cliché de personnage habituel, et quand il fait un méchant, on dirait bah, comme beaucoup d'acteurs au final, parce qu'il y en a beaucoup qui disent qu'au final ils aimeraient bien jouer des méchants. Oui, c'est plus intéressant. Parce que oui, voilà, on peut faire plus de choses, et j'avoue que dès que lui il est méchant, tout de suite ça prend une autre dimension. Et je trouve ça savoureux. Vraiment, c'est un petit plaisir, tu vois. Je me dis, oh, c'est plutôt pas mal. Bah, c'est une bonne idée. Il joue donc Jean Vilain. Jean Vilain, encore une fois. Oui, en plus, c'est super vraiment. Bon. Voilà, c'est. Mais là, c'est... il a l'air moins con, je trouve, quand même. Le nom, c'est plus... ça fait plus classe, quand même. Ouais, bah, ça fait vraiment série B, quoi. Donc... Après, moi, je porte pas dans mon cœur Expandable 2. Je le trouve efficace. Mais moi, c'est pareil. Sur quelques scènes, la scène d'ouverture est très bonne. Mais pareil, visuellement, c'est moche, quoi. C'est moche. Il y a un côté saturé. Tu vois les effets spéciaux un peu dégueu, qui dégouline de partout. Ouais, je suis un peu frustré avec ce film. Hein. Tu vois, je préfère encore plus la réal du premier, de Stallone, en fait. Ah, même si tu vois que les effets spéciaux sont un peu typesques et tout ça. Bah, le sang, notamment le sang, c'est un truc qui est dégueulasse. Ah, l'effet numérique du sang, mais qui a eu l'idée? Alors, sur 300, je veux bien. Des feignants. Ça a commencé à cette époque-là. C'est moins cher. Bah ouais, mais non, après faut arrêter. Là c'est pas possible. Hein. Moi je veux des poches de sang qui explosent, je veux des trucs qui pètent. Vraiment, là c'est une catastrophe. Mais ouais, c'est le film un peu de la frustration. Alors pas autant frustrant que le troisième. Ah, mais le troisième c'est une vraie douche froide. Hein, non. 3. Mais le deuxième, heureusement qu'il y a Schwarzy qui est là pas mal. Qui apparaît. Mais en fait, le problème du 2 c'est qu'il est jamais cadré correctement et que tu as normalement. T'as quand même une scène où tu vois Bruce Willis, Stallone et Schwarzy sur le même plan en train de dégainer et c'est pas filmé, quoi. Généralement tu fais un truc hyper iconique qui pète et là c'est filmé comme ça en vieux plan large en arrière avec eux en train de tirer. Bah, c'est un vrai gâchis, c'est un peu un rendez-vous manqué et comme tu le dis, avec le Norris en cool. plus. Ouais, alors que pareil, c'est pas ce que je préfère, toi, c'est un peu le truc imposé qui arrive comme un cheveu sur la soupe et où on rigole. Ah oui, mais voilà, je dis, c'est dommage, quoi. T'avais Chuck Norris sous la main, c'est vrai que ça aurait été cool. Et tu vois, c'est le clin d'œil pour le clin d'œil, ce qui ne faisait pas vraiment le 1. Le 1, t'avais vraiment la série B d'action. D'ailleurs, il devait jouer dans le 1. Van Damme, il a dit non, ce con, abruti. Oui. Donc, tant pis, il a joué dans le 2, mais c'est vrai que le 2, il y a un vrai souci, c'est le clin d'œil pour le clin d'œil, et ça, c'est le danger. Et c'est le danger de beaucoup de productions de maintenant, c'est qu'on veut trop jouer avec le spectateur, à le caresser dans le sens du poil, quoi. Et même si t'as des scènes qui fonctionnent relativement bien, t'as notamment une scène dans le 2 que j'aime bien, où ils arrivent dans une ville comme ça, un petit peu hors du temps, où t'as Stallone qui a mis sa petite casquette comme ça, on dirait un peu une sorte de film des années 60. Où il débarque un peu dans la ville. Comme quand il était dans les années 70, quand il apparaissait des fois. Exactement, il y a quand même des scènes plutôt rigolotes. Mais sorti de ça, dès que ça tombe un petit peu dans le clin d'œil et le truc facile, ça m'énerve un petit peu. Quoi. Donc, mais en tout cas, Jean-Claude est bien. Et cool, Jean-Claude est cool. Et il y a aussi Scott Adkins, moi j'aime bien Scott Adkins, qui a un peu une carrière de merde, qui est en train de foirer sa carrière aussi. Mais Finit mal hein, dans le film. Ouais, ils finissent tous très très mal. Hein. Mais d'ailleurs, en plus, il se fait massacrer Van Damme dedans, quoi. Tu lui craches dessus. Il a encore du répondant hein, quand même. Hein, parce que les scènes sont plutôt pas mal. Bon, il aurait dû le défoncer. Je pense clairement qu'il peut défoncer Stallone. Jean-Claude, c'est le meilleur. Quoi. Alors, ça me fait penser qu'on n'a pas parlé du fameux clash Jean-Claude Steven Seagal. Ah, il s'apprécie pas chez, beaucoup. Chez Stallone, la fameuse légende urbaine, que les deux ne s'appréciaient pas et que Seagal disait que c'était un faux karatéka, qu'il n'était pas capable, je sais pas quoi, et qu'ils ont failli en venir aux mains, mais qu'il y en a qui s'est barré. C'est la légende qui est assez cool parce que, en fait, tu sens qu'il y a un peu du mytho chez les deux. En plus, il y a beaucoup quand même chez notre ami Steven, mais c'est vrai que. Il y a un peu la légende, Jean-Claude veut qu'il a gagné des trucs, il a gagné des ceintures, etc. Après, les fameux champions d'Europe, ou je sais pas quoi, ou champions de Bruxelles, il y a un côté un peu mytho, pas mytho, qui se dit à gauche et à droite, mais c'est clair que les deux se détestent complètement. Et d'ailleurs, à un moment où Jean-Claude était un petit peu dans la tourmente, on va dire, il n'y allait pas de main morte. Hein. Steven, il balançait des trucs, voilà, effectivement, il balançait des saloperies à gauche et à droite pour essayer de décrédibiliser complètement le mec. Et c'est un peu un salaud. Hein. Steven, t'es un salaud. Ah oui, quand même. Et d'ailleurs, il y a une scène un peu marrante aussi dans le CVD où il dit que Jean-Claude dit à un moment, un des mecs dit non, à ce film-là, je le fais pas, ils ont pris Steven. Oui, c'est vrai. Il a promis de couper son catogan. c'est assez savoureux, mais voilà, tu vois, même ça, tu vois, on dirait qu'il y a une sorte de recul dessus. Enfin, je sais pas, je comprendrais pas les gens qui détestent Jean-Claude. Vraiment. Et dans les derniers films, oui, pareil, donc le côté Jean-Claude joue de son image, et le film lui doit beaucoup. Et moi, franchement, je me suis bien fendu la gueule dans les scènes avec Jean-Claude. C'est Bienvenue dans la jungle, Welcome to the Jungle, qui est sorti. Donc, c'est un DTV. Hein, comme... Je crois qu'il y a peut-être une petite sortie. Je crois que c'est un film anglais de mémoire. Et Welcome to the Jungle, donc, qui joue à un prof de survie. Et en fait, c'est un gros mytho. Oui, puisqu'il se fait en plus. Ah bah il se fait bouffer par un tigre, hein, t'as une scène qui est juste... En fait tu vois, ils gueulent sur les mecs, en fait c'est, il y a un regroupement d'employés pour qu'ils puissent s'entendre entre eux, donc pour qu'ils arrivent à être plus solidaires, etc. Et donc ils embauchent Jean-Claude Van Damme qui est soi-disant le mec qui va leur permettre de faire le truc de survie et tout dans les meilleures conditions. Et le mec c'est le pire des mythos. Et il se fait, dès les premières scènes, fou, il arrive devant une espèce de tigre qui le bouffe pendant qu'il fait un truc. En fait c'est un mec qui est hyper apeuré pendant tout le long et c'est super drôle. Et il est vraiment sympa dedans, quoi. Donc voilà, moi, Welcome to the Jungle, si vous voulez une comédie un petit peu bizarre, alors le rythme un peu bizarre de ce truc-là, mais le côté Jean-Claude, en tout cas, il est très bon dedans. Donc si vous aimez Jean-Claude, regardez Welcome to the Jungle. Et dans les derniers que j'ai vus, que moi j'ai trouvé sympa, bah, il y avait La Vengeance dans le corps. Et c'est une série B d'action, voilà, qui est un peu bah, comme d'habitude maintenant avec Jean-Claude, hein, c'est qu'on espérait qu'il fasse un peu autre chose, mais il retombe dans la série B, et c'est un petit peu dommage, quoi. Parce que je pense qu'il mérite, il mérite un petit peu mieux. Après, c'est à lui de choisir ses rôles un peu plus correctement, quoi. Ah ouais. Après, c'est toujours, hein, toujours le problème avec certains des acteurs comme ça. C'est ce qu'on leur propose. Est-ce que voilà. Bah, il faut vivre aussi. Bah oui, voilà. Non, il faut bien gagner un peu de pognon. Il faut payer les impôts. Et puis, si on leur propose pas des choses, si des gens ne pensent pas des pontes, hein, ceux qui mettent du pognon, ceux qui disent ouais, je veux tel acteur, et si on leur dit ouais, Jean-Claude Van Damme, non, mais ça va pas, ça marchera pas, parce qu'il y en a qui sont voilà, c'est qu'à le dire, mais je veux dire, il y en a vraiment, ils sont cons comme des balais, ils vont pas prendre de risque, hein, y a pas de prise de risque, parce que y a du pognon en jeu, donc on va pas forcément proposer certains rôles à certains acteurs, alors qu'il y aurait matière, parce que, bon, pourtant, en plus, c'est con, parce que Jean-Claude, on l'a vu que il y avait des trucs qu'il pouvait faire, qui étaient complètement en dehors de son jeu habituel, et franchement, il s'en sort très honnêtement, hein, y a pas de... Ah, puis en comédie, ah, oui, en comédie, bah, oui. il est cool, mmh. Enfin, voilà, toutes les pubs, dans JCVD, je veux dire, les pubs qu'il a fait, où il se fout de sa gueule à faire des grands écarts partout, là, avec... Ah, t'as raison, faut qu'on en parle, des pubs, ça, que j'ai même pas complètement oublié ça, mais la fameuse pub entre les deux camions, elle est cute. Ah oui, bah, de toute façon, c'est une des pubs qui a le plus buzzé, hein, il y a quelques années, hein, ça fait jusqu'à 30 millions de vues en quelques jours, enfin, c'était vraiment... Et parodié à mort. Oui, ça a vraiment marqué les gens, et en plus, surtout, parce que, bon, évidemment, hein, y a des choses qui ont été gommées au montage pour la sécurité, mais sinon, à part ça, il a vraiment fait le grand égard entre deux camions. Énorme, c'est un sacré coup de pub, bah oui, pour lui et sacré coup de pub pour ses Volvo, je crois. C'est Volvo, c'est les camions, c'est, ouais, pour les camions Volvo, et c'est incroyable parce que, enfin, tu dirais, il y a que lui pour faire ça, quoi. Oui. Tu pourras pas aller demander à les Stallone de faire des pubs à la con. Alors c'est un peu dans le même image que Terry Crews que j'aime aussi beaucoup. Ouais, qui est énorme, qui est pareil, il se prend, oui, pas du tout au sérieux. Oui, il se prend pas la tête. Ou The Rock. Voilà, qui est comme aussi. The Rock, même si The Rock, il va pas forcément se ridiculiser, alors que Terry Crews, lui, se ridiculise, y a pas de problème. Avec toutes ses pubs pour ses douches, les gels douches, les trucs et les machins, là, qui sont complètement pétés. Tu sens que le type, voilà, il profite d'être là, c'est ça que j'aime bien, c'est une mentalité que j'aime bien. Alors après, on peut dire, est-ce que c'est sincère ou pas, voilà, bon, il y a toujours, on peut jamais être sûr. Un mec qui fait un split entre deux camions. Mais oui, pour Jean-Claude, je pense que la sincérité, elle est plus forcément à démontrer. Après, pour les autres, bon, ça reste à voir, mais voilà, c'est quelque chose que j'adore aussi dans le personnage, c'est cette manière de se dévaloriser lui-même en se mettant en scène dans des trucs complètement improbables. Et j'ai pas vu toutes les pubs possibles qu'il a fait, mais je sais qu'il a fait des trucs absolument terribles, hein, Mais là, en ce moment, moi, ma grande passion, c'est les matins, c'est de mettre des gifs animés. Mmh. Et quand je tape Jean-Claude Van Damme dans mon truc de gif, mais tu trouves des pubs pour des tablettes de chocolat, à un moment tu le vois faire une pub pour je sais pas quoi, où il est en train de faire le grand écart sur un mur en train de jouer du tambourin, enfin t'as des trucs de fou, et il avait fait aussi, maintenant j'y pense, là j'ai un petit flash, il avait fait un clip où il dansait. Et c'était pour Bob Sinclair, si ma mémoire est bonne, je sais pas si tu l'avais vu ce clip-là. Oh, peut-être, mais j'ai pas de souvenir là. Alors moi, c'est pas du tout mon trip de musique, mais forcément, il y avait Jean-Claude, et donc il danse un tango de dingue, et il est super bon dedans, quoi. Mm-hmm. Enfin, tu vois, le mec, enfin, il a quand même un charisme certain, et en plus, dans la scène, enfin, au niveau danse, contrairement à Kickboxer et à Breaking, il danse plutôt bien, et il est pas du tout ridicule, et le clip a surcartonné, parce que justement, t'avais Jean-Claude qui jouait avec... Alors là, c'est un petit peu plus glamour, quand même s'il allait au taquet. Je crois qu'il parle de Van Damage, je crois que c'est un truc qu'il dit régulièrement, il fait des fringues qui s'appellent Vente Damage ou un truc comme ça. Et donc il a fait énormément de choses par-ci par-là. Il avait aussi fait une apparition dans Friends, dans la saison 2, je crois, à l'époque. Et bon, là, par contre, c'est un peu moins humble. Hein. Il y a Courtney Cox, je lui demande, et lui, tu peux le battre? Il fait, bah ouais. Et lui, tu peux le battre? Ah, bah ouais. Et lui, tu peux le battre? Ah, bah ouais, je suis le meilleur, etc. Donc, bah, c'était pas d'une humilité absolue. Non, non, non. Et bah, c'était un peu époque Street Fighter, tout ça, où il avait un peu le melon. Mais c'est vrai que dans tout ce qu'il a fait un peu autour, au niveau des pubs, au niveau, bah, justement, au niveau télé, il s'est lâché un petit peu plus. Il est un peu plus détendu aussi. Même si il se laisse un petit peu moins niquer par, justement, les télés qui veulent un petit peu abuser de sa gentillesse, etc. Et c'est vrai qu'il est dans une... plus forcément dans une époque de rédemption, mais où tu sens que ça va mieux. Mmh. Et que, oui, clairement. Quand il est sur un plateau, dont la fameuse interview dont je t'ai parlé tout à l'heure, où il parlait de ses parents, etc., bah, il revient ouvertement sur ce qu'il a fait dans sa vie, et tu vois que c'est beaucoup plus posé, réfléchi, mais sans être calculé. Parce que il parle quand même de tout, il parle de la drogue, il parle de ses problèmes avec les femmes, il parle de pas mal de choses. Et ouais, il est quand même assez touchant. Et ça va peut-être lui permettre, là maintenant, à 56 ans, de rebondir. Et ça va nous permettre de parler de son nouveau projet, qui est quand dont même... Dont on a fait la belle promotion. Hein, ouais, je pense qu'on l'a... on va l'aider un petit peu quand même pour que ça soit validé par Amazon. Et je vais te laisser en parler, parce que tu l'as vu vraiment récemment. Oui. Et donc c'est Jean-Claude Van Johnson. Johnson. Et oui, car en fait on ne le savait pas, mais Jean-Claude en fait est un agent secret. Et oui. On nous l'a caché toutes ces années. Alors d'ailleurs, on pourrait dire, c'est peut-être un clin d'œil à Steven Seagal. C'est possible. L'homme des forces de l'ordre. Voilà. Mais ouais, voilà. Enfin, c'est un nouveau projet. Donc c'est un projet d'une série. Donc bon, on le sait, hein, maintenant le paysage audiovisuel est en train de subir une grande mutation, hein, maintenant avec l'arrivée de la SVOD et tout ça, Netflix et toutes ces nouvelles manières de produire du contenu. Et donc Amazon, via ça, il y a une chaîne de télé, enfin une chaîne, ils ont une, ouais, ils ont mis un vecteur de contenu, un truc, on va dire, de production pour faire, voilà. ils ont pas mal de pilotes de séries en route. Et donc ça s'appelle Amazon Prime, et qui a donc dans l'idée de lancer plusieurs séries, et donc ils ont produit un pilote pour chaque. Et c'est aux gens en fait de voter, en gros, s'ils ont aimé ou pas, et ils produiront ce qui a été le plus aimé. Alors je ne sais pas s'ils en produiront qu'un ou plusieurs, je sais pas comment, ce qu'ils ont prévu. Et dans l'eau, il y a notre Jean-Claude. Alors c'est vrai que c'est assez bizarre de se dire que Jean-Claude est obligé de batailler avec d'autres trucs, dont un super-héros en collant, je ne sais plus. Il va gagner, c'est obligé. Donc, mais voilà, c'est Jean-Claude, à mon avis. Il suffit de voir toutes ses pubs, tous les millions de vues de tout ce qu'il fait, et tout ça. Bon, à mon avis, c'est qu'une formalité. Du moins, on l'espère, sinon je pense qu'on va cramer un ou deux putain, trucs. Ah ouais, bah, j'ai Amazon, j'y vais. Hein. Et donc Jean-Claude Van Johnson, c'est l'histoire donc de Jean-Claude Van Damme. Qui est au bout du bout. Voilà, qui est à la fin, qui fait plus rien, qui s'emmerde comme un rat mort dans sa vie de tous les jours, dans sa grande maison, en se baladant en Segway au milieu de ses photos de sa glorieuse époque. De sa glorieuse époque. Et il se fait chier comme un rat mort, et il décide de revenir. Mais pas de revenir à faire des films, non, de revenir en tant que Van Johnson, qui est donc pour son nous alter dire, ego. Voilà, c'est un agent secret. Mais alors donc en anglais on dit un contractor, c'est-à-dire bon voilà, quelqu'un qui fait un peu la sale besogne pour de l'argent, hein, pour une sorte de militaire privé, une sorte de mercenaire un petit peu. Voilà, un mercenaire, voilà, c'est un peu le terme français pour dire de voilà, il y a des missions et en fait on apprend que en gros tous ces films et tout ça, c'était un peu des couvertures pour être à tel endroit au bon moment, pour faire telle mission. Donc on redécouvre Jean-Claude comme on le connaissait absolument. Et j'avoue que j'ai bien kiffé, franchement, j'ai bien kiffé le truc. Comme d'habitude, il y a une mise en abîme du personnage, de lui-même, du personnage créé, de ses films, de ce qu'il est. Je le trouve vraiment très bien dedans à jouer, tout ça, la manière dont c'est fait. Tu sens que les moyens ne sont pas énormes, mais c'est propre. Et puis c'est complètement what the fuck, parce que le film qu'il est censé à un moment retourner dedans pour comme couverture, c'est incroyable. Bon, on va pas forcément spoiler pour les gens qui ont pas vu, mais avec sa salopette et son chapeau, mais t'as l'impression que c'est une grosse critique d'Hollywood qui fait des films avec n'importe quoi. Ouais, puis le réel qui s'en fout, il dit oui, je vais voir ça, mais dis donc, non, mais c'est pas grave, on commence, on s'en fout, voilà. Et puis t'es qui, toi? T'es vraiment qui va lui fait comprendre, entre guillemets, que c'est qu'un vieux déchet avec qui on a plus rien à foutre de lui. Et c'est vrai que, un peu comme dans la scène d'action de JCVD au début, où t'as une scène d'action en plan séquence où il dit, mais je suis trop vieux pour faire ça, c'est n'importe quoi. Et tu vois vraiment qu'il y a en filigrane. Alors j'espère que ce sera un petit peu plus poussé par la suite. Mmh. Ça reste quand même relativement léger. On est plus un peu dans la comédie. Oui, c'est de la comédie hein, quand même. C'est de la comédie. Et j'aimerais bien vraiment que ça soit un petit peu plus poussé par la suite. Mais t'as voilà, en filigrane la petite critique d'Hollywood. T'as bien sûr Jean-Claude Van Damme qui, encore une fois, joue de son image, etc. Donc après, c'est un peu moins surprenant parce qu'on commence à avoir l'habitude avec lui, mais c'est toujours bien fait parce qu'il joue plutôt vraiment correctement, je trouve, dedans. Mmh. Et puis pareil, enfin ouais, moi le début, j'adore quand tu le vois déambuler avec son espèce de l'appareil, je sais plus comment ça s'appelle là, les Air Wheels là où il se déplace dans sa maison pour récupérer son journal, pour aller choper son courrier. Comme tu le dis, il se fait chier, enfin il fait plus rien. Puis d'un seul coup, il reprend contact avec son agent. Alors je crois que c'est celle qui jouait la femme dans. Bill Cosby là, le Cosby oui, Show. Oui, oui, oui. Donc c'est ça. Hein, donc pareil, on l'avait pas vu depuis un petit moment. Et donc il va, alors, je sais pas si c'est parce qu'il est attiré par la meuf et tout, mais il va être motivé pour retourner donc jouer Jean-Claude Van Johnson. Ouais, je crois que c'est ça en fait. Hein, dans l'histoire, c'est qu'il recroise une ancienne, une ancienne conquête. Un peu par hasard, en se faisant chier dans un restaurant de ramen, mais qui sert des ramen sans eau. Enfin bref, il y a plein de trucs comme ça. Les hipsters s'en prennent plein la gueule. On le confond tout le temps avec quelqu'un d'autre. C'est vraiment une catastrophe. Il est borgne aussi. Je crois que c'est Nicolas Cage, hein, je crois, qui dit ouais. Je suis à la retraite, mais pas comme Nicolas Cage, je veux dire, je suis vraiment à la retraite et tout ça. Mais, et donc, oui, donc il essaye justement, comme il se rappelle, des bons souvenirs avec elle, qu'il y a une scène extraordinaire d'ailleurs, où il y a une sorte de flashback. Où il est, où la femme justement explique la première fois qu'ils se sont rencontrés, où tu as Jean-Claude avec son mulet. Ouais, donc en gros, c'est une sorte de flashback de. C'était lequel déjà? C'est pas Chasse à l'homme, c'est. Chasse à l'homme, t'avais Chasse à l'homme. Si, c'est Chasse à l'homme, c'est le film mulet, c'est ça. C'est ça. Ouais, avec la chemise bleue, exactement comme dans Chasse à l'homme. Hein, la chemise bleue, le mulet. Sauf que c'est Jean-Claude maintenant, mais on fait une sorte de flashback, tu vois que c'est bon, c'est fait. Il a une gueule pas possible. Oui. Mais. Et puis voilà, il y a une sorte de référence à plein de ses films, à Time Cop, dans un passage énorme qui est. Excellent, c'est vraiment savoureux, et puis le grand écart qu'il essaye de faire aussi à un moment, qui est mis dès le début du film en fait, puisque l'épisode commence par l'action bien entamée, et on revient en arrière pour expliquer pourquoi il en est arrivé là, avec son grand écart complètement foiré, c'est extraordinaire quoi. Mais, il y a plein de bonnes idées, en fait ils utilisent bien l'image, tout ce qui entoure Jean-Claude Van Damme, ils avec son détourné, script, le script qui perd, etc. Enfin vraiment il y a plein de trucs vraiment très sympas, j'ai trouvé ça plutôt vraiment bien fait, assez intelligent, et donc ouais j'espère que ça sera poussé plus loin, que ce sera surtout poussé un peu plus loin, que ça sera fait toujours de manière un peu intelligente et pas forcément versé dans la facilité, dans la nostalgie facile, un peu, voilà. Bon, c'est le risque, parce que tu dis limite, le pilote peut quasiment se suffire à lui-même. Un peu, ouais, c'est vrai que déjà rien que là, on a quand même déjà pas mal de références assez sympas, donc après, il faut quand même en trouver derrière. Et puis, faire quelque chose d'honnête avec le spectateur. Après, peut-être qu'ils arriveront à trouver une sorte de méchant continu, d'essayer de trouver quelque chose. Bon, Steven, c'est bien que Steven fasse le méchant de service. C'est ou un sosie, ce serait génial qu'il fasse un sosie de Steven Seagal et qu'il fasse le méchant. Même qu'il y ait des apparitions de d'autres acteurs ou d'autres trucs et tout. Enfin, je pense qu'il y a des possibilités qui sont assez énormes. Mais voilà, moi franchement, j'ai envie d'en voir plus. Alors, il y a des belles promesses. J'ai juste envie parce que c'est Jean-Claude, j'ai envie de le revoir un peu sur le devant de la scène. Et puis, on a envie de le revoir dans un truc bien. Voilà, qui est maîtrisé, tu vois, pas un truc qui est fait un peu à l'arrache. Allez, on essaie de faire ce qu'on peut avec trois bouts de ficelle. J'ai envie de le voir un truc maîtrisé. Et surtout dans cet aspect qu'il maîtrise très bien lui de se mettre en abîme et de pas se prendre au sérieux, et je me dis qu'il y a moyen quoi, voilà, donc c'est pour ça que moi je suis bien impatient de voir ça, et j'ai hâte de savoir les résultats, je sais pas quand est-ce que ce sera, quand est-ce qu'on saura. Ouais, c'est encore les votes, je crois que sont encore en cours. Il restait plus beaucoup de temps la dernière fois quand j'ai partagé sur Twitter. Ouais, je crois que tous les jours Jean-Claude sur son compte Twitter, il partage une petite vidéo. Une phrase, Je crois qu'il reste 6 jours, je crois, aujourd'hui, il me semble 8 ou 6, je sais plus. Ouais, donc logiquement, quand vous écouterez cette émission, ça sera trop tard, mais on espère, on croise les doigts, on serre les fesses pour que Jean-Claude Van Johnson soit validé, soit acté, et qu'on puisse en profiter, je pense, à mon avis, pas avant l'année prochaine, forcément. Oui, je pense. Ouais. Mais voilà, j'espère vraiment que ça va être fait. Franchement, je crois qu'on a fait le tour. Ah ouais, je pense qu'on a fait un gros tour de Jean-Claude. On est plutôt bien. Donc à savoir aussi qu'il a fait le remake de Kickboxer, donc qui s'appelle Kickboxer Vengeance. Waouh, bravo. Alors ça c'est fou. Alors la vengeance de quoi, vu que c'est un remake, bande de cons. Mais donc il fait l'entraîneur justement dedans, ce qui est un petit peu bizarre, mais bon voilà, on surfe encore une fois sur des succès de l'époque, c'est un peu la mode. Donc on va rester quand même sur des notes positives, et donc Jean-Claude Van Johnson. Donc vous l'aurez compris, on aime Jean-Claude Van Damme, et il lui fallait une émission complète, et je crois que c'est fait, contrat rempli, camarade. Eh oui, totalement, je pense qu'on a bien décrit ce qu'on aimait hein, chez lui, ce qui faisait que c'était pas forcément un acteur comme les autres, parce que voilà, il n'y a qu'un seul Jean-Claude, hein. À mon avis, je doute qu'il y en ait un autre un jour. Mais ouais, sinon, ça fait partie des personnages un peu uniques. Comme tu dis, voilà, il n'y a qu'un seul Jean-Claude, et ça fait partie des acteurs qu'on a découverts quand on était jeune, ça fait partie des acteurs que moi je suivrai presque peu importe ce qu'ils vont faire, parce que comme je l'ai dit, j'ai vu quasiment tous ces films, que ce soit les plus mauvais jusqu'au meilleur, un peu comme Schwarzy, hein, qui a une carrière en dents de scie. Bon, il a fait quand même plus de grands films que Jean-Claude, voilà, faut être honnête aussi. Oui, quand même. Mais voilà. Je pense que Jean-Claude, comme certains, il est arrivé un peu... pas au mauvais moment, mais disons que c'est vrai qu'il serait peut-être arrivé 10 ans plus tôt, sa carrière aurait peut-être été différente. Ouais, c'est possible. Je pense qu'il va y arriver un petit peu en fin du moment où c'était les muscles, comme il dit. Je suis arrivé, Van Damme en tant Monsieur Muscle, etc. Et il a profité un petit peu, sa carrière a monté tranquillou jusqu'à se fracasser complètement. Mais je pense que son caractère, sa façon d'être fait que ça reste quelqu'un d'assez unique, et ça fait vraiment voilà, partie des gens que j'apprécie énormément dans ces trucs-là, et dans le côté bis, etc. Il a une place importante dans mon cœur de cinéphile, parce qu'il est voilà, parce qu'il est cool, parce qu'il est vrai, parce qu'il ment pas, et on t'aime, Jean-Claude, merde, hein. On est là, on sépare, on tourne autour du pot là tranquillement pour conclure cette émission, mais je pense que la meilleure chose qu'on puisse dire, c'est « Ah, Jean-Claude, bah, on t'aime, mec. » Bah voilà, et Steven, c'est un naze. Et Steven, t'es un naze. Mais on fera sûrement une émission quand même, parce que Justice Sauvage, c'est un des meilleurs films que tu as jamais fait, et c'est quand même un film qui pète la classe. Bah écoute, mon petit Bilou, on a eu du mal à faire cette émission, mais elle est en boîte, ça y est. Bah ouais, j'espère, ouais. On va donner rendez-vous à tout le monde sur les réseaux sociaux. On espère vraiment que ça vous a plu, parce que forcément, là, on est en train d'enregistrer, nous, on est un petit peu à fond dedans. Ça peut être un peu fatigant, le côté on passe d'un film à un autre, mais voilà, on a essayé de faire le maximum de films possibles. Les pierres angulaires un peu de sa filmo, un peu les films importants. Voilà, donc il y a un côté name dropping qui peut, alors peut-être que certains vont trouver ça fatigant, et je peux comprendre, il n'y a aucun souci, donc n'hésitez pas à nous donner vos ressentis sur Twitter, etc. Je vais quand même essayer de créer un compte Twitter pour chez ces canapés, ce sera peut-être plus simple. Mais voilà, on espère que ça vous a plu, parce que ça nous semblait important de revenir sur la carrière de ce monsieur, et j'ai envie de dire, Bilou, on va essayer de refaire bientôt. Ouais, bientôt, ouais. Hein ? Donc on va vous dire à bientôt, j'espère. Voilà. Et on vous embrasse. Avant 2017. Allez, salut les bourrins. Allez, bye.